1 Fun List ce soir sur Fun Radio. Black M. On est qualifié, on est qualifié, on est qualifié. Et tu devrais faire le speaker de l'équipe de France. Victoire de l'équipe de France. Et j'y vais, profitant pour t'acheter des nouvelles chaussures. Ouais. C'est clair, oui, il vaut mieux. Et elles ont du bleu comme la victoire de l'équipe de France. Ouais, exactement, ouais. Voilà. Bien. Bon, et ben on va suivre l'Algérie aussi à 22h. On suit en direct sur Fun. Un petit France-Algérie en quart de finale, ça le ferait quand même. Ouais. Ah, mais c'est bien attendez, parce qu'on y va. Il y aurait de l'affrontement. On est qualifié. On y va. Voilà, c'était le vous boss avez... de Fun Radio qui vient de chanter en direct. Vous en... Non, le sous-chef, parce qu'après c'est Laurent, c'est Jérôme. Ah bah oui, mais enfin bon, il faut appeler un chat à chat. Merde. Ah bah appelons un chat à chat. Bon bah très bien, parfait. Bon bah JB, à demain. Bravo les bleus. Eh oui, à demain JB. Et puis on est parti là en direct jusqu'à minuit sur Fun Radio. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup, vous avez raté ça. Comment ça s'est passé? Mal, j'imagine, sinon t'aurais pas peur. Mal. Qu'est-ce que t'as été lui dire? Je lui ai dit bonjour, ouais. Comment tu t'appelles? D'accord. Ouais. Tu fais quoi dans la vie? Et après, elle m'a dit non, désolé, tu m'intéresses pas, c'est trop moche. Ah oui, mais bon, c'est après... Bon, alors c'est quoi ton excuse, toi, Mika, pour pas aller au bahut? Ouais, en fait, moi, c'est pas moi, c'est mon collègue. Il s'est fait exempter de vie en société par un médecin. Mickaël No Limit, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter, Instagram et maintenant en live. Sur Fun Radio. Exact, on est là sur Fun Radio, il est 20h01, bienvenue si vous venez d'arriver, c'est Mickaël No Limit, on est là tranquille, en pleine forme, et ça y est, c'est fait, la France est en quart. Ah ouais, c'est bon ça. Et elle affrontera. Attends, on t'emballe pas. Alors, elle affrontera l'Algérie. Elle affrontera l'Algérie peut-être si l'Algérie bat l'Allemagne tout à l'heure. Mais oui, on verra. Vont gagner les Algériens. Non mais on verra bien comment ça va se passer. En tout cas, on suivra le match ce soir à partir de 22h. Algérie, Allemagne. Je suis curieux de voir comment ça va se passer. Ah, si vous avez les pronostics, là je pense que... Parce qu'ils sont chauds les Algériens, mais après on connaît la rigueur allemande. Ouais, moi j'ai prévu un bouclier pour sortir ce soir. Ah ouais, là, il va falloir. Ah ben il va falloir, je te confirme. Ou alors nos seules chances pour sortir de la radio tranquille, c'est qu'il y ait des prolongations, comme ça à minuit, hop, on se barre en speed. Fort, ouais. Et puis ça va terminer comme hier à 1h du mat et on va se mettre bien. Non, bah c'est notre seule solution de sortir vivant. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Quoi qu'il en soit, si vous voulez nous appeler, si vous voulez mettre le feu à l'antenne, eh ben on est là pour être content pour la France. Demain, il y a la Belgique qui joue aussi. Les Diables Rouges vont jouer demain soir. Et puis, curieux aussi de voir comment ça va se passer avec les Diables Rouges demain soir. Bah, on verra. Je suis impatient de voir comment ça va se passer. On vous tiendra au courant de toute façon, évidemment. Si vous voulez participer à l'émission, vous nous appelez maintenant. Donc, ça se passe au 01 42 48 5000, au 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis, Sandro qui est là également, qui a passé une bonne journée. Ouais. Bonne journée, bien mangé, tout va bien. Tant mieux, quoi. Il fait une chaleur dans ce studio, c'est un truc de fou. Oui, on n'a pas payé la clim. Je sais pas si on n'a pas payé la clim ou pas, mais en tout cas, il fait une chaleur de dingue. On va mettre la clim dans quelques secondes. Ouais. Tof qui est là également, prêt pour faire plein d'appels avec des amis, tout à l'heure de nouveaux amis, bien entendu, évidemment. T'as pas marre de percher ta sale fille de pute. Voilà, toujours très sympathique, hein. Pauvre bâtard. Bon, les appels malveillants débarquent sur Fun Radio, ce sera aux alentours de 20h30. Donc si vous avez des numéros de téléphone là, de gens sympathiques, comme cette personne là par exemple, eh bien n'hésitez pas à donner le numéro de téléphone sur le mail de Tof, toph@funradio.fr. On aura également les tablettes Asus, MemoPad 10, ça vaut 200€. On vous en a offert une hier, on vous offrira encore une ce soir. Je vais vous poser la question dans quelques instants, à base de Chuck Norris. Ah oui, ce sera toujours vrai ou faux comme d'hab, mais je vous la pose dans quelques minutes, donc ne bougez pas de là. Qui, Chuck Norris? Oui. Attends, je m'en fous. En fait, là, il va nous niquer notre race. Polo qui est là également avec ses doux. Ouais, il est là. Et en parlant de doux, on a Victor qui est avec nous de Dormel. Salut Victor. Salut, comment ça va? Bah bien. Bon, t'as suivi un peu le match des Bleus là ou pas? Bah oui. Ah bah oui, évidemment, t'as regardé, très bien. Bon, t'as vu la première mi-temps, c'était difficile. Hein. Ouais, un peu. Très difficile. On aura d'ailleurs Anthony de Charleroi tout à l'heure pour nous donner son avis sur le match des Bleus qui viennent passer. Et bien entendu, pour commenter en direct avec nous le match Algérie-Allemagne. Ah oui. Ah bah oui, c'est obligatoire. On aura Anthony, notre spécialiste du foot. C'est vrai. Vous allez voir, vous, si vous ne le connaissez pas encore, il y a du lourd. Ce sera très très lourd, je ne vous dis que ça. Ah bah oui, c'est un vrai consultant. Hein, un c'est... vrai consultant, un vrai de chez vrai. Bon, tu nous appelles pourquoi toi, Victor ? C'était pour savoir si Polo pouvait me faire doux. Ah bien sûr, je rappelle que les doux sont les auditeurs de Fun qui n'ont pas encore mué ou qui ont moins de 15 ans. Toi en l'occurrence, t'as quel âge, Victor ? J'ai 13 ans. 13 ans, et donc visiblement tu n'as pas encore mué. Je te passe donc Polo maintenant, c'est parti. Ah merde, pardon, je me suis trompé de musique. Voilà, Victor, c'est parti. Victor ! Oui ! Oui ! Moi, Polo, grand maître de la confrérie des doux et général en chef de l'armée des doux, j'ai compris ta demande. Et je vais peut-être, si tout se passe bien, faire de toi un doux. Victor, mets-toi à genoux. C'est bon. Et bon. Victor, insulte-toi. Oui. T'as un trou du cul, sale con de merde. Bravo, Victor. Victor, est-ce que tu as ton téléphone dans la main droite ? Bah oui. Tape-toi sur la tête avec, alors. Bravo. Eh, hey, Victor. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimes bien dans la vie ? La tête de toss. Ok. Victor, tu es officiellement un doux, bravo. Eh ben voilà, nickel. Bravo. Attends, on va prendre. Il y a Didier Deschamps qui parle. Qu'on marque pas, la délivrance est venue tardive. Mais ah oui, la délivrance est venue tardive. Vous avez remarqué aussi, Didier. Hein. Ouais, c'est parti des 8 meilleures équipes du monde qui restent. Donc, on va pas se la raconter, mais. Un peu. C'est bah très si, bien. Je la ramène un peu là quand faut, même. Il faut qu'on savoure ça et puis. Non, mais là, le problème, c'est que si on s'arrête là, la France sera au même niveau que le Costa Rica. Tu vois, ouais, quand même. Ah, qui en ont chié un peu hier soir avec la Grèce. On vous avait laissé après le temps réglementaire à minuit, puis ça a duré jusqu'à 1h du mat là, avec tir au but et tout le bordel. Et c'est finalement le Costa Rica qui a gagné là. Eh ben. T'as pas suivi ça, toi, Victor là ? Tu suis avec l'équipe de France ou tu suis le mondial ? Je suis le mondial. Le mondial. Et t'es pour quelle équipe, hormis la France ? Je sais pas trop. La Chine. Bon, pour la France quoi. Ouais. Bon bah ouais. Très bien. Bah moi j'étais pour la Belgique, Portugal et France. Bon bah il reste plus que France et Belgique. Donc bah voilà, donc je soutiens. Ce soir la France a gagné, tant mieux, c'est bien. Demain la Belgique va gagner, tant mieux, c'est bien. Top va venir également avec son drapeau belge sur la tête. Bien sûr. Évidemment. Ben je serais juste magnifique. Pourquoi tu te peins pas la gueule en la moitié jaune. En belge, la moitié en algérien, parce qu'il est belgo-algérien, faut le savoir. Ben, bien sûr. Mais évidemment, ce soir il va donc soutenir l'Algérie. Ben évidemment. Et ce soir il ira en autolib avec les drapeaux et tout le bordel. Il va se faire taper dessus par les CRS, ça va être la folie. Ah ben j'ai mon autolib complètement repeint. Ah ça va être génial. Ben, c'est parfait. Bon, faites pas les malins si vous êtes à Nice, hein, sortez pas avec les drapeaux autres que les Français, sinon vous allez vous faire taper sur la gueule également, parce qu'ils ont un peu fermé les vannes là-bas. On rigole pas avec les drapeaux. Attention. Bon ben Victor, bienvenue dans le monde des doux. Il n'a pas été surnommé. Tu n'as pas été surnommé. Attends, t'as pas deux encore secondes, ton surnom, Victor. Va. Tu bon. Seras, comme nous, la France a gagné, tu seras le doux de la victoire. Oui, le doux victorieux. Le doux victorieux. Voilà, le doux victorieux. En plus, tu t'appelles Victor, donc c'est parfait. Parfait. N'oublie pas de changer ton pseudo sur le Facebook, Twitter, Instagram, tout ça. Hein. Je compte sur toi. Ok. Bon, allez, vas-y pour la dédicace. Là, même ta main droite, deux dédicaces, puisque tu es un doux officiel. Vas-y, on t'écoute. Une dédicace à Alicia et à Alexandre. D'accord. C'est qui ? C'est des potes à toi ? Bah oui. Bon bah parfait. Bah quoi, ça pourrait et par exemple être une future meuf. Il est bête lui, le doux victorieux se la ramène. Ouais, je sais peu, pas ouais. Si vous avez remarqué, mais le doux victorieux se la ramène un peu quand même. Hein. Plus ils sont doux, plus ils se la ramènent. Ouais. Et quoi ? Et je pourrais avoir un cadeau, s'il te plaît. Attends, laisse-moi réfléchir. Voilà. Tu veux une banane ? Il nous reste une banane dans ouais. Le bureau. On a des bonbons, des petits coca acidulés si tu veux. Non mais on va te filer un pack fun du coup, le doux victorieux. Ok. Bon bah salut à toi. Hein. Bon bah salut. Eh bah salut. Et, Victor, un gros bisou à la tête de compte. Merci, moi aussi je te kiffe Victor. Très bien, regarde. Hop là, il t'embrasse également là. Salut Victor. Salut. Allez, ciao à toi. Et restez sur Fun Radio, il y aura plein de cadeaux ce soir. Les tablettes, je vous en ai parlé, les Asus Memo Pad 10, je vous offre ça dans quelques secondes. Il y aura des maillots de foot également, dont celui de l'équipe de France. Et puis on va ah oui, je voulais demander, est-ce que vous allez bosser cet été ou pas ? Tof. Cet été je vais bosser un peu. Ouais, genre. Non, c'est vrai. Ah ouais. Ah mais quoi ? Quick McDo? Non, j'ai trouvé il est vigile dans les supermarchés à Bruxelles. C'est ça, ouais. Non, j'ai trouvé un truc vachement bien, je m'occupais d'animaux dans une ferme, enfin un truc vachement ouais, cool. Ouais, c'est sérieux, ça, là. Il faut bien. Mais arrête de dire de la merde. Polo, tu vas bosser cet été ou pas, toi? Non, il va rien faire. Surtout pas, non. D'accord, ok. Bon, bah dites-nous, vous, si vous avez prévu d'aller bosser, qu'est-ce que vous allez faire? Et puis surtout, si vous avez déjà eu des jobs d'été bien pourris, venez nous dire 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Vous restez bien là, il y a Doug Diamond qui arrive avec Got You sur Fun Radio. Et puis souvenez-vous également, hier soir, pour ceux qui étaient avec nous, bah fallait être avec nous. Hein. Vous avez pu entendre pour la première fois David Guetta, Lovers on the Sun sur Fun Radio, le nouveau. Et bah bonne nouvelle, je vous le repasse ce soir. Et on salue le Bosniakov également qui dit là, tes pronostics Allemagne-Algérie, Mickaël. Moi je pense match nul à la mi-temps. Alors, franchement, sincèrement, je pense à un 3-0 pour l'Allemagne. C'est pas méchant contre les Algériens. C'est lourd. Non mais c'est pas méchant contre les Algériens, mais les Allemands, c'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre. Voilà, moi je pense 3-0 pour l'Allemagne. On verra. Jordan qui dit gros bisous à toute l'équipe, une belle soirée s'annonce. Ah bah je pense bien, ouais, on va bien se marrer ce soir. En plus il y a le chéri, je peux te faire cocu qui va débarquer. Bref, plein de trucs en prévision. On aura Mathias également, vous toutes et vous tous en direct. Et on est là pendant les vacances, là jusqu'à minuit sur Fun Radio. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. DJ, what's the noise? Fun Radio. Grand DJ de la planète pour vos vacances. Tous les soirs, à partir de minuit. The best DJs on Fun Radio. Retrouvez les DJ Fun Radio. Martin Garrix, Cédric Gervais, Riyad, Hardwell, Sébastien Ingrosso, Fédé Legrand et bien d'autres en mix. Fun Radio exclusive. Les plus grands DJ de la planète. Mixe tous dans Party Fun sur Fun Radio. Le son dance floor. Et ce soir à minuit, Late Back Luke en DJ set sur Fun Radio. Allez, stop la pub sur Fun Radio, on est reparti. Déchirez vos livres et vos cahiers. Pissez dans l'encrier. Coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio. Et on est aussi en quart de finale hein, pour la France, évidemment. Ouais, la Belgique joue demain. L'Algérie, on suivra ça à partir de 22h. Et oui, allez, les Verts aussi. Les Fenech pour l'Algérie. Et les Diables demain, bien entendu, on suivra ça. Et puis la question pour repartir avec votre tablette. La tablette qu'on vous offre, la Asus, qu'on vous offre tous les soirs sur Fun Radio jusqu'à la fin du mondial également, d'ailleurs. Asus MemoPad 10, ça vaut 200€. C'est de la folie totale. Et la question est la suivante. À base de Chuck Norris, je me suis dit on va voir si vous vous y connaissez bien. Alors Chuck Norris s'appelle en vrai, ah je sais moi, Carlos. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Vous envoyez un par SMS au 64 900. Si c'est vrai, vous envoyez deux si c'est faux. Voilà, on veut juste un ou deux hein. Vous emballez pas, mettez pas des phrases de 15 km. Vous envoyez un pour vrai, deux pour faux. Vous envoyez ça au 64 900 par SMS ou au 63 22 si vous êtes en Belgique. Donc tablette la Asus MemoPad 10, qui est une tablette 10 pouces 1,6 GHz, ça tient 9h30. Bref, la folie totale. Et en plus, vous serez livré pour la moitié du mois, le milieu du mois de juillet. Donc si vous partez en vacances après, bah, ça va être cool, vous allez pouvoir la prendre avec vous en vacances. Et puis si vous partez pas, bah, vous allez pouvoir l'utiliser, passer le temps du coup. Je vous souhaite bonne chance. Allez hop, on se fait comme promis le son de Doug Diamond maintenant sur Fun. I Got You. Logan aussi qui dit vous gérez grave toute l'équipe, bah, merci beaucoup. Jordan aussi qui dit gros bisous à toute l'équipe, une belle soirée s'annonce. Bah, je pense qu'on va bien se marrer, ouais. On est en direct jusqu'à minuit sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit en mode horaire d'été avec Doug Diamond. C'est I Got You. Doug Diamond sur Fun Radio, I Got You. 20h minuit. Mickaël. Mickaël. No Limit. Sur Fun Radio. Et on va encore vous faire écouter un son que vous avez découvert la semaine dernière là. Non, ça c'est Joe, mais celui que vous avez découvert la semaine dernière c'était Bose. Avec Straight Out of Line. Ça va débarquer sur Fun Radio, vous restez bien là. Et puis surtout, venez nous dire si vous avez déjà fait des petits jobs de vacances, là, s'il y avait des jobs sympas ou des jobs merdiques, bah venez nous appeler et puis on en parle. 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et je vous reposerai la question également pour repartir avec la tablette Asus MemoPad 10 qu'on vous offre tous les soirs. Et je peux vous dire que ce soir, avec la victoire de l'équipe de France, il y a évidemment beaucoup moins de monde à la radio. Parce qu'il y en a plein qui sont en train de sortir leur drapeau, etc. Non mais c'est vrai. donc, va être le bordel sur les champs là. Voilà, donc en gros, si vous voulez gagner votre tablette ce soir, vous avez peut-être plus de chance que les autres jours. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. La tablette à 200€ à gagner dans quelques minutes. Si vous n'avez pas entendu la question, elle est sur le Facebook. Et vous pouvez aussi attendre quelques minutes. Je vais vous la reposer dans quelques secondes là. Bravo les Bleus, 2-0 au Nigeria et bam, pronostic Allemagne, 3-1 pour l'Algérie. Ouais, moi je dirais, je reste sur 3-0, on verra. J'espère que je me trompe pour l'Allemagne, toi. Ouais, pour l'Allemagne, ouais. J'espère que je me trompe pour les Algériens qui écoutent là. Jeune Françoise qui dit à la dernière Coupe du Monde, la France n'est pas descendue du quart. Cette fois, elle est en quart. Belle évolution. C'est bien, jeune Françoise, pour le jeu de mots là. Pas mal. Bon, il y a. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Audrey, oui, c'est. Où est-ce qu'elle est? Audrey qui est avec nous. Comment tu vas, Audrey? Salut, Monicaël. Ça va et toi? Monicaël. Qu'est-ce que c'est que ce prénom, la Monicaël? Hein, Audrey? Oui. T'es en forme? Nickel, je sors du boulot. Ah, tu fais quoi dans la vie, Audrey? Eh ben, j'essuie le cul des petits vieux, c'est mon job d'été. Sympa. Ah, merde, ouais. C'est le cas de le dire, ouais. Ah putain, essuyer le cul des petits vieux. Non, mais ouais. C'est un nom ça, ton métier c'est pas essuie-cul. Non, mais t'es infirmière quoi, t'es soignante, ouais, c'est ça. Soignante, voilà. Bon, oui. C'est peut-être plus sympa de dire être soignante que essuyer le cul des vieux, hein. Ouais, mais enfin, je dis ça, toute moi, la journée, on n'est plus aide-soignante, on en a essuyé tellement, c'est bon. Ah putain, franchement, bravo, respect à toi, parce que c'est un truc que je ne pourrais pas faire. Je sais qu'il en faut, je sais que les personnes âgées ouais. Sont peut-être parfois justement âgées, peuvent plus, etc., et qu'il faut bien quelqu'un pour les aider, je pourrais pas. Ouais, mais bon, ah, ça devient chiant. Hein, non, mais déjà quand je vois... Ah, oui, c'est drôle. Non, mais ça devient chiant, bah oui. Déjà quand je vois mon chat... qui est là parfois cet abruti dans son bac et cette espèce de con de chat, c'est comme il a des poils un peu longs, il y a parfois de la merde qui reste derrière. Et non mais et parfois je sens une odeur, je dis qu'est-ce que c'est que ce truc, et je la vois en train de se laver, donc si elle se lèche, je me dis ah quelle elle horreur. Se bouffe la merde. Bah non, bah enfin bon, c'est une petite trace, alors du coup faut les couper avec un ciseau pour enlever les poils, c'est débile. Si elle était propre, enfin elle est propre, mais sauf là quoi, c'est Mais c'est vrai que c'est beau, et puis quand tu penses qu'il y a des gens qui s'occupent de toff à l'asile aussi. Oui, ouais, c'est vrai. Tous les soirs. C'est vrai, ouais. il faut le dire. Ouais, hein, ses petits médicaments, qui me soigne, qui me borde. Comment ça se fait que c'est un job d'été? Ça va être ton futur métier, du coup, là, t'es en espèce de stage ou Même pas, j'ai passé mon concours d'assistante sociale que j'ai eu. Donc, du attends, coup, coupe la radio, Audrey, parce que sinon, ça résonne derrière. J'ai passé mon concours d'assistante sociale que j'ai eu, donc du coup, je dévie complètement. Donc, j'arrête les personnes âgées et je vais dans les métiers plus difficiles. Ah, d'accord, ok, très bien. C'est-à-dire? Et ben s'occuper des personnes en étant assistante sociale. Ah d'accord. Ah ouais, donc t'as fait dans le social, tu vas faire dans le social. Bah là encore une fois, bravo, c'est un truc que je pourrais pas faire non plus. Ah pareil ouais. Ah ouais putain, t'imagines tu vois des gens mais comme Toff tout le temps là. Sacs à merde. Exactement, des sacs à merde qui viennent. J'ai été faire des stages dans un cimetière. T'as quoi dans un cimetière? J'ai été faire un stage dans un cimetière. Et tu t'occupes des gens là-bas ou pas? Bah l'avantage c'est que les clients sont pas chiants hein. Tout à fait. Ah ouais, les clients sont tranquilles, tu peux t'en occuper. Alors si t'es un peu en retard, un peu en avance, c'est pas grave quoi. Ouais, il se fait jamais. Le café, il me coûte pas cher du tout. Bah grave. Mais tu fais quoi dans le cimetière du coup? L'accueil des personnes. Ah. C'est-à-dire bonjour, je vous présente votre parcelle. Voilà, c'est ça. Non. J'accueille les familles. Ah, vous avez un 3 mètres carrés très sympa. Bon, les 3 mètres carrés sont vers le haut, mais c'est très sympa. Vous avez une belle vue. Bon, sinon, on a un mausolée dans le fond encore qui reste là. Et ouais. Tu sais, moi, ce qui m'angoisse, et à chaque fois que j'entends parler de ça, c'est cette histoire où les mecs restent. En fait, ils sont pas vraiment morts, ils restent coincés dans leur cercueil. Ah, bah, s'ils sont enterrés vivants, quoi. Ouais, ils sont enterrés vivants. C'est si... possible, ah, ça. Si, pourquoi c'est possible? C'est possible. Mais parce que maintenant, il y a plein de tests qui sont faits avant de les enterrer. Ouais, mais bon, récemment j'en ai encore vu un qui effectivement s'était fait enterrer, enfin a failli se faire enterrer vivant, tout était plié et il y a eu du bruit, finalement ils ont ouvert, il était encore vivant le mec. Hein. Et tu sais qu'il y a des fois ils ont déterré des cercueils pour je sais pas il y avait quoi, des traces de et il y avait des traces de d'ongles. Et il y a des mecs apparemment ils se font enterrer avec des téléphones portables. Pour être sûr, ouais. Et là t'as plus de réseau. Au moins, on peut appeler si on se réveille. Oui, c'est vrai. Sauf si c'est Toff, parce que comme il n'a pas payé la facture, oui, c'est ça. Du coup, il aura marqué nos services et il sera bien avancé. Et hop, voilà, dans le cul. Clair. Et hop, et complètement dans le cul, ouais, c'est clair. Ouais. Bah attends, parce qu'on a justement Anthony qui est avec nous, là, qui lui aussi bosse dans les cimetières. Là. T'es là, Anthony? Oui, c'est vrai. Ouais, salut, Michel. Ça va? Ça va et toi? Bon, Anthony de Charleroi qui va nous donner son avis sur le match qui a eu lieu, mais c'est pas tout de suite, Anthony. Audrey a déjà bossé dans un cimetière, dis donc. Bien entendu. Vous êtes fait pour vous entendre? Mais ouais, vous êtes fait pour vous entendre. Bah ouais. Eh bah c'est génial, t'as fait quoi dans les cimetières toi Anthony? Bah j'ai pas. Malheureusement j'ai pas su nettoyer, je devais nettoyer mais j'ai pas su nettoyer les tombes parce que j'ai refusé le travail donc j'ai pas su continuer. Comment ça t'as refilé le travail? À qui? Je faisais des stages et je pouvais travailler au mois d'août, mais j'ai refusé parce que je voulais faire encore un an à l'école. Ah ouais, d'accord. Et putain, t'as raté l'occasion, quoi. Et t'as jamais essayé de sortir avec un mort, Anthony? Non, merci, ça m'intéresserait pas. Non, mais attends, puis, non. Ça t'intéresserait pas. D'accord, bon, bah écoute, pourquoi pas après, hein. C'est... Il faut parfois, hein. Ouais, c'est Bon, donc du coup, Anthony, toi, au niveau des lavages de pierre tombale, tu t'as jamais fait au final. T'aimes bien, mais t'as jamais fait. Voilà. Ah bah d'accord, ok. Mais c'est ton futur métier. Bah, s'il y a que ça à faire, ouais. Pourquoi pas. Oui, oui, bah bien sûr. Mais qu'est-ce que tu voudrais faire? Bah, nettoyer les tombes. Si vraiment j'ai pas moyen, bah, animateur radio. Ah oui, mais vraiment si t'as pas les moyens. Attends, voilà. Tu veux d'abord nettoyer les tombes et si vraiment ça foire, tu feras animateur radio. Bah oui, t'as raison. Mais t'as raison. Écoute, vraiment, Anthony, je pense que. T'es où là, Anthony là? Il est dans l'aéroport. Mais t'es tout près de l'aéroport? Non, il y a des avions qui passent tout le temps. Ah oui. Ouais, donc t'es tout près de l'aéroport, parce que sinon ils s'écrasent. Hein. Voilà. Ah d'accord, ok, très bien. Bon, reste avec nous, Anthony, on va te reprendre pour parler du match de foot là. Oh là là là là là là là, là ça va être dur. Bon, il y a aussi Nico qui est avec nous d'Angers. Salut Nicolas. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. Comment salut. Ça va, t'es en forme? Bah, tranquille depuis hier soir. Eh bah ouais, tant mieux. Ah tiens, il y a un message de Mathieu là sur le Twitter. J'ai un retard de 20 minutes, c'est inacceptable. Coup de pelle pour moi, il y a un message de bienvenue. Bah, je te le confirme, tiens. Coup de pelle et petit message de bienvenue. Oh, il est pas mal celui-là. Résidu de capote, tu vas fermer ta gueule, non? Bah voilà, très bien Mathieu, bah, ça t'apprendra à être en retard. Et Lucas qui dit salut la famille, comment ça va bien? Eh bah la famille va plutôt pas mal. Bon Nico, alors toi, job d'été, t'as déjà fait? Ouais, j'en ai fait à plusieurs reprises, notamment bah, des saisons, donc maïs, échalotes entre autres. T'as fait quoi? T'as fait le maïs? Le maïs, ouais, les échalotes. Ah, quoi? D'aller dans les champs? Ouais. Alors, le maïs, c'était la castration. Les échalotes, c'était... fallait les ramasser. On castre le maïs? De quoi? On castre le maïs? Oui. En fin de compte, il faut arracher il y a des trucs à arracher, en fait, ça avant que les machines passent pour ramasser le maïs en fait. Ah d'accord, ok. Tu peux pas venir castrer Toff pour essayer? Pour voir si c'est le même principe. Juste pour voir comment ça fait quoi. Ouais. Si tu veux, je peux essayer, pas de soucis hein. Ah bah avec plaisir, bah si tu viens avec la petite machine, avec la petite pince ou je sais pas avec quoi tu fais ça, n'hésite pas, t'es bienvenu. En fin de compte, la castration c'est avec les mains, mais je peux Parfait, je préfère avec les mains. Oui, bah fais avec le pied, pourquoi pas, c'est une bonne idée, tiens. Et là, du coup, job d'été, t'en as encore qui arrive ou t'as fini avec ça? Non, moi j'ai repris déjà le boulot, maintenant, moi, j'ai fait des jobs d'été parce que je pouvais pas conduire, parce que j'avais pas 18 ans, en fait. Ah, d'accord. J'avais fait un parcours d'études pour être routier, mais vu que j'avais pas 18 ans, c'était la seule solution pour moi, les saisons, avant de pouvoir conduire et surtout me faire de l'argent, quoi. D'accord, ok. Ah ouais, bon, écoute, pourquoi pas. Mais c'est bien, fille, aussi, d'en faire. Hein. Dites-nous, si vous avez déjà fait des jobs d'été, s'ils étaient pourris, s'ils n'étaient pas pourris, comment ça s'est passé. Toi, il en a fait un beau, lui, il travaillait chez Carrefour. J'ai fait service informatique. J'ai fait Carrefour et Leroy Merlin. Et Leroy Merlin, ouais, exactement. Ah, ouais. Carrefour, en fait, c'était le moment, tu sais, c'était le début des ordinateurs, et donc je suis arrivé là, j'y connaissais pas grand-chose. Enfin, le début, c'est arrivé dans les années, hein, t'étais pas né encore, hein, quand il y avait le début des ordinateurs. C'était les premiers qui vendaient en grande surface. Ouais, les premiers, oui, voilà, les premiers portables et ordinateurs. De maison quoi. C'est ça. Et donc en fait j'y connaissais rien, mais en fait les autres vendeurs qui étaient là genre full time toute l'année, ils y connaissaient encore moins, parce que tu sais c'était des mecs qui vendaient des télés avant quoi. Ouais. Et donc c'était super drôle, bah, j'ai adoré. Moralité, quand vous demandez des conseils à un mec qui est là dans un magasin et que lui n'y connaît rien, bah vous donne de conseils de merde. Mais c'est souvent le cas. Voilà. Moi j'ai travaillé au Quick, moi c'était cool. J'ai fait venir tous mes potes. C'était la folie totale. Ils prenaient, je leur faisais payer un milkshake, ils repartaient avec 3 menus, je balançais tout. Après 5 jours ça m'a saoulé, je me suis barré. Ah, je pouvais plus, 5 jours je pouvais pas. En plus, quand t'avais la manager qui arrivait, tu sais, parfois il y avait pas de clients quand t'étais pas dans le rush. Donc il y avait pas de clients ou très peu, voilà, donc du coup t'avais rien à faire. Et la meuf qui me dit, oui, eh bien il faut faire. Bah je dis, ouais, mais il y a pas de clients. Eh ben débrouille-toi, t'as qu'à refaire ce que t'as déjà fait. T'as rien que cette phrase-là, je lui dis, bah tu sais quoi, eh ben fais-le toi, je me casse. Attends, ne propose pas, dis pas, tu défais ce que t'as fait juste pour refaire. Ouais, non, mais c'est une méthode à l'américaine, faut toujours être occupé. Bah oui, toujours occupé, ouais, c'est ça. Mais non, moi ça m'a saoulé. Comme j'aime pas recevoir des ordres. Ouais. Alors du coup, forcément, ça m'a foutu la merde. Bon, bah merci Nico d'avoir appelé. Mais de rien, et puis sinon, je voulais dire aussi, j'ai fait d'autres saisons. Enfin, j'ai fait des saisons, j'en ai fait pendant un an et demi. Et j'ai aussi l'occasion de faire des fraises et même des concombres aussi. Ah ouais, sympa. Ouais. Les fraises, je me suis barré au bout de 3 jours parce que ça payait pas du tout, c'était payé au lance-pierre. Ah bah c'est clair, c'était payé à la fraise, donc ouais, c'est bon. suis barré au bout d'une semaine parce que ça me gavait aussi. Donc, et peu de temps après, j'ai fait aussi de la pépinière. Donc, moi, j'ai fait un peu de tout en fait en un an et demi. Ah ouais, bon, donc t'as tout fait. Bah, c'est bien aussi. Hein. Écoute, ouais, ouais. Eh ben merci Nico, en tout cas tu reviens quand tu veux. Hein. Salut à Nico Angers, à bientôt. La bonne part à vous, salut. Ciao, bye bye. Il y aura Johan et Cindy dans un instant pour réagir à Audrey. Tu restes avec nous Audrey? Pas de soucis. Parfait, t'as envie d'écouter un son en particulier Audrey? Non là, en fait j'ai envie de rentrer chez moi et d'aller manger. Ah bah bon app, tu vas manger. Pas, hein, depuis midi. Tu vas manger quoi? Un bon petit barbecue. Oh bah très bien. Va, hey, pense à tous ceux qui font le ramadan là et qui ont pas bouffé depuis 5h ce matin. Ouais, et bah moi j'ai faim alors. Ah bah voilà. Je vais manger. Et qui en a encore jusqu'à 10h, là encore 1h30 avant d'aller bouffer. Eh, c'est bien, vous pouvoir bouffer avant l'Algérie. Ouais, mais c'est bien, tu vois, ça fera. C'est tout, hein. Chacun sa merde. Ah bah oui, non, bah c'est sûr après, hein. Mais c'est juste que comme tu dis, ah, hey, depuis midi, moi j'ai la dalle, et qu'il est 20h20, etc. Bon, Audrey, reste avec nous, bouge pas. Il y a Johan et Cindy dans un instant. Il y aura Lorraine, il y aura Gagic également. Gagic, pardon. Et puis vous toutes et vous tous en direct, appelez-nous si vous voulez délirer avec nous. On est sur Fun Radio avec les appels malveillants dans quelques minutes. Et question de taf également avec les appels malveillants. Ah bon? Oui, on en parle dans quelques instants. Vous ne bougez pas de là. Et puis, il y a toujours la question aussi. Question pour repartir avec votre tablette, la Asus MemoPad 10. C'est une 10 pouces comme son nom l'indique. Il y a également 1,6 GHz ça pour le processeur et elle tient 9h30. Si vous la voulez, eh bien il faut la gagner. Et comme je le disais, comme il y a tous les supporters de l'équipe de France qui sont sortis avec leur drapeau, etc. Il y a évidemment moins de monde qui est derrière la radio, je le pense en tout cas. Donc si vous voulez tenter votre chance, vous avez plus de chance que les autres jours. Donc profitez-en, il suffit de répondre à la question. Donc Chuck Norris en réalité s'appellerait Carlos. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Vous envoyez un ou deux. Donc un pour vrai, deux pour faux. Vous envoyez un ou deux par SMS au 64 900. Donc vous mettez un et c'est tout. Juste un, juste deux. Je suis en train d'étouffer. Ah, j'ai un truc. Ne meurs pas Mickaël, reste avec nous. Ah, j'ai un truc qui est coincé dans la gorge. Je sais pas si vous avez vite vu une ça infirmière comme... Une infirmière. Non mais comme Mickaël. Si vous avez pas les cordes vocales mais comme la gorge qui... Mais qui se colle. T'as mangé un truc Non mais j'ai pas encore mangé. Mais du coup j'avais pris un... J'ai bu un Coca Zéro. Et je crois que c'est ça. Ça m'est déjà arrivé. Oui, ça t'a collé. Du coup le... ça colle ouais. Un peu comme ça. C'est bizarre. Une sale sensation. Donc je disais Chuck Norris s'appellerait en réalité Carlos. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous envoyez un pour vrai, deux pour faux au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et on vous donne la réponse tout à l'heure avant 22h. Vous restez sur Fun Radio. Il y a Both qu'on écoute maintenant. Straight Out of Line sur Fun. Walk the straight of line up. Oh, I've been straight out of line. Straight out of line. C'était beau ça l'instant. Oh, I've been straight out of line. Et avec Straight Out of Line. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. Mickaël, de 20h à minuit, sur Fun Radio. Eh ouais, les têtes de con sont en mode heure d'été. Donc si vous voulez venir délire avec nous, vous êtes les bienvenus, on est là jusqu'à minuit. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et vous pouvez aussi envoyer tous vos messages. Hein. Si vous voulez réagir à l'émission, vous envoyez M-I-K-L espace votre message. Et vous envoyez ça au 64 900 comme Mister Steven, ce soir c'est vraiment pas la forme, faut que je me change les idées, donc faut écouter Mickaël No Limit. Bah oui Mister Steven là, qu'est-ce qui t'arrive? Un été, ah oui pour les jobs d'été, tiens, un été mon père avait créé un shampoing artisanal avec les plantes de son jardin. Il m'a demandé d'aller faire du porte-à-porte pour le vendre dans le voisinage, j'en ai vendu un à ma grand-mère. Oh putain, oh, les vacances de merde. Mais c'est ça qui est bien avec tes grand-mères, c'est qu'elles t'achètent tout et n'importe quoi pour te faire plaisir, tiens. Et Benjamin, je vous aime fort. Vous allez laisser un vide pendant les vacances d'été. Bon on est déjà là jusqu'à la moitié du mois de juillet, donc c'est pas mal déjà. Hein. Un été j'ai été engagé pour vider du beurre de cacahuète expiré dans une poubelle. Quand je suis revenu le lendemain, le boss m'a dit waouh, personne n'est jamais revenu. Ah t'as vu? C'est vrai. En général, c'est vrai que tu te barres assez rapidement là. Bon 20h33, on reparle des jobs d'été dans quelques minutes. On aura Anthony pour parler des matchs de foot. Et puis parlons maintenant eh bien des appels malveillants. Les appels les appels malveillants ont été faits tous les soirs vers la demi de chaque heure. Et quand on ne bosse pas l'été, qu'est-ce qu'on fait? On trompe sa copine ou on a un plan à 3. Ah c'est pas mal, j'aime bien l'idée du plan à 3. J'imagine, 22% des hommes et 16% des femmes admettent avoir déjà trompé sur leur lieu de vacances. Mais pire, 14% l'ont fait avec quelqu'un dans la même résidence que celle du couple. Oh non. Ah si. Oh, ah, c'est dégueulasse. Alors il y a aussi 4% des couples qui ont essayé le plan A3. Oui, ah c'est pas. Voilà. Donc venez nous dire si vous avez déjà trompé en vacances ou alors si vous avez déjà été tenté de nouvelles expériences. Eh ben vous nous dites, ça se passe maintenant. Appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Puis en attendant, on va appeler des gens. Mais bah, allons-y. Ah bah c'est parti. Allez, on y va. C'est parti. On appelle maintenant des numéros de téléphone que vous nous envoyez comme tous les soirs sur le mail de Toph, toph@funradio.fr. Allez, c'est parti. On y va. On fait le premier appel maintenant. Voilà, 20h35 sur Fun Radio. On est à la cool en mode été, horaire d'été jusqu'à minuit, 20h minuit tous les soirs sur Fun Radio. Du dimanche au jeudi donc. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si cet été vous comptez tromper votre mari ou plutôt tester un plan à trois. C'est quoi cette connerie encore? Mais c'est pas une connerie, madame, c'est une question. Ah ouais, ben moi aussi. Ben c'est-à-dire, je comprends pas. Bon, ça y est, c'est bon. Bah moi c'est bon, oui, mais vous avez pas répondu à la question, madame. D'accord, allez, au revoir. Ah bah non. Ah bah non, on va pas se quitter comme ça, madame. Allô? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si cet été vous allez préférer tromper votre femme ou plutôt faire un plan à trois. Avec ta femme et mes collègues, ouais, on fait un plan à trois. Mais, d'accord, mais pourquoi vous voulez faire ça avec ma femme, monsieur? Oh, il aurait pu être sympa quand même. Bah oui, bon. Moi j'étais gentil, je l'appelais. Bah, c'est ça, attends, on va le rappeler du coup. 20h36, on rappelle. Allô? Oui, donc si j'ai bien compris, vous allez tromper votre femme et faire un plan bon, à trois. Va te faire une branlette dans ton cabinet, arrête de me casser les couilles, va. Mais je vous casse pas les couilles, monsieur, je vous pose une question. Allô? Oh, bah non, bah on s'en saura pas plus, c'est pas grave. On en appellera d'autres. C'est triste. Va te faire une branlette et dans ton cabinet, c'est ça? Bah je vais y aller. Bah vas-y. On en fera d'autres des appels malveillants dans moins d'une heure sur Fun. Si vous avez des numéros à proposer, eh bah M-I-K-L et pardon, je dis n'importe quoi. Vous envoyez le numéro de téléphone de la personne à appeler sur le mail de Toph, toph@funradio.fr. Il y a Kevin qui dit salut Mickaël, je fais mon enterrement de vie de garçon pour savoir si Polo serait chaud pour venir le 26 juillet. Pourquoi l'enterrement de vie de doux? Mais c'est où Bah dis-nous Kevin, où est-ce que ça se trouve? Puis faut voir aussi s'il sera là. Ouais. Comme on n'a pas grand chose à faire cet été. Bah voilà, mais en plus effectivement, bien raison. Ouais. Retour maintenant, tiens, avec les jobs d'été, il y a Johan qui est avec nous de La Rochelle là. Salut Johan. Salut. Comment tu vas? Oula. Ça va. T'es en forme? Ah oui, impeccable. Bon bah tant mieux, t'as passé une bonne journée Johan? Impeccable, j'ai bossé. Est-ce que t'as su. Ah oui, d'accord. Tu fais quoi dans la vie? Je suis aide-soignant. Ah encore, ah bah toi aussi très bien, bah comme André qu'on avait eu tout à l'heure là qui est parti malheureusement. Johan, tu voulais donner ton avis, toi, les meilleurs jobs d'été que t'as eu l'occasion de faire ou les pires, c'était quoi? Ah, les meilleurs jobs d'été c'est serveur dans un restaurant. Serveur, ouais. Et les pires c'est plongeur dans un restaurant. Ah bah on va tous passer dans le restaurant quoi. Ouais. Bah, plongeur, j'avoue, de faire la vaisselle toute la journée, ça doit quand même être bien relou. Ça doit être horrible. Ouais. Ça doit défoncer les doigts. Ah mais tu mets des gants à la limite. Mais oui, ça doit être chiant. C'est l'autre chiant, tu penses? Ah ouais, grave. Ah, je préfère faire ça que servir, moi. Ah non, parce que servir, t'as le pourboire. Ouais, mais non. Ouais, mais Polo, c'est le contact avec les gens qui est compliqué. Ouais. C'est vrai qu'il aime pas ça. Mais, c'est vrai que t'as le pourboire. Et pourboire, tu gagnes parfois plus que ta propre paye. Hein. Ah ouais, c'est sûr. C'est clair. Tu te fais des comptes, tu te fais combien là en service? 2000 euros. Ah ouais, putain. Ah ouais. Et c'est quoi ton fixe et tes pourboires en moyenne, c'est combien du coup? C'est 1000 ou 1000, ouais. Ah ouais, putain, donc t'imagines, tu te doubles ton salaire avec les pourboires. Ah ouais, ouais. Et en plus, attention, net d'impôts parce que... Ah bah bien sûr. Bah oui, d'impôts là. Car le pourboire est au noir. C'est ça. Ouais. Ça m'étonne que le fisc n'ait pas encore tombé là-dessus. Ouais. Oui, il faut déclarer les pourboires. Je prends 50% du pourboire. Bah bientôt, oui. Ouais, ça va venir. Je vais peut-être donner une idée de merde là. Merde, attends. Mais déjà maintenant, la plupart des restos, il faut, tu sais, c'est pourboire collectif quoi. C'est-à-dire que tu dois mettre dans un pot et après tout le monde partage quoi. Ah ouais, bah là je donne pas alors. Ouais. Non, mais si quelqu'un, t'as eu un chouette service, le mec était cool et tout, tu donnes un pourboire, mais si c'est pour donner à tout le monde, non. Le mec qui t'a servi, c'est lui qui doit avoir le pourboire. Si c'est quelqu'un d'autre qui t'avait servi, bah c'est lui qui aura le pourboire. Ouais, c'est clair. Bah, c'est normal, je veux dire, il y a un moment, alors sinon, ce sera facile. Hein. Toph ne donne jamais de pourboire. Non, jamais, moi je suis contre les pourboires. Mais Polo non plus, il donne jamais. C'est toujours moi qui suis obligé de mettre une pièce, alors que l'autre il donne jamais rien, ah ce crevard ouais. là. Ouais, moi je suis content de pouvoir boire, ça sert à rien. Mais oui, bande de radins là. Non mais vraiment, c'est écrit, chaque fois je suis obligé, parfois même je mets un pourboire et Polo va prendre la pièce derrière. Je suis obligé de vérifier à deux fois. Pour aller s'acheter des cafés. Voilà, c'est ça, je suis obligé de vérifier à deux fois s'il reste une pièce dans la petite boîte. Moi c'est écrit service compris, je vais pas payer plus. Ouais, mais bon, bah c'est en plus quoi. Bon, attends, il y a Cindy aussi de Tours. Salut Cindy. Salut Michel. Comment tu vas? Bah écoute, ça va, bah, prête pour embaucher. Ah, tu vas faire quoi toi? Restauration aussi ou pas? Moi je suis aide-soignante, mais de nuit. Mais c'est aide-soignante de nuit, putain, que ça ce soir. Oui. Oh là là. J'appelle justement pour la jeune fille qui a dit qu'on torchait les culs. Ouais, enfin, elle, c'est ce qu'elle faisait, mais après. Non, mais aide-soignante, c'est pas torcher des culs, aide-soignante. D'accord, mais attends, combien mesures-tu? Non, mais on s'en fout, toi, c'est pas le but, c'est pas là, c'est pas ça le but. Ça dépend, j'ai peut-être besoin de soins. Je suis 1m67. Ça. Combien pèses-tu? 50 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 90. Et la taille dans les pantalons que tu as acheté? 32. Ah, oh, j'y suis souffle. Oh, je me sens mal. Bonne! Elle est bonne! Bonne! Oh, j'ai besoin qu'elle est bonne! Ah, vivement la retraite! Qu'est-ce qu'elle est bonne! Ah, ils ont de la chance, papy et mamie, hein, Cindy, enfin surtout papy. Hein. Oui, non, mais ça, ils se plaignent pas, mais en même temps, ils n'ont plus forcément la tête pour y penser. C'est vrai, mais Cindy, tu travailles dans dans quelle ville? Parce que sinon, il y a Polo qui est bientôt retraité et Toff également. Ouais. Ah, ben je prends ma retraite demain. Je travaille à Tours, moi. Ah parfait. Bah justement, il voulait aller là-bas. Et Toff, c'est la version psychiatrique des vieux. Voilà. Ouais, il va falloir un unité psychiatrique également. C'est ça, moi c'est celui qui se tape la tête contre le mur tout le temps. Complètement. Non mais Cindy, tu fais quoi là, en résumé? En résumé, dans le boulot d'aide-soignante, c'est pas que torcher des culs toute la journée, c'est vraiment... C'est aussi essuyer des bites, quoi. Ouais. Non, il n'y a pas que ça, c'est aussi passer du temps avec les patients, partager des moments, les accompagner en fin de vie, enfin ouais, c'est... C'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire. Ah mais non, mais ah ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Respect à vous, moi je pourrais pas. Il faut l'aimer ce métier. Ah et oui, mais bien sûr, t'étais passionné ou tu peux pas le faire. Moi je pourrais pas le faire, voilà, j'annonce, hein, je l'ai dit depuis le début. Bravo à ceux qui le font, vraiment, respect à vous parce que je pourrais pas. Et moi je pourrais. Non. Si, je pense que c'est surtout ces patients qui doivent beaucoup l'aimer. Ah mais oui, mais c'est ça. Mais c'est ce qu'elle a dit Sydney en même temps, tu vois, elle se souvient pas. Enfin, les patients n'ont peut-être plus forcément la forme pour. Mais c'est ça qui est bien, c'est que chaque fois qu'elle rentre, tu vois, du coup ils sont heureux de la voir. Ah oui, ça c'est clair. Ouais. Hop, ils la redécouvrent tous les jours. C'est clair. Attends, il y a Gagik aussi, reste avec nous Cindy. Hein. Gagik ? Ouais. Ouais, salut. Ça va Gagik ? Alors toi les jobs d'été, comment ça se passe ? Ah, bah, bien, ça se passe bien. Gagik, c'est quoi sur le téléphone là ? Non, je l'avais mis sur haut-parleur. Ah d'accord, parce qu'il va travailler dans l'attraction Star Wars. Ouais, c'est ça. Faut enlever le haut-parleur, Gagik. Ouais, j'ai enlevé. Et en plus, je joue à Call of en même temps. Du coup, c'est chaud, c'est pour ça en fait. Ah bah ouais, forcément, t'es complètement perturbé là. Bon bah Gagik, alors toi, les pires ou les meilleurs jobs d'été, t'as fait quoi? Bah moi, je suis plutôt là pour en trouver parce que j'ai cherché, mais je trouve jamais moi. Mais t'as quel âge? J'ai 13 ans. Ah bah c'est normal, oui. 13 ans, c'est trop petit. Mais si t'as encore un doux. Gagik, c'est pas possible. Si t'es un doux en dessous de 15 ans où la voix aiguë, t'es doux. Donc là, d'ailleurs, tous les soirs j'appelle pour devenir un don, mais ça tombe jamais sur moi. Tu sais, ah bah ouais, bah voilà, bah justement, peut-être ce soir, Gagik. Non mais en dessous, je crois que c'est 16 ans minimum des jobs d'été. Ouais. Hein. Ouais. Après, tu peux avoir un espèce de job, tu sais, genre aller couper, enfin si t'es dans genre en campagne ou quoi, tu sais, tondre le gazon du voisin, laver la voiture du voisin, enfin tu vois, tu peux faire des trucs comme ça. Ouais. Mais tu peux pas vraiment style aller travailler au Quick, au McDo, non. Ou avoir un vrai boulot payé officiellement. Là, il faut 16 ans minimum, donc là, t'es encore un petit peu de temps, Gagik, là. Ouais, sinon il y a Ubisoft qui recrute hein, des testeurs de jeux vidéo. Testeurs, mais ça c'est pas mal ça, hein. Ça c'est un putain de job. Hein. Ça c'est un job de ouf. Hein. Ah ouais, tu devrais essayer Gagik, hein. Ubisoft. Essaye, tu verras. Ah écoute, t'as rien à perdre. Non, j'ai rien à perdre, c'est bon. Tu vas devoir trouver tous les bugs des jeux. Ouais, tous les bugs des jeux, tu les cherches, tu les trouves et puis après t'es payé. Je les connais par cœur. Et bah voilà, bah tente ta chance alors Gagik. Bon Gagik, ouais. Peut-être à tout à l'heure pour devenir doux officiel. Ouais, et aussi s'il te plaît, est-ce que je peux cette fois faire ma pub pour mon site internet parce que tu me l'as jamais le faire. Bah évidemment, Gagik, vas-y. Alors, visitez le site s'il vous plaît. D'accord. J'ai trop besoin et aussi dédicace à tout le serveur Blood PVP, The Cube. Oui, et plus long encore. Désolé pour l'autre, j'ai oublié le nom. Parce que même toi tu l'as pas retenu tellement c'est trop long. Oh là là, Gagik, je te jure. Bon, bah le message est passé, Gagik. Ouais. Allez, salut à toi, ciao, Gagik. Il y a Lorraine aussi qui est avec nous, Stéphanoise, là. Salut, Lorraine. Salut. Comment tu vas? Un peu crevé, mais ça va. Oh, bon, ça arrive à tout le monde, Lorraine. Alors, toi, c'est quoi le pire job d'été que tu as eu l'occasion de faire? Pire ou meilleur? J'en ai pas encore fait, mais pour cette année, au mois de juillet, je vais être femme de ménage chez les particuliers. Ouais. Et après, tu vas péter un plomb. Je vais être aide-soignante de nuit en psychiatrie. Lorraine, combien mesures-tu? Oh putain, ça c'est pour toi, la psychiatrie. Hein. Donc, Lorraine, combien mesures? 1m60. Oui. Combien pèses-tu? 60. Quel est ton tour de poitrine? 95C. Oh là là. Et la taille des pantalons que tu as acheté? 40. Je suis disponible. Bonne. Bah ça tombe bien justement, Lorraine, Tov comptait justement aller à Saint-Etienne là pendant les vacances là. Il aurait besoin d'un petit traitement psychiatrique. Mais il paraît que le vert. Il y a pas de souci. En plus le 12 je fête mon diplôme, donc si vous voulez venir. Je viens. Si on faisait la dernière en direct de la psychiatrie. Voilà, et après vous me laissez là-bas pour essayer de me refaire pendant l'été. C'est ça, ouais. Bon, ça se fera pas de mal. Vous faites toujours des chocs électriques dans la tête des gens ou pas? Non, je crois pas. Non. Si, ça existe encore. Ah, c'est sur ordonnance médicale et en dernier dernier recours. Ouais, mais je suis au-delà du stade parfait, moi. Camisole de force. C'est pas là où je vais travailler. Moi, c'est dans une simple clinique. Ah vraiment, bon D'accord. Bon, bah, c'est. Mais ça peut arriver, mais c'est extrêmement rare maintenant. D'accord, ok. Ah, bah, comme ça, on se couchera moins compte. Très bien. Bon, bah, Lorraine et Cindy, merci à vous, les filles, d'avoir appelé. Un gros bisou à vous deux. Bah, de rien, gros bisou. Et je vous embrasse. Bonne soirée. Allez, bisous. Salut. Il y aura le chéri, je peux te faire cocu à suivre dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis, il y a une question qui est arrivée. Comment on fait pour gagner? C'est quoi la question pour gagner les tablettes? C'est arrivé par SMS. Eh ben, je vous la repose maintenant. Écoutez-la bien. La question, donc, est la suivante. Chuck Norris s'appellerait. En fait, Carlos. Ah. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vous envoyez un pour vrai, deux pour faux. Vous envoyez un ou deux par SMS au 64 900. On vous tire au sort avant 22h et vous repartirez peut-être avec cette tablette-là. Asus MemoPad 10, c'est une 10 pouces, 1,6 GHz. C'est le tien 9h30 au niveau de l'autonomie. Et en plus, vous serez livré pour la moitié du... Enfin, mi-juillet, donc pour le 15 juillet plus ou moins, vous serez livré. Donc, si vous partez en vacances après, vous serez livré avant. Et si vous ne partez pas en vacances, vous pourrez passer le temps. Vous allez pouvoir aller sur Facebook, Twitter, sur Internet, sur le site de Fun, etc., etc. Vous allez faire plein de trucs avec. On va voir la victoire des Bleus en finale. J'espère et on verra bien. Non, ce qui serait bien, c'est France-Belgique en finale. Mais je sais pas si ça peut arriver. Il y a que là que ça peut arriver. Ah, ça peut arriver. Putain, t'imagines, ça serait beau, ça. France-Belgique, paf. Ce serait drôle, ça serait pas mal. Ça, ce serait un bon allez, match. Vous envoyez un ou deux par SMS au 64 900. Chuck Norris s'appellerait en fait Carlos. Vous envoyez un ou deux par SMS au 64 900 ou alors au 63 22 pour la Belgique. Je vous souhaite évidemment bonne chance. Et puis ce qui arrive sur Fun Radio, c'est 1 heure sans pub déjà. Et Gillo aussi, First Love sur Fun Radio. Et il y aura le son également que je vous avais fait découvrir hier, le nouveau Guetta avec Lovers on the Sun. Vous restez sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit, on est en mode horaire d'été jusqu'à minuit sur Fun. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Ah Mickaël. De 20h à minuit sur Fun Radio. Allez, restez sur Fun Radio. Il y a Anthony qui arrive après le chéri. Je peux te faire cocu pour débriefer le match de l'équipe de France tout à l'heure qui a gagné 2-0. Il y a les Algériens qui vont jouer contre les Allemands aussi. Dans une heure, on vous tient au courant. Et puis la douce Fada qui dit Mickaël, moi je fais le ramadan. J'ai la dalle. Heureusement, vous êtes là pour me faire rire et faire passer le temps. Ah, ça va. Allez, 1h08 encore à tenir, les mecs et les filles. Là. Bon courage à vous. Léa également. Coucou Mickaël. Je t'écoute avec ma pote Mathilde et elle aimerait bien voir un petit message de bienvenue pour ma pote car elle écoute pour la première fois, elle kiffe ta voix. Eh bien je l'embrasse Mathilde, je vous embrasse toutes les deux Mathilde et Léa. Petit message de bienvenue, bah écoute si tu veux avec plaisir, tiens. Ta gueule connard. Voilà, je vais même te suis là. Va te faire foutre connard. Eh ben voilà pour vous deux les filles, je vous embrasse. Aria qui dit moi j'ai été au courant qu'à la dernière minute que vous étiez là à 20h, j'ai allumé ma radio en 4ème vitesse, que j'ai même failli m'en casser la gueule. Très bien Aria. c'est pas faute de le dire sur le Facebook, le Twitter et partout. Moi je travaille dans une

sur Fun juste après le son de Gillo avec First Love. Et ben je vous balance la question encore une fois pour repartir avec la tablette Asus MemoPad 10 que je vous offre dans quelques minutes sur Fun Radio. On va prendre Peggy aussi dans quelques instants. Il y aura Anthony de Charleroi, Mathias également, vous toutes et vous tous en direct. On est là pour délirer jusqu'à minuit sur Fun Radio. Et c'est Gillo qu'on écoute au cœur d'une heure sans pub. First Love. Mickaël, no limit sur Fun Radio. Allez, restez sur Fun Radio. Il y a Damien qui dit désolé, je suis en retard. Mickaël, coup de pelle et en plus je t'ai ramené deux auditeurs. Oh bah ça va, cool. C'est cool. Voilà, tiens. Et je te mets ça, et je te mets ça, et comme ça t'as eu le total, Damien. Et Maya qui dit à l'apéro avec Mickaël, no stress. Eh ben écoute, t'as bien raison là. Profitez bien ceux qui sont déjà à l'apéro. Je vous avais promis de vous rappeler la petite question pour repartir avec la tablette. Et comme je le disais, si vous voulez jouer, vous hésitez, etc. Ce soir il y a la France là qui a gagné, donc autant vous dire qu'il y en a plein qui sont avec leur petit drapeau à gauche à droite, qui sont sortis pour aller gueuler, pour aller faire un peu la teuf. Donc forcément il y a moins monde que d'habitude. Moralité, vous avez plus de chances de gagner la tablette, elle vaut 200€ et je vous l'offre ce soir. C'est la Asus MemoPad 10. Si vous voulez la choper, eh ben c'est pas compliqué. Il suffit simplement de répondre vrai ou faux à la question que je vais vous poser. Chuck Norris apparemment s'appellerait Carlos en vrai. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Vous envoyez un pour vrai, deux pour faux. Vous envoyez un ou deux par SMS au 64 900. Et pour la Belgique au 63 22. Je donne la réponse dans une dans même pas une heure, 50 minutes à peu près. Donc à vous de jouer maintenant, bonne chance. Chuck Norris s'appellerait en réalité Carlos, vrai ou faux? Vous envoyez un pour vrai, deux pour faux, un ou deux. Vous envoyez ça au 64 900. Et je vous souhaite évidemment bonne chance. La question est également sur le Facebook hein, si vous voulez la relire éventuellement. Mais je vous la répéterai encore comprendre. Ouais, je vous la répéterai encore quelques fois avant 22h, avant qu'on tire au sort. Il y a Peggy pour parler des jobs d'été. Pour terminer avec les jobs d'été, t'es avec nous Peggy? Oui, salut Mika. Bienvenue Peggy, t'appelles des Deux-Sèvres. C'est ça. Bon, parfait. Alors, tu fais quoi dans la vie toi Peggy? Cochonne. Non, c'est drôle ça. Bah oui, je suis une grosse cochonne, hein, oui. Je vais mettre Toff une minute au coin, ça fera des vacances à tout le monde. Oh, si, tu l'as mérité. Voilà. Ne râle pas ou on te met 5 minutes. Je double la mise. Ah, bon, chien. Au moins on est tranquille pendant une minute. Tu disais Peggy? Je peux parler? Ah bah là, mais tu peux y aller. Les choses urgentes d'abord, je devais mettre Toff au coin, sinon il allait te casser les couilles. Donc finalement, tu devrais même me remercier Peggy. Ah oh, bah merci beaucoup. Eh ben je t'en prie avec plaisir. Vas-y Peggy, nous sommes tout ouïes. Je suis aide vétérinaire à Parthenay, mais mon pire job d'été c'était ramasseuse de volailles. Ramasseuse de volailles? Ouais. Bah alors c'est quand même. Je ramassais des poules. Mais mortes? Non, vivantes. Mais comment ça tu les ramassais? Mais tu les ramassais de où? Je les ramasse dans le noir, dans des bâtiments. Oh, ah mais c'est des trucs en batterie là. On embauche à 1h du matin et puis on les ramasse 5 par 5, et puis voilà. Mais je comprends pas. Ça pue la mort, ça pue l'ammoniaque, ça pue quoi. Ah oui, mais en fait c'est dans une espèce d'usine en fait, ils sont tous là, tous les. Voilà, les... c'est ça. Et tu les prends pour aller les buter en fait. Voilà, c'est ça. Ah d'accord, alors putain, c'est une horreur. C'est une meurtrière. T'as combien de morts à ton actif là? Bah j'aime ça, je m'appelle Peggy, je suis une cochonne, faut que j'assume. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Et combien mesures-tu Peggy? Pardon? Combien mesures-tu Peggy? 1m69. Combien pèses-tu? 65 kg. 95B. D'accord, et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Oh, 40. Oh là là. Ouais, Toff peut venir. Bien sûr. Je crois que je peux venir te tuer de la poule, tuer du poulet. Oui, si elle veut tuer mon poulet, il n'y a pas de problème. Mais bah, oui, c'est ça. Je m'appelle Peggy, je suis une cochonne, j'assume tout. Oh là là, Peggy me chauffe pas comme ça. Oui, c'est ça, elle assume tout. T'as vu la tête de Toff en vrai déjà ou pas? Pardon? T'as vu la tête de Toff en vrai déjà ou pas? Enfin non, en vrai, au moins sur photo. Ouais. C'est une tête de porc avec le corps d'un poulet. C'est vrai. Oh, c'est bon ça. Ah, tu vois, ça te plaît, hein. Oh là là, Peggy, tu as mauvais goût. Quoi, tu as mauvais goût. Bon, et donc ça c'était le pire job d'été. Et le meilleur, si t'en as eu un autre? Ben, être vétérinaire. Ah ouais. Je l'ai tué, donc c'est pareil, c'est extra. Ouais, là, c'est cool, ouais. Ah, t'as un petit bébé là? Enfin, un enfant en tout cas? Ah non, c'est pas les miens. Ah c'est pas les miens, ils traînaient là, je l'ai ramassé. Ouais c'est ça. J'aime donc. Pas les enfants, hey, j'aime pas les enfants, les miens ils sont dans le congélateur. Oh mais qu'est-ce que tu racontes Peggy là? Oh là. Eh bah t'es faite pour laver Toff, tiens. Ouais, on s'est bien trouvé. Exactement, ouais. Je déteste les gens qui disent j'aime pas les enfants. C'est ça, pourquoi? Oh mais j'aime les enfants. Ah bah voilà. Mais parce que ça veut dire quelque chose psychologique. Comme Toff, c'est psychiatrique, c'est du domaine de la psychiatrie. Ah oui, bah, bien sûr. C'est devenu à la mode de les mettre dans le congélateur quand oui, même. Oui, mais on a compris. Ouais, ça dépend dans quel cours, on va dire ça comme ça. Ouais. On n'en dira pas plus. Bon, bah, Peggy, je te fais des gros bisous. Oui, est-ce que c'est possible de faire une dédicace? Oui, bien sûr, à une personne, choisis la bonne. D'accord, bon bah mon petit chéri d'amour alors qu'il nous prend tous les soirs, hein. D'accord. Et puis des amis de la chapelle Saint-Laurent, voilà. Eh ben voilà, ben les messages sont passés. Bon ben salut à vous en tout cas, à bientôt. Merci beaucoup, bonne ciao, soirée à vous, allez. Merci beaucoup. Ciao salut. À toi Peggy, bye. Bon Anthony. Ouais. Bon, avant de prendre Mathias, là, l'information footballistique n'attend pas, évidemment, puisque tu as certainement regardé le match de l'équipe de France tout à l'heure. Bien sûr. Évidemment. Alors, bien quel sûr. Est ton avis à chaud? Est-ce que cette équipe de France méritait de gagner? Est-ce qu'elle était dans le match? Est-ce qu'ils ont été bons? Comme tu es un spécialiste, on attend toutes tes remarques. Franchement, la victoire de l'équipe de France n'a pas mérité, vraiment pas du tout. Ah bon, là, pourquoi elle n'a pas mérité? Parce qu'il y avait deux cartes rouges qu'elle devait avoir et qu'elle n'a pas eu. Ouais. Ah, beaucoup d'appels au standard pour dire que tu es un gros connard. Non mais c'est vrai, et que c'est la vrai. France t'emmerde. C'est sur Evra, je crois qu'il y avait un carton rouge qui a pas été donné, je pense, hein. Ouais. Je sais plus. Ouais, je crois que c'est sur. Oui, oh, il a tué le pied d'un mec du Nigeria là. Oh ah ouais. Ah ouais, ça méritait un rouge, hein, vraiment. Et toi, mais t'aurais bon. Fait quoi, Anthony, toi? Moi, j'aurais donné. Ah, t'aurais donné un rouge direct sans hésiter. Ouais. Voilà. Ah ouais, ouais. Bon, et sinon, donc, t'as pensé quoi du match hormis ça? Bah, rien de spécial. À part ouais. que l'arbitrage c'était pas ça. Ah mais c'est pas ça l'arbitrage, c'est... mais c'est un américain hein. Ouais, mais c'est pire que les anglais, parce que les anglais ils kiffent rien du tout. Ah ouais, ouais, ouais, donc t'aimes pas les américains toi? Non. Non, et t'aimes pas les anglais non plus? Bah si, parce que je suis dans une équipe anglaise donc Ah ouais, ouais, ouais. Et par contre t'as bien les portugais? Ouais, plus ou moins. Plus ou moins. La semaine dernière t'avais pas dit non que tu les détestais? Si, mais je les aime bien plus ou moins, ça dépend les équipes de club, oui, mais l'équipe nationale, non. Ah d'accord, ok, putain, c'est compliqué chez toi. Je les aime plus ou moins. Plus ou moins. Bon, et alors un avis objectif sur le match de tout à l'heure, Allemagne-Algérie? Bah j'espère que l'Algérie va gagner. Ouais, non, mais ça on s'en fout, mais je veux avoir ton avis en tant que professionnel du football. Bah ils vont gagner 2-3-0, ils vont marquer. Oui, bah s'ils gagnent 2-3-0, c'est qu'ils ont marqué. Mais... Donc l'Allemagne gagne ou l'Algérie? L'Algérie. Moi je pense que c'est 3-0 pour l'Allemagne. Non mais 3-0 c'est beaucoup. Il faut quand même se méfier des équipes africaines quand même. Ouais. Mais enfin bon, il faut se méfier des équipes allemandes aussi. Pourquoi il faut se méfier des équipes africaines? Bah l'Algérie c'est pas n'importe quoi, parce qu'ils ont quand même fait un nul contre la Russie, puis ils ont quand même battu le Burkina Faso, donc c'est pas n'importe quoi. Ouais mais ils ont été battus par la Belgique. Ouais. Mais bon la Belgique c'est normal, c'est les meilleurs donc. Ah oui d'accord. Alors d'accord. Alors comme ça d'accord. C'est vrai, parce ouais. que la Hollande, bon, verra, l'Allemagne, toutes ces équipes, c'est des merdes. On verra. C'est des minables. On verra. Pour l'instant, la France est en quart de finale, la Belgique pas encore, mais c'est parce qu'elle a un match à jouer encore. Donc on verra si elle va en quart aussi, puis au final, on se retrouvera peut-être en finale, va savoir. Et Belgique-France, tu seras pour qui, Anthony, si ça arrive en finale? Belgique. Belgique, et pas la France? Non. Ah d'accord, pourquoi? T'aimes pas les Français? Bah, on peut dire ça. Ah, on peut dire ça, pourquoi? Calme-toi. Hein. Il y en a qui t'ont tapé quand c'était petit? Non. Ah bon d'accord. Et pourquoi t'aimes pas les Français? Bah j'aime pas, ils sont trop chauvins. Ah bah et les Belges pas du tout? Bah non. Non. Ah bon d'accord, bon. Mais non, le Belge est tout vert. Oui, c'est évidemment, ça, il est évidemment. Tout vert, il est vert, enfin, ouais. Il est rouge là, pour le coup. Il est rouge. Bon, Anthony, on te récupère après le match ou à la mi-temps pour avoir un avis objectif encore une fois, le spécialiste du football, hein, d'accord? Ok, par contre, Mickaël. Ouais. Si jamais demain je passe dans l'émission pour la Belgique demain. Ah bah bien sûr qu'on va t'appeler pour le match de la Belgique. Il y a un mec qui m'entend pas, c'est parce que je suis parti klaxonner parce qu'il aimait, il gagne. Ouais, je sais. Eh ben, tu sais quoi, on te prendra après l'émission et tu nous feras en live le coup des les klaxons à gauche à droite. Ouais, on te prendra en direct du klaxon. Bon, fais comme ça alors, ça roule. Bon, allez, à tout à l'heure, Anthony. À tout à l'heure, Mickaël. Allez, ciao à toi. Bon, alors, c'est quand même exceptionnel ça. Bon, j'ai une petite question. Est-ce que, très amoureux, vous seriez capable de payer 5 000 $ pour sortir avec votre sosie? Enfin, avec le sosie de la personne de qui vous êtes amoureux? Non. Non? Mais non, parce qu'en fait, c'est pas tant le physique qui t'intéresse si tu sors avec la meuf. C'est autre ouais, chose. Ouais, mais après, il y en a, c'est psychologique, tu vois, c'est le physique, il y en a. Ah ouais, non. Non, d'accord, ok. Non, je proposais, c'est le... Je vous en parlais, pardon, parce qu'il y a le site match.com au Canada qui en parle justement. Pour 5 000 $, vous aurez une chasseuse de tête personnelle qui va vous aider à trouver la fille qui ressemble à votre ex. Oh, c'est dingue ça. Voilà. C'est ouf. Est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que vous êtes encore amoureux de votre copain, votre copine, enfin votre ex en l'occurrence? Est-ce que vous voudriez la récupérer? Surtout, est-ce que vous seriez prêt à mettre 5 000 $ pour sortir avec sa sosie? Mais 5 000 $, c'est... Bah oui, mais enfin, grave. Il faut la rechercher, tout ça, c'est quand même... T'imagines que l'ex de Toff, elle est capable de payer 5 000 $ pour retrouver ça? Non, ouais, mais non. Non, justement, elle a réussi à s'en débarrasser, elle courra pas derrière. Ouais, c'est possible, ouais. Bon, il y a Mathias qui est avec nous, là, de Boitevillers. Salut, Mathias. Salut, Mickaël. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? C'est bon, où, écoute, Boitevillers? C'est en Belgique. Ah. C'est tout près de... Chamalan Non, Louvain-la-Neuve. À Namur, pardon, tant pour moi. Bon, eh ben, bienvenue à toi, Mathias. Bon, ben est-ce merci. Que tu nous appelles pourquoi, toi? Mais en fait, il n'y a pas si longtemps, enfin, il y a genre 2-3 jours, enfin, j'ai pris contact avec une amie d'enfance, mais on est sortis genre 3-4 ans ensemble. Et, ah, tu as fait appel à match.com pour la retrouver, c'est ça? Non, mais après, donc 4 ans après, je la retrouve et on a la même complicité qu'avant, et en fait, je ne sais pas quoi faire, si soit sur ça avec, quoi, alors soit je garde la complicité ou quoi. On comprend, j'ai rien compris, ça, ouais. Mathias, à ce que tu as dit. Donc en gros, tu es sorti avec une meuf avant? Il y a longtemps. Il y a longtemps. Maintenant, tu l'as retrouvée. Vous avez toujours la même complicité qu'avant. Mais sauf que tu sais pas si tu veux sortir avec elle ou garder la complicité. Ouais, c'est vraiment. Ça va être la même chose, quoi. Bah, l'un va pas forcément sans l'autre. C'est pas parce que vous sortez pas ensemble que t'as une complicité. Et c'est pas parce que vous allez peut-être sortir ensemble que vous l'aurez plus. Ouais. Bah oui. Ouais. Mais en gros. Bon, ouais. Mais pas de mon avis, c'est un peu parce que moi je la connais plutôt bien, donc ouais, donc c'est ça que je me demandais aussi, parce que j'ai un peu de la perdre après pour définitivement, quoi. Mais oui, mais ça c'est le risque. Ouais, mais tu l'as perdu, tu l'as retrouvé, donc tu la retrouveras plus tard. Je prends l'exemple, c'est comme le mec qui a une putain de voiture dans le garage et qui roule jamais avec parce qu'il a peur de faire l'accident. Bah oui, mais c'est le risque. Tu vas pas la garder dans ton garage, bah c'est pareil. Tu vas pas la garder en ami si t'es amoureux d'elle, au risque de peut-être que ça casse. Bah oui, peut-être que ça cassera, peut-être ça arrivera. Et puis ça se trouve, en la gardant ami, un jour vous allez peut-être vous engueuler et puis vous parlerez plus. Oui. Et au final, tu seras bien avancé. Fonce, ma gueule, fonce. Bah oui, c'est ça, faut y aller. Vas-y, à fond de balle. Mais oui, voilà, c'est ça. Non, mais franchement, faut y aller. Toff, t'es déjà sorti. Toi, tu n'hésiterais pas, évidemment. Ah, moi, j'hésite pas. Une meuf qui me dit, moi, je veux bien que tu me refours, je la refours. Ouais, merci, Toff. Je te demandais pas ça. Je te demande surtout si t'es avec elle. Ouais, mais c'est vrai. Bah, ressortir, je sais pas. Mais au moins une ou deux fois, histoire de tirer un coup, quoi. Ouais, ah, d'accord, ok. Bon, enfin, bref. Donc, tout ça pour vous demander si, en gros, est-ce qu'il doit foncer ou pas? Moi, mon avis, c'est oui. Fonce, donnez votre vas-y. Avis. Hein. Vous mettez MIKL et votre message au 64900 par SMS ou alors avec le hashtag MIKL 20h minuit sur Fun. Vous laissez votre message derrière pour qu'on reçoive tous vos messages en direct dans le studio de Fun, évidemment. Sur le Facebook, ça marche aussi. Tapez MIKL officiel pour nous rejoindre. Bon, tu restes avec nous, du coup, Mathias? Oui, pas de soucis, pas de soucis. Bon, voilà. Et donc, c'est l'ex-ami d'enfance, donc il sait pas s'il doit sortir avec elle ou pas. En gros, est-ce que vous êtes déjà sorti avec un ami ou une amie? Est-ce que ça s'est bien ou mal passé? Appelez-nous, on en parle. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Il y a le Club Med qui dit Polo, contrairement aux Français qui sont chauvins, les Belges sont optimistes. Mais non, quoi, mais c'est comme tout. Il y a des Français qui sont cons, il y a des Belges qui sont cons, il y a des Français bien, des Belges bien, et c'est pareil pour tout le monde. Loïc aussi, comme d'hab, au rendez-vous. Allez, l'équipe, faites-nous rêver. Merci Loïc, on compte surtout sur vous. Hein. Et Momo aussi, Mickaël, je pourrais avoir un message de bienvenue à aller l'Algérie. Oui, ils vont démarrer dans une demi-heure les Algériens là. Hein. Merde. Bah voilà, c'est ça, petit message de bienvenue, c'est fait. Et Lucas aussi, petit coup de pelle pour Toff, avec plaisir. Mais oula, on l'a pas gratuit. Entendu. Attends. Totalement. Ah bah voilà, d'accord. Ça au moins on l'a plutôt bien entendu. Il y a les appels malveillants qui vont débarquer dans quelques instants sur Fun Radio. Et puis vous l'avez découvert hier, je vous le remets maintenant. Le son de David Guetta, le nouveau que je vous ai passé hier pour la première fois à 23h, Lovers on the Sun sur Fun Radio. Let's light it up, let's light it up tonight. Le nouveau Guetta sur Fun Radio, Lovers on the Sun. 20h minuit. Mickaël. No limit sur Fun Radio. Exact, on est en direct sur Fun Radio comme tous les soirs. N'oubliez pas d'ailleurs de balancer vos messages sur le SMS par exemple. Mickaël et votre message, vous envoyez ça au 64900. Et puis vous pouvez bien entendu aussi participer sur le Facebook et le Twitter. Vous tapez Mickaël officiel. Allez l'Allemagne, petit pronostic 3-1 pour les Allemands. Loïc aussi qui dit David Guetta, une légende, the best DJ in the world, juste énorme. Encore un carton. We love you, David Guetta. Et Marie qui dit bonsoir les choux-fleurs, ça va, moi bof, parce que il y a ce putain de Toff, Mickaël, je m'excuse pour hier, mais tu peux mettre mon Duck Diamond, I got you. Attends, je l'ai mis au tout début d'émission, Marie, j'espère que t'as entendu. Hein. Voilà, c'est scandaleux. Je mérite deux coups de pelle car je suis en retard. Eh bah ouais, une et deux. Vive ton fun, Mickaël, il faut les envoyer, faut envoyer ses coordonnées à sandro@funradio.fr pour avoir le pack fun. Exactement, c'est ce qu'il faut faire, tu as tout compris. Bon, attention, avant de faire les appels malveillants avec Toff, attention également, puisque je vais vous répéter la question pour repartir avec la tablette, la Asus Memo Pad 10. Elle vaut 200€ et je vous l'offre maintenant si vous avez la bonne réponse à la question. Donc, apparemment, Chuck Norris s'appellerait Carlos. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Son vrai nom, ce serait Carlos. Ah, je sais pas. Comme Carlos Bisou, tu vois. Donc voilà, si vous avez. Cousin? Peut-être qu'ils sont cousins. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez un pour vrai, 2 pour faux. Vous envoyez un ou deux par SMS au 64 900. On en tire un au sort parmi vous tout à l'heure avant 22h, donc dans moins de 30 minutes. Ou vous pouvez aussi jouer si vous êtes en Belgique. Vous envoyez un ou deux par SMS au 63 22. Je vous souhaite bonne chance. On tire au sort tout à l'heure. Et comme je le disais tout à l'heure, avec les matchs de foot qu'il y a ce soir entre la France et l'Algérie, la France y a gagné, l'Algérie qui va jouer maintenant, il y a évidemment moins de monde que d'habitude. C'est normal, en plus c'est les vacances. Donc si vous voulez tenter votre chance et que vous hésitez, c'est peut-être l'occasion que jamais, vu que vous avez plus de chance que d'habitude de gagner puisqu'il y a moins de monde. Voilà, vous envoyez un ou deux par SMS au 64 900. Un pour vrai, deux pour faux. Chuck Norris, son vrai nom apparemment ce serait Carlos. Je vous souhaite bonne chance, on tire au sort avant 22h. Sadia aussi qui dit un petit message de bienvenue, je vous écoute depuis un an et vu que vous avez changé vos horaires, je peux vous parler. Bisous, vous êtes géniaux. PS, moi j'aime bien Toff car grâce à lui, les appels malveillants à caractère pornographique existent. Vous déchirez. Merci beaucoup Sadia. Tiens, un petit message de bienvenue. Je t'en mets un. Résidu de capote, tu vas fermer ta gueule, non ? Voilà, très bien. Et en parlant de messages de bienvenue, les appels malveillants sont au rendez-vous également pendant les vacances. Vous savez, toutes les heures à la demi, on aime bien les appels malveillants. Alors d'habitude, on fait ça à 23h30, minuit 30 et 1h30. Mais comme là, on est en mode horaire d'été, on fait ça à 20h30, 21h30, 22h30. Et le bonus, à 23h30. Normal. Voilà, c'est le petit bonus puisqu'on fait 4 heures. Voilà, et donc on est tombé sur une information très intéressante puisque apparemment pendant les vacances, 22% des mecs ont décidé de tromper leur meuf. Et ça c'est beau, et ça c'est beau et je les félicite. Non mais c'est complètement improbable ce sondage. En même temps, les gens trompent. Mais c'est un truc de dingue. Et 19% des femmes aussi, il n'y a pas que les mecs. Ouais, mais moi ce que je préfère, c'est la deuxième partie du sondage. Ah oui, comme quoi ils le trompent dans la même... Dans la même résidence. Dans la même résidence de vacances. Ah, ça, c'est quand même un truc exceptionnel. Bon, du coup, on a décidé d'appeler des gens pour leur demander s'ils ont prévu également de faire ça. En gros, est-ce qu'ils vont passer leurs vacances à tromper leur copain ou leur copine ou leur mari ou leur femme. Et grâce au numéro que vous nous envoyez comme tous les soirs sur le mail de Toff, toph@finradio.fr, nous pouvons... poser des gens. Grande question justement, c'est parti, on y va. Il y aura le canular aussi dans une petite vingtaine de minutes là. C'est parti, on appelle. Bon. Allô, j'écoute. Oui, bonsoir madame. Oui. Voilà, je vous appelle parce que je voulais savoir si cet été vous allez tromper votre mari ou plutôt faire un plan à trois avec lui. Vous me faites chier. Oh non madame. Ah déjà, d'entrée de jeu comme ça là. C'est un bonjour très cordial, je trouve. Ah oui, vous me faites chier. Bon, attends, on le rappelle. Enfin, on la rappelle. Oui, allô. Continue, je marque ton numéro. Continue, petit con. Oui, mais vous voulez pas répondre à ma question plutôt, monsieur ? Non, monsieur. Pourquoi, monsieur ? Parce que j'ai une grosse bite, je t'encule, moi. Oh non, monsieur, non, c'est pas gentil, ça. Eh ben voilà. Faut pas me dire ça. Il est parti. Bon, attends, c'est pas grave, on va le rappeler encore une fois. Ah oui, un petit coup. Allez, hop. Une petite dernière pour la route. Je suis content de sa voix. Oui. Monsieur, c'est pas très gentil ce que vous me dites. Oh, écoute, si tu veux payer le téléphone, paye-le. Ah, mais il a posé le téléphone. Bon, ça ne sert à rien, on va raccrocher. Donc il t'a pété à la gueule. Mais j'ai l'impression que c'est beau. Oui, il m'a pété à la gueule. C'est beau ça. Ah, dis donc, c'est la première fois que ça arrive. Un truc de dingue. Waouh. Très bien. Bon, on en fera d'autres tout à l'heure, des appels malveillants. Si vous avez des numéros de téléphone, appelez-nous. Enfin, appelez-nous. Envoyez-les sur le mail de Toff et on les appellera. toph@funradio.fr. C'est dingue. Bah oui. T'as pété la gueule, dis donc, j'en reviens pas. Scandaleux. Ça alors. Bon, allez, on fera les canulars aussi dans quelques minutes. Pour ceux qui n'écoutent pas d'habitude, puisque c'est vrai qu'on a un peu changé d'horaire, on va vous mettre les meilleurs de l'année. Attention, il y a du lourd. Oh. Ah bah, c'est pas du lourd. Il y a du plus que du lourd. Pour ceux qui n'ont pas écouté pendant l'année, par exemple, qui écoutent peut-être ce soir pour la première fois, comme on a changé d'horaire, il y a eu l'histoire de la bombe. Ah oui. Ah oui, il y a eu le tic-tac de la bombe. Il y a eu la soirée. Qu'est-ce qu'il y a ? On a fait une soirée aussi avec transsexuel. Ah oui. Ah, c'était bon, ça. Du prince Nadia. Voilà, c'est ça. Ils ont buté les deux. Ah. Il y a eu plein de trucs. On en a fait plein des canulars de dingue avec les auditeurs qui sont venus aussi. Là, on a fait croire aux parents qu'ils avaient tout cassé dans l'école et que du coup, il fallait venir les chercher. Il fallait payer. Il y avait le coût de la voiture qui s'était fait arrêter par la police et du coup ils sont partis en catastrophe. Enfin bref, il y en avait plein. S'il y en a un que vous préférez par rapport à un autre, vous voulez le réécouter ce soir, avec plaisir. M.I.K.L. et votre message au 64 900. Il y a le retour de Mathias dans quelques minutes et on a Gaël avec nous de Clermont-Ferrand. Salut Gaël. Salut Mathiel. Comment tu vas? Ça va et toi? Je bon, m'attendais ouais. une fille. Ouais, ouais non, non, non, c'est Gaël, G-A-E-L. Donc Gaël, comme Gaël. Un mec. Gaël en place, Gaël. Bon alors, toi tu nous appelais par rapport aux appels malveillants, puisque visiblement tu as déjà trompé ta copine pendant les vacances. Pas ma copine, mon copain. Ton copain, peu importe, c'est pareil. Et donc pendant les vacances. Tu fais, ouais. C'est toi qui fais la femme, Gaël? De quoi? Oh, mais qu'est-ce qu'il est relou avec sa question là, qui fait chier tout le monde? C'est vachement important. Cette question qui n'a ni qu'une idée de comme t'offre. Actif, passif, 50%. Ah, ah bah voilà, c'est 50-50. Non, il n'y a pas de femme, il n'y a personne qui fait la femme. Non, voilà. Non, il n'y a rien qui est dédié, et certainement pas à ce temps-là. Bon, c'est vrai. Alors, Gaël. Oui. Bon, alors, comment ça s'est passé là? T'as trompé ton copain donc en vacances, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous, t'étais où? Est-ce que c'était comme dans le sondage, dans le même village de vacances? Dans la même résidence? Non, non, pas du tout. Moi, je me suis barré en Thaïlande pendant 3 semaines et je me suis dit qu'il ne saurait rien. Donc, du coup, en Thaïlande, tout ce qui reste à Bangkok reste à Bangkok. Non, tout ce qui se passe à Bangkok. Ouais, reste à Bangkok. Ouais, voilà. Bon, enfin, après, ça marche à Las Vegas, ça marche partout. Non, mais parce qu'il a dit tout ce qui se passe à Bangkok. Non, tout ce qui reste à Bangkok reste à Bangkok. Ah oui, non, tout ce qui se passe à Bangkok reste à Bangkok, en effet. Ouais. Et voilà. T'as fait quoi? T'as fait quoi? Et bah, du coup, j'ai rencontré un mec et puis j'ai passé 3 semaines avec lui. Et mon mec pensait que j'étais tout seul avec mon petit sac à dos. C'est un ladyboy, tu veux t'étaper ou pas? Ouais, c'est un ladyboy. Ah, non, ou... non, non, non, j'aime pas ça. Non, ah, pas d'accord. Ladyboy. Mais en même temps, ton mec. Des hommes, des vrais. Eh, ton mec te laisse partir. Enfin, te laisse. Après, il n'y a pas le choix. C'est, tu fais ce que tu veux. Mais je veux dire, s'imagine que tu pars tout seul en Thaïlande et qu'il ne va rien se passer. Tu vas être là pendant 3 semaines, pépère, tout seul. Ah, ouais, ouais, non, mais il est là-dessus. Et mais t'es encore avec lui aujourd'hui? Non. Ah d'accord, ok. Donc il l'a su à un moment ou à un autre ou Non, je ne sais pas. Et puis j'espère qu'il écoute Fun Radio. Là. Ah oui, comme ça il le sait. C'est méchant ça. Ça suffit pas ça. Gaël, c'est pas bien, c'est mal. Ouais, c'est une grosse garce. C'est très mal. Oh, c'est toi, Gaël, Clermont Ferrand. C'est le milieu gay, il est horrible. Non, mais bon, t'inquiète pas, c'est pareil chez les hétéros, tu sais. Il y a des cons aussi. Hein. Ah bah oui, bah, bien sûr. Attends, qu'est-ce que tu crois? Bon, bah très bien. Eh bah Gaël, j'espère que ça t'arrivera pas en sens inverse. Hein. Non, j'espère pas non plus. Bah j'espère, je te confirme. Ouais. Bah merci d'avoir appelé en tout cas, Gaël. Et tu reviens quand tu veux. Hein. Ça marche. Ciao. Salut, ouais. Ciao à toi, Gaël. Et Damien. Ouais, tranquille. Le canulariste. Ah, le fameux. Manquait plus que lui. Ça va, Damien? Ouais, ça va, ça va. Bon bah tant mieux alors. Et dis-moi, t'as pris quelque chose, toi? T'as pris un médicament ou toi? Parce que t'as l'air un peu speed là. C'est pas ça en fait. Bon bref, c'est en tunique, c'est pour ça. T'as quoi? C'est en tunique. T'es en tunique? Ouais. En tunique de quoi? En clinique, parce que j'ai des problèmes en fait pour ça. Ah, en clinique? Ah d'accord. Non, parce que t'as l'air speed par rapport à d'habitude. Ouais, c'est ça, on était inquiets justement, tu en se demandais. Bon, bah très bien. Bon, bah alors Damien, tu nous appelles pourquoi? Je vous appelle parce que je vais faire un appel malveillant avec Toff, si c'est possible. De faire un appel malveillant avec Toff? Ouais. Mais tu. Comment ça, avec Toff? Pas avec Toff, mais au moins faire un appel malveillant. Tu veux faire un appel malveillant, mais toi, comme si t'étais Toff? Ouais, en faisant croire qu'ils ont déjà pratiqué le 69, je veux dire. Donc tu veux les appeler pour voir s'ils ont déjà pratiqué le 69 et donc ouais. en mode appel malveillant, c'est ça? Ça marche. Ah oui, donc ça marche directement, lui il perd pas de temps, très bien. C'était une question, Damien. Mais ouais. Tu voulais pas qu'on appelle ta belle-mère? Non, je préfère ça jeudi parce que c'est jeudi le canular normalement. Ah oui, oui, d'accord. Ah oui, les règles sont les règles. Hein. Ouais, mélangeons pas tout. Les règles sont les règles. On va pas commencer à s'emmerder avec ces conneries non plus là. Très bien. Bon, écoute, on va appeler Damien. T'es prêt? Alors, on appelle quelqu'un. On sait pas chez qui on appelle. Hein. Ça marche. Bon, allez, bonne chance. On y va. De quoi? Je dis un passant entre nous. Ouais, bah oui. Bien sûr, comme d'habitude, tu places le passant entre nous et tu places également le la France a gagné 2-0. D'accord. Ok. Ouais, en disant si la France a gagné 2-0, si ils ont déjà pratiqué 69. Non, je m'en fous, tu mets comme tu veux, mais il faut placer pas de ça entre nous et la France a gagné 2-0. Courage. Allez, c'est avec toi. Allez, vas-y, on y va. Ça marche. Vas-y, on appelle. Sois fort. On appelle. Oh, t'inquiète. Attends, je mets l'application. Ouais, mais lève-toi, c'est mieux, ouais. Arrête pas, mais le truc. T'as raison. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Oui, bonsoir. En fait, je vous appelle pour savoir, la France a battu 2-0. Oui. Et c'est pour savoir si vous avez déjà pratiqué le 69. Le quoi? Le 69. C'est le mec, la fille qui se touche la bite et l'homme qui fait le cli. Mais vous êtes vulgaire, monsieur! Je sais. Pas entre nous, ok? Mais pas de quoi entre nous, monsieur? Oh, pas entre nous, c'est vrai. Mais quoi. Pas de quoi, monsieur? Mais pas entre nous, il y a 2-0, quoi. Il y a 2-0 quoi? 69, 2-0? Il y a eu, le match est fini là. C'est un cours de maths? Bon, ouais, non, c'est pas un cours de maths, c'est pour savoir si vous avez déjà pratiqué le 69 pendant que vous avez regardé le match. Il a raccroché. Attends, on va en appeler un autre. Ça marche. On va en appeler un autre, hein. Ça sonne, hein. Attends. Oui, bah attends, c'est pas moi qui décide, là, ça téléphone, là. D'accord. Allô? Ah oui, bonsoir. Oui, bon, allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, qui oui, est bonsoir. Là? En fait, je vous appelle pour ça, est-ce que vous avez des allô? Allô, passez entre nous, c'est bon, là. Oui, écoutez, j'entends mal, parlez plus fort, mon petit. Je vous appelle pour savoir... Je n'entends rien de ce que vous me dites. Oh, passez entre nous, je t'explique. C'est quoi. Jérôme? C'est pas Jérôme, c'est DR. C'est qui? Dominique? Non, DR. Ah, bonsoir Dominique, je suis content que vous m'appeliez, ça faisait longtemps. Non, passez entre nous. Oui, est-ce que vous avez fait mes commissions? Allô? Allô, passez entre nous, je vous appelle. Oui, Dominique. Oh, c'est pas Dominique. Allô? Oh, non, mais franchement... Mais qui êtes-vous? Ben, je m'appelle Vachy, alors. Oui, vous êtes une vache? Non, c'est pas vache, c'est des... Écoutez, je ne comprends rien de ce que vous me dites. Non, mais je ne savais chelou. Pas que les vaches parlaient. C'est chelou, pas ça entre vous. Je vous appelle juste pour poser une question. Allô? Pour savoir si vous avez pratiqué 69 et vous... Vous, oui. Est-ce que vous avez pratiqué 69? Oui, non, je n'habite pas au 69, hein. Non, mais si, vous connaissez pas le oui. En train de faire prendre un cuni et toi qui te souviens. Oui. Vous connaissez pas, est-ce que vous l'avez je vous attends. Est-ce que vous... Ah, mais t'es malin, mais t'es un botte. Merci beaucoup, hein. Non, mais t'es une botte, attends. Oui, au revoir, monsieur. Merci beaucoup, merci. Au revoir, Dominique. Bonjour aux enfants, hein. La France a marqué 2-0. Non, il a raccroché, la vieille, elle a raccroché. Bon, hey, t'as été très bon, hein. Putain, Oh, la classe de la classe, là. C'est fait. Ah bah putain, t'es trop balèze, hein. Tu t'améliores de semaine en semaine, Damien, là, putain. Franchement, Toff peut avoir peur de ça pour sa place l'année prochaine. Ouais, là, je pense que ce sera le prochain. Avec son salaire tellement gras. Ouais. Je pense qu'il est le prochain sur la liste à sauter. C'est fait. J'ai mis de nouvelles vidéos, d'ailleurs. De quoi? J'ai mis de nouvelles vidéos. Il faut nous dire. Attends, nous on regarde ça en live, Toff, la nouvelle vidéo là. Mais je peux pas, il a fermé sa chaîne. T'as rouvert la chaîne? Je l'ai rouvert, ouais. Bon, comment elle s'appelle? Elle a été rouverte. Alors, comment elle s'appelle la chaîne? C'est Damien Chen. Ouais? Ah, c'est encore une nouvelle chaîne, ou il va changer de chaîne tous les 3 jours là. C'est la même chaîne. C'est écrit comment, chaîne machin là? C'est la même image en fait. Ouais? Non, mais ça, c'est Damien comment? Damien Chen, C-H. A-I-N-E. Ah, tiens, il y a Jeanne François qui dit Damien est tellement en forme, j'ai l'impression d'écouter l'émission en accéléré. Et Dimitria, vous êtes énorme. Bah oui, mais bon, t'es gentil la petite vieille, mais il comprenait pas tout ce qu'il disait, Damien, là. Bon, enfin, tant pis, écoute, c'est comme ça, on appelle parfois au hasard, on sait pas très bien. Hein. C'est quoi ton meilleur? Mon meilleur canular? Ouais. C'est le braquage au McDo. Braquage au McDo. C'est un appel que t'as fait au McDo ou t'as été sur place? C'est sur place. Non mais t'es sérieux? Je te promets, je t'ai une carabine à billes. Mais c'est pour ça que t'es à la clinique. T'es un ouf. C'est pour ça que t'es en clinique là maintenant là. Attends mais je vois pas. Mais t'es un... Hey, mais le mec est complètement dingue. Il y est pas sur ta chaîne le McDo. Si, tu tapes DR, canular DR, tu tapes sur les premières. Attends, on va trouver sur la première parce que je pense que là on peut se taper une barre. Ouais, alors attends. Carabine. Mais mec, t'es complètement ouf, toi tu sais que tu peux finir en prison pour ça. Mais en plus, j'ai fait un canular dans la galerie marchande, non pas la galerie marchande, sur une place à foraine, dans une voiture aussi. Il est complètement ouf. Bon, alors t'as trouvé ou pas, Toff? Non, inondation. Bon, bah mets une autre, c'est pas grave, tant pis. DR fait un faux braquage au McDo, il écrit. Ah, DR fait un faux braquage au McDo. Pourquoi DR? Ah oui, Damien, machin chouette. Ouais. D'accord, ok, très bien. Bon, t'as trouvé ou pas? Attends, je sais pas, laisse-moi le temps de chercher. Oh, bon, enfin, bon. L'image, c'est devant. Voilà. C'est Merci pour toutes ces... On peut mettre direct ou... Ouais, direct, c'est bon. Les supporters algériens ce soir en France. Vas-y. Attends, pourquoi? Qui dit Boris? Ils seront très nombreux devant. Parce qu'on est une famille. C'est mon pote qui a fini en fait pour ça. Mais on t'entend parler ou pas? Non, t'inquiète, je vais y arriver. C'est pas la fin, tu vois. Ça, c'est pas la fin. Il est bon. Vas-y. En même temps, ça dure une minute, hein, donc on y sera vite. Regarde, dimanche, alors qu'on est samedi. C'est ton pote qui parle, là? Je suis mon pote, ouais. Ouais. Mon pote, mon caméraman de Code Watch. Il est sérieux. Et donc, Damien, il rigole avant d'arriver au truc, hein. Ah, c'est pas moi, c'est mon collègue qui rigolait. Ah, d'accord. Oh ouais, lui il est sérieux, hein, il rigole pas. Lui. Vas-y, non, pas. La voiture dégage. Ce qui est bien, c'est qu'il fait un braquage, mais visage découvert, hein, il y en a rien. Bon, le faites pas, hein, c'est parce que Damien il est complètement con. Moi. Tu fais braquage. Comment faire peur à McDo parce que c'est des connards. Ouais, mais là quand on n'a pas l'image, évidemment on comprend rien pour le coup. Non, mais même quand t'as l'image, tu comprends rien. Attends, polo, je te montre. Attends, parce que pour le coup, moi j'ai pas l'image et je me mets à la place des auditeurs, j'ai rien compris un jour. Et bah c'est pareil, attends, regarde, je montre à Polo. Ouais. Je montre à Polo, donc attention, ça va être le moment du braquage. Et là, il se passe quoi? Décrivez, et là, pour le moment, il attend, il est en embuscade là, Ouais. Il va y aller. Après la voiture. Attention, la voiture part. Ouais. Ça y est, il y va. Attention, 3, 2, il se place et tout, hein. il est là, voilà, ça y est, la voiture part, il y va. Et malheureusement, on ne peut plus vous décrire vu qu'il filme par terre. Ah, il y a encore un peu de travail au niveau de la caméra encore. Mais attends, il a braqué un drive. Oh, mais c'est un drive en plus là. Oh là là. Bon, Damien. Sinon, regardez, c'est le retour. Ouais, bah un autre jour, parce qu'on a piscine là. Attendez. Mais on doit à la piscine, Damien, on doit fermer. Ouais. Attendez, la piscine à Fun Radio. Bah oui, on a mis une piscine sur la terrasse, on doit aller faire un plouf et puis on revient juste après là. Oui, vous voulez pas un petit canular quand même? D'accord. C'est juste pour me renseigner à propos de la musique là. De comment? C'est juste pour me renseigner aussi à propos de la musique pour s'en aller. Quelle musique? Ah, pour tes de titres. Brady's Fresh. Ah, de Brady's Fresh avec Avicii. Ouais. Bah écoute, j'ai pas eu de nouvelles d'Avicii, on essaiera de le rappeler, tiens, pour voir où c'en est. Okay. Parce que je rappelle donc pour ceux qui n'écoutent pas, il y a les nouveaux singles de Damien. C'est le Club Med. Qui existe, hein, on les avait fait découvrir il y a une semaine, maintenant en exclu total sur Fun Radio. Club Med, et il y avait Do You Want Some Bread également. Hein. Hello. Sir Food. Do You Want Some Bread? The bread is fresh. Voilà, après c'est comme ça tout le temps, etc. Bon, ah, Damien, salut à toi, hein. Attendez, c'est ouais, ça, ouais, c'est ouais, ouais, pas de problème. Salut Damien, ça, merci de passer. Avec plaisir. Salut Damien. Ouais, ouais, ciao. Eh ben merci d'avoir appelé en tout cas, ouais, c'est gentil. Ouais. Salut Damien. Ouais, ouais, attends, parce qu'on passe sur... Attendez, c'est un appel malveillant, je vais faire le coup de la fin qui jouait. Attends, moi je fais l'appel malveillant, ouais. Je fais le coup du mec qui raccroche. Allô? Oui, bonsoir. Ouais, vous m'emmerdez, allez, au revoir. Voilà. Voilà, ça y est, c'est fait. Hein, le fait qu'il a raccroché au nez, quel connard quand même. Hein. Allez, restez sur Fun Radio, je vous rappelle la petite question pour repartir avec la tablette Asus. Attention, c'est dans un quart d'heure. Hein. Un petit quart d'heure maintenant, la tablette Asus MemoPad 10. Apparemment, Chuck Norris s'appellerait en fait Carlos. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Là, vous envoyez simplement un ou deux, un pour vrai, deux pour faux. Vous envoyez un ou deux par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Je vous souhaite bonne chance. On tire au sort dans un petit quart d'heure maintenant. La tablette vaut 200 €. Et je vous l'offre ce soir. Et avec les matchs de l'équipe de France, les matchs de l'Algérie également, je peux vous dire que vous avez plus de chances de gagner parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont pas à l'écoute ce soir et qui sont en train de bouger avec les drapeaux, qui sont peut-être déjà au niveau de la télé pour regarder le match de l'Algérie qui démarre dans un quart d'heure. Donc allez-y, si vous voulez tenter votre chance, la tablette sera peut-être pour vous, elle vaut 200 €, donc Chuck Norris s'appellerait Carlos en réalité. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Vous envoyez un pour vrai, deux pour faux, vous envoyez ça au 64 900 et je vous souhaite bonne chance. Vous restez sur Fun Radio. We go, we go, we go, we go, we go. Il y a Jason Derulo et Snoop Dogg qui débarquent dans un instant sur Fun Radio et un petit canular qu'on va se faire aussi. Tiens, bougez pas. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Oh, Mickaël, nos limites de 20h à minuit sur Fun Radio. J'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël nos limites durent longtemps, qu'il continue à nous faire rire, et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou de vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Mickaël, nos limites de 20h à minuit sur Fun Radio. Et il est 21h51 sur Fun Radio. Si vous débarquez sur Fun pour la première fois, eh ben merci d'écouter la radio. On est là de 20h à minuit jusqu'à mi-juillet, hein, donc profitez-en bien. Il y a Bastien qui dit: tu peux me passer un message de bienvenue, ça fait au moins un an que je vous écoute. Si tu le fais, tu peux dire que c'est Bastien de Clermont, s'il te plaît. Comme ça mes potes sauront que c'est moi qui et s'ils m'écoutent, bah j'espère qu'ils écoutent. Bah bien sûr, un petit message de bienvenue, je vais t'en mettre un petit, tiens. Alors

Ah putain, bon ça. Enfin, bon, désolé quand même. Hein. Chapeau. Désolé, tonton, je suis vraiment désolé. Ouais, t'es vraiment un sale con. Et tu sais quoi? On va donner le cadeau à tonton. Exactement, on va filer le cadeau à tonton du coup. Ce qui paraît honnête, hein, ça me paraît quand même le plus honnête dans l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut te filer? J'ai un iPad mini, tonton. Si tu veux. Bon, si tu veux pas, je le file à Mathieu. Hein. Ah non, pas à Mathieu alors. Je le file pas à Mathieu? Ah non. Bah voilà, très bien. Bon, bah tonton, on va t'envoyer un iPad mini. Ok. Ah bah très bien. Bah voilà, avec plaisir. Bon. J'ai été trop bon. Ouais, toi, t'as été trop con surtout. C'est surtout ça qui s'est passé. Bon, Christian et Mathieu, passez une bonne soirée quand même. Merci pour tout. Bah, merci. Hein. Avec plaisir. Et vive les pompiers. Ouais. Voilà. Merci, c'est cool. Salut à vous, ciao. Ciao. Et si vous voulez faire un petit canular aussi, bah vous êtes les bienvenus. Si vous voulez nous appeler, n'hésitez pas, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Puis la Belgique, Benjamin qui dit super le canular, la Mister Steven qui dit vraiment bon ce canular, quel plaisir. Fun de fun, c'est l'un des meilleurs canulars de l'histoire de Mickaël No Limit. Ah, oh, il avait d'autres hein. L'histoire. Ah, ouais. Trop bon l'émission, j'écoute pas souvent mais quand je peux, je savoure. C'est Laurent, ben merci Laurent d'écouter ce soir. Et Dimitri également, mort de rire, c'est juste énorme mec. Et Benjamin qui dit pété de rire le braquage au McDo tout à l'heure avec Damien là, avec un pistolet habillé, j'en peux plus, je vais me faire pipi dessus. Ah non mais il faut aller voir les vidéos hein, c'est. Ah bah oui. Bon allez, n'importe quoi. On appelle le gagnant ou la gagnante maintenant, je l'avais promis, gagnant ou gagnante, donc pour la tablette, c'est parti, on y va, on appelle maintenant, si il ou elle décroche, la tablette est pour lui ou elle. Enfin, si la réponse est bonne évidemment. Tablette Asus, qu'on file maintenant, il y aura les maillots de foot juste après, hein, donc restez bien là. Toujours 0-0 pour l'Allemagne face à l'Algérie et c'est la 8ème minute là actuellement là. Oh non. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Mickaël, t'es sur Fun Radio, comment tu t'appelles? Christelle. Salut Christelle, t'as quel âge, t'es dans quelle ville? Alors moi j'habite Moulin-Allier et j'ai 28 ans. D'accord Christelle, bah bienvenue à toi. Bon, comment il s'appelle Chuck Norris? Apparemment il s'appelle Carlos, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. T'es sûr? Oui. Tu peux encore changer ta réponse au cas où. Non, je veux pas. Tu veux pas? Bah t'as raison. Ouais. Merci. Eh bah bravo. Eh bah tu repars avec la tablette Asus, hein, c'est la Memopad 10 qu'on va te filer ce soir. Tu vas la recevoir mi-juillet à peu près. Et puis bah voilà. Eh bah tu vas pouvoir t'éclater avec. Tu pars en vacances ou pas? Non. Non, eh ben voilà, bah très bien. Tu vas pouvoir aller sur Facebook, Twitter, tu vas pouvoir faire plein de trucs, aller sur le site de Fun, télécharger l'application Fun, etc., etc. Ça va être la folie totale. Bravo à toi, elle vaut 200 euros et elle est pour toi. Gros bisous Christelle. Merci, bisous. Salut. Comme quoi ça peut arriver, hein. Salut Christelle. Et puis bon, on filera les maillots de foot dans quelques instants également avec Pro Direct Soccer. Eh ben, ce sera juste après le son de Black M. Ce sera sur ma route dans un instant sur Fun Radio. Allez, restez sur Fun, on revient dans quelques instants en direct comme tous les soirs de ces deux prochaines semaines, là cette semaine-ci et la semaine prochaine, 20h minuit sur Fun. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Allez, on arrête la pub, on est de retour sur Fun Radio. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster et Sandro un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël, ils sont à la radio tous les dimanches de 20h à minuit sur Fun Radio. Ouais, enfin pas le dimanche, oui, tous les dimanches aussi et tous les soirs de la semaine, hein, 20h minuit pour l'instant là. Profitez-en bien, il est 22h12, toujours un 0-0 pour Allemagne-Algérie. C'est la 12e minute de jeu, on vous tient en jus bien sûr dès qu'il se passe quelque chose. Et puis je vous rappelle qu'on a des maillots de foot à vous offrir, maillots de foot, ballon de foot ou même les chaussures de foot. Attention, les chaussures de foot, c'est celles qu'ils utilisent au mondial, attention. Et pareil pour le ballon de foot, c'est celui du mondial. Pareil pour les maillots, c'est ceux du mondial. Donc voilà, vous allez pouvoir choisir celui que vous voulez. Tout est officiel. Voilà, exactement. Maillot de l'équipe de France, des Diables Rouges, de la Mannschaft, de la nationale Mannschaft, qui joue contre les Fenech actuellement. Si vous voulez le maillot de l'Algérie, il y a aussi, il n'y a pas de problème. Pour ça, il faut répondre à la question de ce soir. Quel... Bah alors, mon micro marche plus. On veut me saboter. Oh, on essaye de te censurer, Mickaël. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 tests. 1, 2, 3 tests. Ça marche. Non, c'est la concurrence, elle a peur de lui. Peut-être, ouais. Elle a peur de Mickaël. Je disais, quel pays a gagné la Coupe du Monde en 2010? Portugal, France, Brésil ou Espagne? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Et si vous avez la bonne réponse, eh bien vous repartirez avec soit le maillot, soit avec les chaussures, soit avec le ballon. C'est vous qui choisirez. Quel pays a gagné la Coupe du Monde en 2010? Portugal, France, Brésil ou Espagne? Envoyez M-I-K-L la réponse au 64 900 et je vous souhaite bonne chance. Allez hop, 22h13 sur Fun Radio. On est au cœur de 30 minutes sans pub. On aura Inari dans quelques minutes, le retour de Mathias qui voulait savoir si oui ou non il doit retourner avec son ami d'enfance. En gros, si vous êtes déjà sorti avec une amie ou un ami, eh ben appelez-nous, on en parle après Black M. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël nos limites, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 20h à minuit, sur Fun Radio. Et attention là, attention, ça pousse pour les fenêtres. Là, ils ont mis un but qui a été annulé parce que hors-jeu, mais ils l'ont quand même mis. Ouais. Et puis là, ils ont failli en mettre un premier pour le coup, puisque le premier a été annulé, contre la National Mannschaft. Ah et la National Mannschaft, eh ben, est en train de prendre l'eau. Bien. Ça oui, va oui, pas oui, très oui. mal. Les Mannschaft de saucisses ne sont pas en forme. C'est ce normal, soir. Nous avons trop mangé de choucroute. Et peut-être et bien. Trop de bière. Et il fait trop chaud. Voilà. La digestion est mauvaise. J'avais misé 3-0 pour l'Allemagne, mais ça commence à sentir la choucroute. Hein. Ça. Vaut mieux que ça sente la choucroute. Ouais, ça commence à sentir un peu. Enfin, on verra, parce que bon, on connaît les Allemands, on connaît la rigueur allemande. Là, le coach allemand va mettre un petit coup après là, à la mi-temps. Bon, on verra. 18e minute de jeu pour l'instant sur 0-0. On vous tient au jus pour savoir lequel de ces deux équipes, laquelle de ces deux équipes ira donc affronter la France en quart de finale, a priori, Allemagne ou Algérie. Toff a mis son drapeau de l'Algérie là. Bah, ça y est, ouais, ça y est. Et j'ai fini de repeindre mon autolib là, elle est top. Elle est verte surtout. Elle est verte avec une grosse ligne blanche au milieu, elle voilà. est top. Et marqué Fennec dessus, voilà. Bon, ça c'est pour l'odeur, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ça. Je rappelle donc qu'il y a toujours les maillots à gagner. Je vous avais posé une question là, vous pouvez encore y répondre, on donne la réponse avant minuit. Quelle est l'équipe, quel pays a gagné la Coupe du Monde en 2010? Est-ce que c'était le Portugal, la France, le Brésil ou l'Espagne? Si vous avez la bonne réponse, envoyez M.I.K.L. et votre réponse au 64 900 et je vous file votre maillot de foot de l'équipe de votre choix, maillot officiel évidemment. Bonne chance tout le monde. Et Mickaël est la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Bon, on va récupérer. On a Poutine déjà là. Comment il va, Poutine? Ah, Vladimir. Ah oui, ça va très bien. Et vous? Ah, Vladimir Poutine qui est sur Twitter et qui est avec nous puisque lui il est algérien et il est en Algérie. Alors comment ça se passe au niveau du foot là? Tu suis un peu ou pas? Ah ben ils sont en flammes, je te raconte pas là. Ah bah j'imagine. Ils sont en train de crier de partout. Mais t'es où là? T'es dans un café? T'es chez toi? T'es où là? Bien sûr, je suis chez moi, on est en famille, il y a tout le monde qui crie. Même un gamin de 2 ans qui est en train de crier avec eux. Alors vous êtes combien là actuellement dans la pièce? On est en 6. Ah vous êtes 6? Ah ouais d'accord, ok. Et faites un peu, imaginez qu'il y a un but là, faites un peu bruit, un peu de bruit là pour les 6 Algériens qui sont en Algérie pour voir un peu ce que ça donne un supporter algérien, enfin 6 en l'occurrence. Comme s'il y avait but là. Attends, je vais voir. Attends. Qui gère le dossier là? Ouais, bah gère le dossier. Là. Comme s'il y avait eu un but, le but annulé par exemple. Attends. Le mec est peut-être trop concentré. Ah, tu fais enculer. Je suis le match. Allô. Ouais. Ouais. Oh bah dis donc, petite ambiance. Hein. Ah ouais, ils sont un peu mous à la maison. Ah, petite ambiance. Hein. On dirait qu'il y avait qu'une seule personne, dis donc. Hein. Pourtant, ça a pas dû gueuler pareil quand le but a été annulé pour l'Algérie. Hein. Hein. Hey, Poutine, dehors, ça fait du boucan ou pas? Et dehors, il y a du bruit ou pas? Alors là, je vous raconte même pas. Tu m'étonnes. Ben non, raconte pas. T'inquiète pas. On a gagné la Coupe du Monde. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est pareil. À chaque fois qu'ils ils ont passé une étape. Mais c'est bien après. Hein. C'est juste que jeudi, on a eu du mal à rentrer avec Polo. Mais on va voir ce soir parce que le jour de la qualification, il y avait même les flics qui qu'il était en train de défiler avec nous, avec les yeux en Paris. C'est bon ça. Ah bah parce qu'en France ils ont pas fait pareil hein. Ils ont défilé aussi mais pas pour célébrer la qualification hein. Pour les remettre à leur place ouais. Donc j'ai pour ce soir. Ah ouais mais attends et surtout que les studios de fun sont à côté des Champs-Elysées. Donc je peux vous dire que ça risque d'être bonne ambiance ce soir. Bon et on te rappelle du coup Poutine là, dès qu'il y a un but bah, algérien ou allemand, on va voir. D'accord, pas de soucis. Bon allez à tout à l'heure Vladimir Poutine. Ah, ciao, je l'appelle comme ça parce que c'est son pseudo sur Twitter. Oui. Et il y avait un écho, il y avait un petit retard dans sa réponse parce que bah, il est en Algérie lui. Donc c'est pour ça. Il y a Sarasvati, coucou tout le monde, désolé du retard, bonne émission les amis. Eh ben dis donc Sarasvati là t'es pas en avance hein. C'est pas sérieux ça. Ah ouais, c'est pas sérieux du tout ça Sarasvati, tu nous as habitué à mieux là quand même. Bon retour avec Mathias, t'es là Mathias? Oui, je suis là. Bon, Mathias, il nous avait appelé donc parce qu'il a repris contact avec son ex amie d'enfance et il hésite à se remettre avec elle. Il y a Mathilde aussi qui est avec nous. Salut Mathilde. Salut Miguel. Comment ça va Mathilde? Ça va et toi? Bah oui, ça va, tranquille Mathilde. Alors, toi du coup, et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à Mathias, toi? Ben, faut voir après si elle a pas changé, quoi. Si elle a pas choisi, si elle a pas trouvé d'autres personnes. Ouais, oui, c'est vrai qu'on t'a pas posé cette question-là. Elle est avec aucun mec actuellement? Ben non. T'es sûr? Ou tu penses? Ben il y a un mec, mais en fait elle s'est rendu compte que ça allait pas du tout. Et en plus elle a dit que ouais, elle serait pas contre pour qu'on se pende et tout donc. Attends, elle est pas contre que quoi? Parce qu'on comprend pas ce que tu dis. Elle est pas contre pour qu'on redonne comme avant quoi. Pour que vous remettiez ensemble? Qu'on se reparle ouais et qu'on dans cette position là quoi. Mais qu'est-ce que t'attends alors? Mais fonce! La meuf est ouverte, elle te dit ok c'est bon machin etc. Et attention but allemand peut-être. Vers Philippe Plain. Ah non c'est bon le portier algérien a géré le bordel. Il a tout sauvé. Bah oui c'est comme ça qu'on dit, c'est le gardien quoi le portier. L'Allemagne va faire, ça je le dis. On verra, on va voir. Sincèrement, j'aimerais bien. Alors, je préfère que l'Algérie perde parce que j'ai envie de rentrer chez moi sans mettre 4 heures à sortir de la radio. Mais à côté de ça, j'aimerais bien que l'Algérie mette une leçon aux Allemands, la venge au Portugal. Ouais. Voilà, parce que il y a un moment, je l'ai quand même encore en travers la gorge, hein, ce 4-0 là. Donc voilà. Tu n'entends pas très très bien. Eh ben nous non plus on t'entend pas bien pour le coup. Ah ouais, voilà, c'est bon, là, je t'entends bien. Bon bah très bien. Bon Matt, tout ça pour te dire qu'il y a un moment fonce mec, c'est bon, la meuf elle te dit qu'elle est ok. Vas-y, perds pas de temps. Mais oui, pourquoi tu te poses des questions? C'est tellement dur des fois de pécho une meuf, toi le mec, la meuf elle te dit oui, tu la kiffes, elle te kiffe, vous kiffez, nous kiffons, vous kiffez, ils se kiffent. Voilà c'est ça. Faites l'amour. Voilà, vous kiffez. Vous kiffez, ce que vous êtes. Voilà, non mais vraiment. Non mais vas-y Matt là, perds pas de temps, t'emmerde pas. Mais ouais, c'est... la vie est courte, on mais sait oui. pas de... voilà. Comme je te l'ai dit avant, peut-être que si tu sors avec elle, bah oui, effectivement, ça va peut-être casser, et puis bah vous entendrez plus, vous parlerez plus, bah ça arrive. Peut-être pas. Et peut-être que si vous sortez pas ensemble, il y a un moment, vous allez peut-être vous prendre la tête et vous serez plus amis non plus. Donc au final, vous parlerez peut-être plus à terme, sauf que tu leur as pas mis une cartouche. Bah oui. Et ça, ce serait dommage. Bah ce serait con, surtout ce serait gâché. Bah ouais, j'y pense bien, t'inquiète ça. Le pire, c'est que tu vas finir comme Toff si tu continues comme ça. C'est ça que tu veux? Et ça, ce serait dommage. Ouais, bah c'est ça. Passer la moitié de ta vie à l'asile psychiatrique, venir ici. Je vais rester puceau toute ma vie, quoi. De quoi tu dis? Si je vais faire comme Toff, je vais rester puceau toute ma vie. Ah, il y a de fortes chances, ouais. Il y a de fortes chances, ouais. Bon, allez, Mathias, vas-y, fonce et tiens-nous au jus quand tu la pécho, d'accord? Ok, je peux passer quelques dédits ou pas? Bah, une seule, hein, comme tout le monde, hein. Hop là, à une seule personne, choisis la bonne. Surtout qu'on comprend rien ce que tu racontes. Askelter. Ouais. C'est qui? C'est quoi? C'est un pseudo? Ouais, c'est un pseudo, mais c'est un pote. Ah d'accord, ok, bon on l'embrasse, y'a pas de problème. Eh ben, ils vont être contents les autres. Salut à toi en tout cas, merci d'avoir appelé Fun et tu reviens quand tu veux Matt. Ouais, pas de soucis, merci beaucoup. A bientôt à Namur, ciao à Mathias. Bientôt, merci ciao. Mathilde d'avoir appelé également, tu reviens quand tu veux hein. Ok. Je te fais des bisous. Vas-y, à une seule personne aussi, choisis la bonne. Bah, un dédicace à mes trois meilleurs amis. D'accord. Eh ben écoute, on les embrasse également. Tu reviens quand tu veux. Salut. Salut à toi, Mathilde. Bon, on aura également... Ah oui, on devrait normalement avoir notre ami Jean-François. Oh, la star. Qui est en avance parce que d'habitude, on l'a le mardi ou mercredi, non? Oui, c'est vrai, mais là, je crois qu'il est un peu en manque, là. Il est un peu en avance. Il y a la vidéo de la semaine dernière également, quand on a appelé Jean-François, et surtout quand on a eu Crystal et Vanessa, qui est sur le YouTube de l'émission. Tapez Mickaël officiel sur la chaîne YouTube de l'émission. Abonnez-vous et je m'abonnerai également à la vôtre. Alors, on est un peu de retard, parce que j'ai reçu quelques messages qui disent « Ouais, je me suis abonné, tu t'es pas abonné à la mienne, je vais le faire. » On essaye de suivre, mais on est un petit peu à la bourre. Donc voilà, donc t'inquiète pas, ça va venir. Ne vous inquiétez pas si ça vous arrive. Il y a Inari qui est avec nous de Paris. Salut Inari. Inari ? Ouais, salut. Ça va bien ? Ça va. C'est quoi ce prénom ? Bah, c'est, ça vient d'où ? C'est quelle origine ? C'est finlandais. Finlandais ? Ah ouais, ça c'est la classe. Et quand on lui raconte des blagues, Inari. Il rigole tout seul. C'est pas vrai, tu rigoles avec moi, Polo Assez. Non, c'est ta tête qui me fait rien. On dirait JB. Oh non, c'était drôle, Inari. On dirait JB avec ses vannes de merde. Non, je suis pas d'accord. Non, merci, Polo. Si. Bon, Inari, tu nous appelles pour quoi, toi ? Pour devenir douce. Ah bah, bien sûr. Ah, douce, t'es une fille ? Bah oui. Ah pardon, bah oui, Inari. Excuse-moi. Bah alors quoi, genre. C'est genre, c'est évidemment. Genre, ouais, évident. Non, c'est vrai. Inarine. Bon, attends, je te passe Polo pour devenir doux. Je rappelle que les doux sont les auditeurs de fun qui n'ont pas encore mué ou qui ont moins de 15 ans ou les deux. Ah donc, c'est parti, on y va. Inari. Oui. Tu as décidé en ton âme et conscience de devenir douce. Oui. Moi, Polo, qui suis le grand maître de la confrérie des doux et général en chef des armées des doux, je peux accéder à ta demande. Mets-toi à genoux. C'est bon ou pas ? Inari ! Merde, on l'a perdu. Elle nous a abandonné. Attends, peut-être que... Elle a peut-être préféré déserter. Ça, c'est les Finlandais, ça. Attends, on rappelle Inari. Peut-être qu'il y a eu un petit problème technique. Là, on va voir comment ça se passe. On récupère Inari ou pas ? Ou c'est mort, là ? Ça y est ? Attends. Inari ! Oui ? Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, ça a coupé. Ah, d'accord, ok. Bon, alors, je te repasse Polo, donc, attention. Polo qui est en train de se sustenter, donc... Non. Peut-être qu'il parlera la bouche pleine. Inari ! Oui ? Oh, je refais tout le merdier ou t'as tout... T'étais là avant ? Ben non, refais. Bon. Chien, rajoute chien derrière. Inari, en ton âme et conscience, tu as décidé de devenir une douce, officielle. Oui. Bien. Inari, moi, Polo, grand maître de la confrérie des doux, ainsi que général en chef des armées des doux, je peux accéder à ta demande. Ta gueule, demande. Connard. Il arrive, mets-toi à genoux. Ta merde. Oui, c'est bon. C'est bon ? Insulte-toi. Bon, ferme ta gueule, gros bâtard. Je suis une sale idiote. Encore. Je suis la mère de Toff. Encore. Oh la pauvre. Ma pauvre maman. Encore. Je sais pas, moi, je suis la fan de Toff. Ok, bon, Inari. Prends ton téléphone dans la main droite. Oui, c'est bon. Tape-le toi sur la tête. Aïe. Encore. Ça suffit. Ça fait mal. Inarine, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le bouffon Toff va annoncer la bonne nouvelle. Toff. Inarine. Oui. Tu es douce. C'est Inari, Toff. C'est Inari, espèce de mongole. Ouais, mais je trouvais qu'Inarine, c'était bien. Ouais, c'est ça. Bravo. N'importe quoi. Ouais. Et tu seras la douce qui venait du froid. Elle vient de Finlande. La douce polaire. La douce polaire. Voilà, la douce polaire. Ça va très bien. Je vais y tenir. Polo. Quoi ? Ça va jamais tenir dans mon pseudo Instagram. La douce polaire ? Bah si. Ah, la douce polaire. Douce polaire, on a la, changé. La douce polaire, voilà. Donc tu changes effectivement Instagram, Facebook, Twitter, hein, tous les comptes que t'as. Tu modifies ton nom et tu deviendras donc douce officielle. Bravo à toi et attention, en tant que douce officielle, tu t'engages bien sûr à prévenir tous tes potes qu'il faut écouter l'émission tous les soirs. Bah là, jusqu'au 13 juillet, on sera là de 20h à minuit et pendant l'année de 23h à 2h la semaine et de 20h à minuit le dimanche. Je compte sur toi. Ok. Bon. Je peux faire une dédicace ? Bah deux même, puisque tu es une douce officielle, vas-y. Alors c'est une dédicace à ma bestienne Jade qui me manque, à déménager à Nice, voilà. D'accord, très bien. Et ben voilà, la douce polaire, il n'y a pas de problème. Je te fais des gros bisous. Ouais, je peux avoir Roxane. Ouais, tu vas gérer ça avec Sandro, je te repasse tout de suite. Salut à toi en tout cas. Merci. Allez, salut. J'ai précisé qu'il n'y a pas de ségrégation chez les doux. Hein. Ah non. Les filles ont droit de venir à... Évidemment. Venez les filles. Hein. Voilà, Polo n'est pas comme ça. Ah non, pas de ça entre nous. Mais pas de ça entre nous, justement. Pas du tout. Bon, on se fait les appels malveillants dans quelques minutes sur Fun Radio. Et avant cela, eh ben, au cœur du 30 minutes sans pub, on se met le son d'Avicii sur Fun Radio. Lay me down. Et je vous rappellerai dans quelques minutes également la question pour repartir avec votre maillot de foot. Ce sera juste après Avicii. Lay me down est toujours 0-0 pour Allemagne-Algérie. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël nos limites, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 20h à minuit, sur Fun Radio. Et on est toujours en direct sur Fun jusqu'à minuit avec toujours 0-0 pour Allemagne, Algérie. Et toujours la question pour repartir avant de faire les appels malveillants avec les maillots de football. Si vous avez la réponse, quel pays a gagné la Coupe du Monde 2010? C'était en Afrique du Sud. Est-ce qu'il s'agissait du Portugal, de la France, du Brésil ou de l'Espagne? Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique et vous pourrez repartir avec le maillot d'une des équipes qui était présente, qui est ou qui était présente au Mondial 2014. À vous de jouer, vous recevrez également, vous recevrez évidemment le maillot officiel, hein, pas une copie ou n'importe quoi, évidemment. Bon, bonne chance tout le monde. Petit indice, c'est un pays qui n'est plus en lice pour repartir avec la Coupe du Monde 2014. Oh, les pauvres. Eh oui. Voilà, donc si vous avez la bonne réponse, quel pays a gagné la Coupe du Monde 2010? Portugal, France, Brésil ou Espagne? Vous envoyez M.I.K.L. et votre message, enfin la réponse plutôt au 64 900 et je vous souhaite bonne chance, tirage au sort tout à l'heure avant minuit sur Fun Radio. Bon, il y a les appels malveillants qu'on va faire maintenant là, comme tous les soirs. Ah mais allons-y, avec plaisir. Ah bah c'est parti, on était tombé sur une magnifique enquête qui disait que bah, pendant les grandes vacances, en général, 22% des mecs... décidé de tromper leur meuf. Bah oui, tant qu'à faire. Et 16% des femmes trompent leur mec également. Hein, mais oui, quand même. Hein, on parle toujours des hommes. Mais... Bah c'est ça. Donc on y va, on appelle maintenant et puis on va comme ça vérifier un petit peu là si les gens ont prévu également de tromper leur copain ou leur copine ou leur femme ou leur mari. Grâce au numéro que vous nous envoyez tous les soirs sur le mail de Tof, continuez d'ailleurs, toph@funradio.fr. Envoyez des numéros de gens très sympathiques qui seraient totalement ouverts à répondre à ce genre de questions à cette heure-ci. Plus il s'énerve, plus ça nous fait rire. Et on n'a pas besoin de nom, prénom, de ville, oui, de rien. Des juste noms, le numéro, ça restera totalement anonyme. Et on ne dira pas qui nous a envoyé le numéro. Voilà, juste un numéro, voilà. Et hop, j'appelle. Exactement, allez d'ailleurs, c'est parti, on y va. Et il est 22h37 sur Fun Radio. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si cet été, vous allez préférer tromper votre mari ou plutôt faire un plan à trois avec lui. Allô? Allô? Allô? Allô? Non, mais elle a voulu raccrocher, puis après, ça n'a pas marché. Donc, ouais. Je pense qu'elle a... Bon, on va rappeler surtout. Hein, c'est... Bah oui. Quelqu'un qui proposait l'Italie. Non, c'est ni le Brésil d'ailleurs. Ah merde, je viens de donner une réponse. Quoi. Bon, bah. Mais il n'y a pas l'Italie. Oui, allô? Mais pourquoi vous me dites ça, monsieur? Nique ta mère. Mais pourquoi vous voulez que je nique ma mère, monsieur? Nique ta mère. Mais ça n'a pas de rapport, monsieur. Nique ta mère. Mais enfin, monsieur. Vas-y. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Vas-y. C'est... Fuck you. Je comprends pas, monsieur. Fuck you. C'est... Qu'est-ce que ça veut dire? Fuck you, ya marab. Mais je comprends rien, monsieur. Mais je comprends pas ce que vous dites, monsieur. Allô? Je pense qu'il était devant le match et que tu l'emmerdes. Oui, je pense, oui. Ouais, bon, on va le rappeler. Attends, c'est parti, on y va, on rappelle. Nique ta mère, hein, ça j'ai bien compris. Pour le reste, un peu moins là, mais. Oh. Oui? Oui, monsieur, vous regardez le match? Nique ta mère. Ah bah, me dites pas. Nique ta mère, nique ta. Ah, mais enfin. Mais pas de ça entre nous, monsieur. Enfin. Moi je vous appelle gentiment pour vous poser une question. Mais monsieur, je n'avais jamais été insulté en arabe, ça me fait plaisir, mais vous voulez pas répondre à ma question? Non, c'est pas gentil ce que vous me dites, monsieur. Non, c'est très vilain. Allô, monsieur? Ah, c'est, ça veut dire putain de ma race, d'accord. D'accord. Bon, bah comme je comprends rien, monsieur, on va rester là. Fuck you, fuck you. Fuck ah, fuck you, oui, d'accord. Fuck you, fuck oui, you. D'accord. Fuck you. Vous avez pas fuck beaucoup de conversation quand même, monsieur. Fuck you, brother. Fuck you, sister. D'accord. Bah je vais fuck you tout le monde alors. Fuck you, sister. Bah, d'accord aussi. Fuck you, sister. Oui aussi. Fuck you, sister. Bah bien sûr. Bien sûr. Bah oui. Hein? Puisque vous voulez pas répondre à ma question, monsieur. Aussi, d'accord. Ok. Parfait. Ok. Oui, oui, bah je suis heureux de voir, vous avez beaucoup de conversations, monsieur. Fuck your femme. Oui, oui, oui, j'ai compris, monsieur. Bon, une bonne soirée, monsieur. Il avait beaucoup de conversations, en effet. Ah, adorable, hein. Fuck you, sister. Oui. Fuck you, mother. Fuck you, mother. Et fuck you, tout court aussi, il y avait, hein. Bah, fuck you everyone, hein. Fuck you everyone, effectivement. Bon, et ben voilà, nous y voilà, et putain, ça a failli, hein, et t'as à moins une. Double occasion, double parade et arrêt de Rice Mbolly. Voilà, le portier algérien qui vient d'en arrêter deux d'un coup, j'étais persuadé que ça allait rentrer là. Par contre, les Algériens, ils sont violents quand même sur le terrain, ils en mettent des patates aux Allemands là, ouh, c'est chaud. Marion avec nous, salut Marion. Allô. Allô. Salut Manu. Non, moi c'est Mickaël. Oui. Mickaël, pardon. Mais il y a pas de problème, tu sais, c'est pas grave, il y a aucun souci, tu sais. T'es quand même la bienvenue, Manon. Et moi c'est Manon. Eh ben oui, bah, avec ce que j'ai dit Manon, non? Non, vous avez dit Marion. Ah, non, voilà, il a dit Manon. Comme ouais. Ça, on est à un partout, voilà. Mickaël ne se trompe jamais, il a dit Manon. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, Rafa est là. Ah non, on l'a pas percuté. Bon, Manon, dis-moi, tu nous appelles pourquoi? Je vous appelle parce que en fait je comprends pas pour, mon ex en fait il est éjaculateur précoce. Ton ex ou ton mec? Mon ex. Bah, et alors, c'est pareil à cause de ça. Ah ouais, mais précoce genre combien de temps il tenait? 5 minutes. Ah oui, non, c'est pas court. Un éjaculateur précoce. 5 minutes de pénétration ou 5 minutes de tout? Non mais 5 minutes en fait on l'a pas fait, mais 5 minutes genre je suis avec lui, bah il va truquer en fait. Pas fait, mais attends, je comprends. Je suis avec lui, il va truquer. Attends, ça veut rien dire. En fait, quand je suis avec lui, ouais. Et ben en fait, il bande. Et à chaque fois, en fait, il éjacule sans qu'on a rien fait, en fait. Ah oui, là, il est précoce, oui. Très rapide. Ah oui, là, c'est plus que rapide, effectivement. Mais quoi, tu le chauffes un minimum quand même, ou c'est juste il voit ta gueule et non, il lui fait un bisou et puis hop, c'est le drame. Non mais c'est un truc. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Donc ça veut dire que tu le vois, ou alors t'es méga overbone, Manon. Et non. encore, à la limite, même si t'es méga overbone. Permettez-moi de vérifier cette information. Manon, combien mesure? Elle mesure 17 ans. Oui, mais c'est pour la MESA, c'est une information culturelle. Ah oui, bien sûr. C'est pas culturel, c'est scientifique, abruti. C'est scientifique, et bien sûr, évidemment. C'est pas culturel. Non, là, c'était pour la culture de chacun. Ouais, mais non. Je fais 1m63. Combien pèses-tu, Marion? Je fais 55 kilos. Quel est ton tour de poitrine, Marion? 95B. Et la tête dans les pantalons que t'as acheté? Comment? La taille du dernier pantalon que tu as acheté? 34. Ah oui. Oh. Bonne. Do you want some bread? The bread is fresh. Le bed. Oui, bon, effectivement, il y a peut-être une explication, même si c'est pas non plus la plus logique, hein, mais. Peut-être que tu le fais. Peut-être qu'il est tellement attiré par toi qu'il a peur de foirer et du coup il en est là. Mais quand même, de là ne. Mais c'est grave, hein. Ouais, mais là c'est. Ouais, si, là quand même, oui. De là à éjaculer avant même que le mec il se passe quoi que ce soit. Il est rapide. Non, mais c'est pas rapide. C'est le Iron Man de la bite. Non, rapide, c'est quand t'arrives quand même au moins à la pénétration et qu'une fois que t'es dedans, bah t'es un peu rapide et qu'effectivement ça dure pas très longtemps. Mais là, il ne se passe rien. Il n'y a même pas eu une main sur la bite, rien. Non, mais rien du tout. Et après, quoi? Bon, il a éjaculé, vous retentez pas après? Bah après, si c'est dans son pantalon, tout ça. Non. Bah oui, mais il doit rebander un peu à son âge. Quel âge il a, lui? Il a quel âge, lui? Il a 17 ans aussi. Bah 17, oui, comme ça rebande à cet âge-là. Oui, et puis en plus, voilà, c'est le début, il découvre les choses. Ouais, faut voir. Dites-nous, tiens, si vous êtes déjà tombé sur des précoces, les filles, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez des conseils? Mais genre aussi précoce que lui, n'arrivez pas avec des trucs. Ouais, mon mec, il est précoce, il tient 15 minutes parce ou que. 20 minutes. C'est pas précoce, ça, hein, que les choses soient claires. Même 5 minutes de pénétration, non. Ce n'est pas du tout précoce, que ce soit clair. Je rassurerai peut-être des mecs là-dedans ou je vais peut-être faire pleurer des filles. Mais voilà, 5 minutes de pénétration, c'est pas du tout être précoce. On peut appeler ça rapide chez certaines personnes, pourquoi pas. Mais c'est pas du tout être précoce. Voilà, donc je tiens à le préciser parce qu'il y en a qui sont persuadés qu'en tenant moins de 20 minutes, par exemple, ils sont précoces, ça va pas, etc. Pas du tout, hein, loin de là. Donc les filles, appelez-nous, je voudrais avoir vos avis. 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et si vous voulez participer par SMS, bah, vous envoyez Mickaël et votre message en laissant bien votre numéro de téléphone et vous envoyez ça au 64 900. Voilà, bon, tu restes avec nous, Manon. Oui. Bouge pas de là, hein. Ne bouge pas de là. On va dans un instant également, on prendra Anthony à la mi-temps du match, dans quelques instants d'ailleurs, hein, pour avoir son avis de spécialiste entre l'Allemagne et l'Algérie. C'est le match qui a lieu ce soir, attention, très très lourd. Et puis un message aussi de Eva qui dit: je viens de vous découvrir, rien de tel pour bien se marrer et passer une bonne soirée, merci à vous. Petit message de bienvenue please, j'adore le son de Rebelle, j'espère qu'il passera ce soir. Ben, je vais voir, Eva. En tout cas, petit message de bienvenue avec plaisir. Couper la tête. avec mon pénis, ok? Voilà. Allez, 22h45 sur Fun Radio. Vous restez bien là. Je vous repose dans quelques secondes la question pour repartir avec les maillots de foot. Maillots de foot qu'on vous offre évidemment avec Pro Direct Soccer. Comme tous les soirs. Et on écoutera le son de Chilo aussi dans un instant avec Pitbull. Ce sera Bully Bully Bully Bully. Et restez là également puisque je vous balance une heure sans pub juste après ça sur Fun. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 Samy. Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Venez foutre le bordel le dimanche soir. No limites. Fun Radio. Mickaël, nos limites. On Fun Radio. Ouais, d'habitude c'est le dimanche soir 20h à minuit. Puis là on est là aussi toute la semaine jusqu'au 13 juillet. Avec Swazi qui dit moi je dis message de bienvenue à tous les... toutes les pures, j'imagine que c'est pute, hein, qui jouent les belles sur Twitter comme celle avec qui je viens de m'embrouiller. Bah peut-être que c'était toi le coupable, Swazik. Faut pas savoir. Hein. Comment on fait pour vous parler? Bah c'est facile, il y a plusieurs solutions. Soit tu nous appelles 01 42 48 5000. Si t'es en Belgique, tu fais le 02 851 4x0. Et puis sinon par SMS aussi, t'envoies Mickaël et ton message au 64 900 via le Twitter, via le Facebook. Bref, c'est pas les solutions qui manquent. Hein. Si jamais tu veux nous parler, il y a vraiment des solutions qui existent. Hein, donc n'hésite pas surtout. On fera d'autres appels malveillants tout à l'heure et je vous avais promis de répéter la question maintenant pour repartir avec vos maillots de foot pendant que c'est la mi-temps Algérie, Allemagne-Algérie, toujours 0-0. Alors écoutez bien, quel est le pays qui a remporté la Coupe du Monde en 2010? Si vous avez la bonne réponse, c'est très simple. Vous envoyez M-I-K-L espace la réponse. Il s'agit de Portugal, de la France, du Brésil ou de l'Espagne. Donc Mickaël est la réponse au 64 900. Il y a donc quelqu'un qui proposait l'Italie tout à l'heure. Bah non, je sais même pas dans les propositions que je viens de donner. C'est dingue ça quand même. C'est ouf, c'est ouf. Mais oui. Et en plus j'ai dit que c'était parmi les propositions, c'était une des équipes qui n'est plus là maintenant en 2014 pour tenter de gagner cette Coupe du Monde justement. Tiens, quelqu'un qui proposait le Portugal. Mais enfin, non. Enfin, quoi que si, en disant que c'est une des équipes qui n'est plus là, c'est effectivement possible également, ouais, oui. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Bah, oui, effectivement, mais ce n'est pas la bonne réponse. Le Brésil, ce n'est pas ça non plus. Donc, si vous avez envie de tenter votre chance, bah, vous envoyez Mickaël et la réponse. Portugal, France, Brésil ou Espagne, quel est le pays qui a gagné la Coupe du Monde en 2010? Je vous souhaite bonne chance. On tire au sort tout à l'heure pour repartir avec vos maillots de foot. On tire au sort tout à l'heure avant, avant minuit. Je veux dire 24 heures, c'est complètement con. Avant minuit, voilà, vous bougez pas de là. On va prendre Anthony également qu'on va appeler tout de suite pour avoir son avis à chaud maintenant sur le match entre l'Allemagne et l'Algérie puisque c'est la mi-temps. Et vous savez, Anthony qui est un grand spécialiste du football, hein, le monde du football, ouais, ne vit que par lui. Bah, y a Thierry Roland et il y a Anthony. Et bah, il y avait Thierry Roland, ouais, y avait, ouais, et il y a Anthony, exactement. Ouais. Et donc du coup, bah, on va le prendre maintenant, tiens, puisqu'il regarde Allemagne, Algérie. Alors, Anthony, 20 ans de Charleroi, t'es là? Oui. Bon, très bien. Coupe un peu la télé, là, Anthony. Là. Ben, je vais dehors quand je passe l'antenne. Et bah, recule encore un peu, là. Voilà. Recule. Non, recule, n'avance pas, recule. Là, il a avancé. Mais non. Oui, mais on t'a dit de reculer. Reculer. De la télé. Bah oui, mais enfin, lève-toi, lève ton fion, là. Oh là là, quel fainéant. Je suis dans la cuisine. Ah bon, mais t'as une télé dans la cuisine aussi? Non, c'est parce qu'on a mis le volume un peu fort. Oui, bah enfin, diminue-le, il n'y a plus de match, là. Et là, tu diminues un peu, s'il te plaît. On remontera après, t'inquiète. Voilà. Oh, on a des commentaires en direct. Bon, alors Anthony, en tant que spécialiste du monde du football, oui, qu'est-ce que tu as pensé de cette première mi-temps entre l'Allemagne et l'Algérie? Est-ce que l'Allemagne mérite de mener ou pas? Parce que bon, là c'est 0-0, mais est-ce qu'ils auraient dû mener à ton avis? Est-ce que le but de l'Algérie aurait dû être valide? Le but de l'Algérie n'est pas valide parce qu'il y a hors-jeu, donc ça c'est logique. Donc, okay. Mais franchement, les deux équipes devraient être un nul, 1-1, je dirais moi. Ah, d'accord, ok, donc 0-0, donc ça doit être un nul, mais 1-1 et pas 0-0. Voilà, mon père vient me dire que... T'as dit quoi? L'Algérie mérite une dernière au point. Oh putain, on a le daron. Mon père dit, voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah bah si ton père l'a dit alors. Il a dit que l'Algérie devait... Enfin, il y avait un avantage pour l'Algérie. Il doit y avoir un avantage pour l'Algérie, c'est ça? Voilà, parce qu'ils ont eu plus d'occasions. Ah, il y a eu plus d'occasions pour les Algériens. Mais tu veux quoi, voilà, distribuer des sucettes comme ça, ouais, un petit avantage? Bah non, mais c'est comme ça, c'est parce que d'accord, quand on regarde le match... Bah oui, c'est les avantages, c'est quoi. Il connaît rien, Polo, t'inquiète pas, il y connaît que dalle. Et bon, d'accord, ok. Et qu'est-ce que tu penses de deuxième mi-temps, là? Bah, est-ce que tu trouves que la deuxième mi-temps a été chiante ou pas? Première, oui, mais la deuxième n'a pas encore commencé, donc je ne sais pas. Elle n'a pas commencé chez toi? Non. Bah, chez nous, on est déjà à la 52e. C'est parce qu'il y a un décalage avec Charleroi. Il y a un décalage horaire? Bah non. Si, il y a 20 minutes. Non, mais... Parce que, nous, on est déjà à la 52e minute, là, ici, hein, à la radio. Peut-être que vous allez en différé. Enfin, non, nous on est en live puisqu'on est en avance. On est déjà à la 52e minute, 53e maintenant. Bah, je sais pas. Bah, ça, je comprends pas. Non, mais à Charleroi, il y a un problème. Peut-être, là-bas. Ouais, peut-être que les ondes mettent plus de temps à arriver jusque-là. Peut-être. Bah, c'est parce que ça vient du Brésil, donc comme c'est plus loin, ça va plus loin. Ah, bah voilà, bah, but de l'Allemagne. Et bah voilà, tu vois, but de l'Allemagne, ouais. Putain, bah tu verras, hein. Tu verras, la 54e minute, but de l'Allemagne. Schweinsteiger. Ouais. Bah, je crois. Eh bah voilà, bah voilà. Bah, tu peux le dire à tout le monde. Tu nous crois. Tu peux le dire sur Facebook et Twitter, hein, but de l'Allemagne, tu seras en avance. Bah, je le mettrai dans. Je vais le mettre après alors. Ah bah non, mais le maintenant, parce que comme ça t'es en avance. Ah, mais je suis sur PC, je suis pas sur PC, je suis dans la cuisine donc. Bah bah, mais sur le frigo, but de l'Algérie. Eh, tu peux pas nous éplucher une carotte là? Il y en a pas. Ah, y a pas t'as de carotte. T'as quoi comme légumes là? Ouvre le frigo, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo d'Anthony? J'en ai pas. Quoi, t'as pas de frigo? Si, mais y a pas de légumes. Ah, et y a quoi dans le frigo d'Anthony là? Ouvre-le pour voir là, pour qu'on voit un peu ce qu'il y a dedans là. Y a rien, pourquoi j'ai fait les courses? Ah, t'as pas été faire les courses et du coup y a rien. Voilà, demain. Ah, c'est demain les courses. Et tu manges quoi? Et d'habitude, qu'est-ce que t'aimes bien manger? Oh, des plats, des pâtes. T'aimes bien manger des plats, oui, bah comme tout le monde, hein. Des pâtes, des nouilles. Des pâtes et des nouilles, c'est ça? Oui, oui. D'accord. C'est un italien. Ouais, ah oui, t'es un italien, Anthony? Non, belge, mais j'aime bien manger italien. Ah, t'as bien mangé italien, mais c'est ton choix. Il est mangé italien. Mais bah, c'est bien la Turquie. Mais c'est ça, et tu fais la Turquie et l'Algérie, c'est ça? Voilà. Très bien. Bon, bah écoute, c'est parfait alors. Bon, on te récupère à la fin du match, d'accord? D'accord, si jamais vous m'entendez pleurer, c'est que l'Algérie aura perdu ou aura gagné. Comment ça? Donc tu vas pleurer d'office? Ouais, il pleure dans tous les cas. Voilà. Mais pourquoi? Bah, parce que si l'Algérie gagne, j'ai pleuré parce que je suis content. Et si je pleure parce qu'ils ont éliminé, c'est parce que... Mais faut pas pleurer, ma gueule, c'est pas grave. Mais il faut pas pleurer. C'est un match de foot. Mais je suis comme ça, j'ai un petit cœur, je suis très très sensible. Donc, tu veux que je te mette une petite musique tu veux que je te mette une petite musique pour soulager? Ouais, parce que là, j'ai le stress qui monte en fait. Ah, le stress, attends, je te mets une musique pour soulager. Le téléphone pleure quand elle est pas. Il chante. Chante, hein, vas-y, hein. Non, j'aime pas chanter. Bah si, vas-y, vas-y, attends, je remets. Donc là, y'a que lui qui entend, hein. Bah chante. Bah non, j'aime pas chanter, je veux danser. Vas-y, chante, attends, regarde. Bah danse et chante en même temps. Quand elle ne revient pas. Bah le temps, il est bien, il ne peut pas. Arrête de m'en regarder comme ça. Je suis si près. Allez, vas-y, vas-y, à la finale. Avec ma voix. Ah bah voilà, c'est fini, mais quel talent de chanteur. Oh, c'était parfait, t'es c'était pas bravo. Mal, t'es un killer ma gueule, hein. C'est bien, Anthony. Ah oui, bah très bien, bah tu nous feras une vidéo à l'occasion, tiens. Eh, hey, Anthony, puisqu'il y a Manon qui est avec nous, là, elle était avec un mec qui était éjaculateur précoce, t'as des problèmes à ce niveau-là ou pas, toi? Oui. Ah, toi aussi t'es précoce? Bah, quand je le fais avec mon copain ou quoi, quand on s'excite, après une ou deux minutes, ça sort déjà et il n'y a rien eu, quoi. Et il y a son père qui est à côté, hein. C'est ça qui est bon. Et donc, du coup, quand vous vous excitez avec ton copain, là, du coup, t'es rapide, mais tu tiens combien de temps? Pas longtemps. Genre, combien? Une ou deux minutes. Ah ouais. Ça va. Mais de pénétration? De pénétration et même quand on t'excite. Mais c'est toi qui fais la femme, Anthony, ou pas? Oh, qu'est-ce qu'il est relou. Ça dépend. Ah, ça dépend. T'aimes bien et tu mets une petite perruque et du rouge à ongles? Non. Du vernis, pardon? Non, j'aime pas tout ça. Ah, ça t'aime pas, d'accord, ok, très bien. Mais comment ça fait alors? Est-ce que c'est douloureux quand il y a pénétration ou pas? Non, c'est rien, j'ai jamais été pris, j'aime pas. Ah, t'aimes pas y te prendre? Mais tu sais pas, t'as jamais essayé? Si, j'ai essayé. Ah, et t'aimes pas? Non. D'accord, ok, bon, alors on va pas insister plus longtemps, écoute, y a pas de problème, hein. Très bien, et eh ben écoute Anthony, merci comme d'habitude, tu as été intéressant ou possible. C'était et puis parfait. On te récupère à la fin du match en pleurant alors. D'accord. Bon, allez, salut Anthony. Salut Miguel. Salut, ciao à toi. Avant de récupérer Manon, d'ailleurs, dites-nous si vous êtes déjà sorti avec un garçon, les filles, qui était précoce. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que ça, est-ce qu'il a réussi à trouver une solution en l'occurrence là? Appelez-nous pour nous en parler. 01 42 48 5000 et 02 851 4 x 0 depuis la Belgique. Pendant que les Allemands et les Fenex sont en train de revenir sur le terrain dans quelques secondes, ils vont ressiffler la deuxième mi-temps et on vous tient au jus bien sûr dès qu'il se passe quelque chose. Nicolas avec nous maintenant. Salut Nico. Bonsoir Michael. Ça va Nico? Oui, ça va très bien, ça pète le feu. Bon, bah tant mieux, tant mieux. Hey, on dirait un mélange de Anthony ouais. Et de Jean-François. Ah oui, peut-être, c'est vrai. Bon Nico, ah mais tu nous avais déjà appelé toi, non? Oui, une fois. C'était la semaine dernière? Oui, il y a 15 jours, je ne sais plus. Ouais, moi non plus. Bah nous non plus, mais... Tu voulais pas des conseils, des défis, c'est ça, non? Oui, exactement. Parce que t'avais dit, je suis pas pédé... Non, je parlais du poil de ma bite. Oui, t'avais trop de poils, exactement, ouais, c'est ça. Et à chaque fois que je te disais, bah tiens, s'il y a des mecs qui ont le même problème, tu me disais, mais je veux pas la vie de mec, je suis pas pédé, moi je veux des avis de fille, alors que ça n'a rien à voir. C'est oui. Ça? Bon, qu'est-ce qui t'arrive oui. Aujourd'hui? T'as trouvé une solution pour tes poils? Laisse-moi ça de côté. Mettons ça de côté. Bon, alors quel est ton problème aujourd'hui, ah, Nico? Ah, t'as fait une raie maintenant, tu fais une raie? Ouais, maintenant il a fait une raie sur le côté, ouais. Il a fait la raie sur le côté. Bon, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tout à l'heure, j'étais dans la rue. Ouais, ce sont les choses qui arrivent, hein. Comme beaucoup de gens. Au moins, ça veut dire que tu peux te balader librement, ce qui est déjà pas mal. Et puis, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a une fille qui était avec des copains. Ouais. Et devine ce qu'elle a fait? Elle se baladait, elle marchait. Oui, c'était normal, mais devine ce qu'elle a fait comme chose à moitié érotique. À moitié érotique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas pleinement érotique. Ouais, à moitié érotique. Qu'est-ce qu'elle a fait d'à moitié érotique? Elle a montré ses seins. Elle a montré un sein, ce qui est à moitié érotique. Non, elle a montré le début de sa culotte. Elle a montré quoi? Le début de sa culotte. Comment? Ouais, mais ça c'est parce qu'elle avait un pantalon taille basse, Nico, là, vit dans ton air du temps, vit en 2014. Non, je sais plus si elle avait une jupe ou une culotte, mais quand je suis passé... En tout cas, ça t'a perturbé, Nico. Hein. Ouais, là, il en peut plus, là. Sans pantalon. Bah, j'ai rien compris. Qu'est-ce que quoi? Elle a à moitié baissé son pantalon. Ouais, mais pourquoi elle a fait ça? Je n'en sais rien, elle devait être contente que la France ait gagné, je n'en sais rien. Ou elle a vu trop bu, je n'en sais rien, mais elle l'a fait. Bah, t'énerve content. Pas comme ça, Nico. T'as vu une raie gratos? Bah, exactement. Et quoi, tu lui as pas parlé? Si, je lui ai parlé. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, bah, elle m'a mis une claque sur la gueule. Voilà, c'est ça. Hein. Non? Nico? Quoi? Reviens, Nico. Qu'est-ce qu'elle a dit? Allô? Nico? Nico, où es-tu? Non, elle a trop rien dit. Elle a trop rien dit. Oui. Bon, ça veut rien dire non plus, cette affaire. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je trouvais sa culotte jolie. Ah bah oui. Normal. Non mais j'imagine Nico qui arrive avec une meuf, tu sais, où il voit, il a juste un pantalon taille basse. Oui, bonsoir madame, mademoiselle, non, vous avez une très belle culotte. Non, j'en doute. Elle a sciemment, elle a vraiment montré sa culotte oui, ça, à ses potes. Dit, oui, exactement. Sciemment. Et les potes, ils ont dit quoi? D'accord. Et les potes, ils trouvaient ça génial. Ah bah oui, tu m'étonnes, forcément. Oui, ça, j'ai une copine qui descend sa culotte comme ça pour montrer, évidemment, ce sera avec plaisir. N'est-ce pas, Tof? Ah bah, moi, tous les jours, j'aimerais que les filles arrivent et hop, je te montre ma culotte, mais évidemment, bon. Évidemment, mais ça n'arrive pas tous les jours, malheureusement. Bon, non, à la radio et tout, ça arrive jamais. Hein. Bon, et qu'est-ce qu'on va... Qu'est-ce que t'aurais fait à ma place? Moi? Bon. Bon, moi, j'aurais reluqué et puis je serais parti, hein. Oui, mais j'avais envie de vous dire de baisser carrément la culotte. Bah, t'as raison. T'avais envie de lui mettre une cartouche? Voilà, exactement. Ah oui, bah oui, mais enfin bon, et quel âge elle avait? Elle devait avoir 20 ans. Oui, mais enfin, prends quelqu'un de ton âge, Nico, là, t'es pas sérieux, là. Oui, mais comme elle était bien foutue. Bah oui, mais bon, tu veux qu'on appelle quelqu'un de ton âge? Oui, pourquoi pas. On a Crystal qui est avec nous, là. Tu connais Crystal ou pas? Non. Non, bah je vais te la passer. Salut Crystal, comment ça va, en pleine forme ce soir? Oui, allô? Oui, bonsoir Crystal. Oui, bonsoir. Bon, je te présente. Non, je n'aime pas ce genre de. Bah alors. Mais pourquoi? Je comprends pas, c'est une fille, Nico. Bah oui. Mais parce que... Quoi? J'en doute. Bah pourtant c'est une fille. Hein. Elle passe souvent avec Jean-François et je peux dire qu'il se passe plein de trucs. Hein. Ah oui, là je Ah non, c'est une fille de chez fille, hein, je t'assure. Hein. Oh, je suis déçu. Oh, oui, ben, moi qui voulais te montrer ma culotte. Mais c'est une vraie fille. Je voulais te montrer ma culotte. Non, mais t'as un doute. Tu enfin tu doutes de quoi? Nico, c'est une vraie fille. Mais oui, si tu me voyais. Non. Mais si. On me la fera pas deux fois, hein. De quoi? On me la fera pas deux fois. Comment ça, deux fois? Si tu voyais mon 95D, tu dirais pas ça. Non. Si. C'est un mec qui fait la voix efféminée, ça. Non. Oh, vraiment, je suis vexé. Oui, bah qu'elle reste vexée, moi, je ne peux plus l'entendre. Oh, j'aurais pu te faire des choses, j'aurais pu te... Non, bah tant pis, Cristal. Oh. Bon, bah c'est pas grave. Je suis déçu. On a perdu Jean-François, je crois qu'il s'est endormi, tant pis. En plus. Oh, bah qu'est-ce que tu veux, c'est pas grave, tant pis. Bon, allez, au revoir, Cristal. Hein. Oh, bah non. Bah si, au revoir. Il y a pas un gros cochon qui veut me fourrer ce soir. Non, merci, on verra. Au revoir, Cristal. Bon, Nico. Oui. Bon, écoute, tu veux qu'on te trouve une meuf? Oui, une vraie, c'est possible. Bah oui, enfin, c'était une vraie, c'est toi qui n'en veux pas, Nicolas. Ouais. Mais ça, j'en doute. Oui, enfin, t'en doutes, mais c'était une vraie quand même. Oui, mais j'en doute. Oui, on a compris. Bon, Nico, reste avec nous. On va essayer de te trouver une fille. En attendant, on récupère Manon qui est avec nous, avec son mec qui était Jacques Précoce. Il y a Audrey également là qu'on va prendre dans un instant. T'es là, Audrey? Oui, je suis là. Très bien. Bonjour, Mika. Salut, Audrey. T'appelles du 21, toi, c'est ça, à Côte d'Or? C'est ça. Très bien. Dans un instant, tu vas donner ton avis par rapport à Manon et son mec et Jacques Précoce, là. Et puis, on aura Laetitia également du territoire Belfort. Salut, Laetitia. Salut, Mickaël. Comment allez-vous? Ça va. Vous êtes en pleine forme? Ouais. Bon, très bien. Bon, Laetitia, Audrey, Manon, vous restez avec nous. Ne bougez pas de là, les filles. On va se faire un petit peu de son, là. Est-ce que ça vous intéresse le son de Gillo, le nouveau, les filles? Avec Pitbull et Bully? Non. Non, d'accord. Vous préférez David Guetta, Lovers on the Sun? Non. Non, mais qu'est-ce que tu veux alors, Manon? Moi, je veux du Jules. Tu veux quoi? Oh non. Du Jules. Oh, c'est quoi ça? C'est toujours le même rappeur marseillais. Ah non, mais hors de question, Manon, tu nous as pris pour des oufs, quoi. Bah pourquoi? Mais n'importe quoi. Enfin, voyons, Manon, par pitié, s'il te plaît. Bon, tu sais quoi, Manon? Bah écoute, tu voulais Jules, c'est ça? Ouais. Bah tiens, je te le mets, écoute, rien que pour toi. Hein. Ouais. Allez, vas-y, tiens. Big booty, but you got a big booty. Shake that. Yeah, booty booty à l'instant sur Fun, Gillo avec Pitbull. Et on est là jusqu'à minuit. Bienvenue, il y a un message qui est arrivé de Wesley qui dit: bonjour, j'ai 2 heures de retard, j'ai cru que c'était à 23h. Coupez-moi la tête avec le pénis de Toff. Avec le pénis de Toff, je sais pas, mais avec celui-là, éventuellement, on peut le faire sans aucun problème. Couper la tête avec mon pénis, ok? Voilà, Wesley. Et c'est pas faute de dire qu'on est là à partir de 20h sur Fun Radio jusqu'au 13 juillet. Sarasvati qui dit: Anthony est vraiment génial. Disons qu'il est particulier. Voilà, on va plutôt dire ça comme ça. Et je vous repose la petite question pour repartir avec vos maillots de foot offerts par Fun Radio et Pro Direct Soccer. Pour gagner vos maillots de foot, c'est très simple. Vous choisissez l'équipe que vous voulez, hein, y a pas de problème. Maillot de foot, ballon de foot ou alors les chaussures de foot officielles, bien entendu. Quelle est l'équipe, quel est le pays qui a gagné la Coupe du Monde en 2010? Est-ce que c'était le Portugal, la France, le Brésil ou l'Espagne? Si vous avez la bonne réponse, c'est pas les USA et c'est pas dans les 4 propositions, message qui va d'arriver avec les USA, mais non. Comment c'est possible de proposer des trucs qu'on ne propose pas? C'est ça, voilà, donc c'est Portugal, France, Brésil ou Espagne. Il y en a un des 4 qui a la bonne réponse. Quelle est l'équipe qui en 2010 a gagné la Coupe du Monde? Voilà, vous envoyez M-I-K-L espace la réponse et vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. C'est pas compliqué. Et puis on vous donne la réponse avant minuit, on appellera le gagnant ou la gagnante qui donc repartira avec le maillot qu'elle aura décidé de prendre, elle peut choisir le maillot de son choix. Voilà. Attention, les Allemands se réveillent là. Ça pousse. Pour l'instant, il y a toujours 0-0. Mais méfiance quand même pour nos amis algériens. Retour de Manon. T'es toujours là, Manon? Manon? Non, oui. Malheureusement, Manon nous a quittés. Non, non, elle est là. Manon qui nous a appelé parce que son mec est Jacques Précoce. Et il y a Audrey qui est avec nous là du 21. T'es là, Audrey? Oui, je suis là. Très bien. Alors, Audrey, toi, t'es déjà tombé sur un mec précoce? Oui, malheureusement. Ah, oui. T'es déjà sorti avec Toff? Et c'est pas grave, hein? Ah bah je savais pas que tu savais. Ah bah non, mais écoute, t'inquiète pas, nous on sait tout, hein, y a pas de soucis. Hein. Oh là là, t'inquiète. Bon, et donc du coup, comment ça s'est passé alors? Eh bah en fait, le truc c'est qu'à peine il pénétrait, déjà il avait éjaculé, donc enfin. Donc, c'est lui, chaud, il prenait son pied, mais ouais, voilà, lui il prenait son pied, mais moi perso, mais encore, non, pas du tout. Et encore, attention, je tiens à rappeler encore une fois, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas, c'est que c'est pas parce qu'un mec éjacule qu'il jouit. Enfin, tu vois, c'est pas, c'est pas parce qu'un mec éjacule qu'il a un orgasme, c'est ça que je voulais dire. Oui, non, mais voilà, mais bon, ça lui fait du bien, quoi. Mais enfin, voilà, moi derrière, je suis restée 2 ans avec, enfin, je me faisais chier, quoi. Ah ouais, ouais, d'accord, mais genre, ouais, donc c'est-à-dire que les préliminaires ça allait, mais dès qu'il rentrait, c'était mort. Bah, à peine il rentrait, enfin, même pas y passer le début, en fait. Ah ouais, mais vous avez pas essayé de trouver des solutions, de mettre des capotes, tu sais, genre les Durex Performa, tu sais, qui retardent un peu, qui endorment un petit peu le gland, ou j'en sais rien, des gels retardateurs. Bon, je sais pas si ça marche, hein, mais en tout cas, essayez, quoi. Ah bah, lui, ça fonctionnait pas déjà. Mais vous avez essayé? Bah oui, il allait voir un médecin et tout, rien. Ah non, mais c'est particulier, alors il a un problème à la tête, il y a un truc, c'est pas normal. En tout cas, l'éjaculation précoce, c'est psychologique, hein. De toute façon, c'est pas mécanique, c'est-à-dire que si ça marche, ça marche pas, mais le fait que ça aille vite ou pas, c'est psychologique, hein. Ça c'est... Ouais, le problème déjà, la majorité des mecs sont précoces, pourquoi? Parce qu'ils l'ont été peut-être une fois ou plusieurs fois, et qu'après ils n'arrivent plus à s'en passer, pourquoi? Parce qu'en fait ils y pensent tellement, en se disant, putain, faut pas que je sois précoce, que paf, c'est mort. À partir du moment où il va... Il y pensait pas parce que après justement il me parlait de ces saloperies de jeux de vidéo donc du coup je non mais pense vous êtes sérieux, c'est-à-dire que pendant que vous étiez en train de faire l'amour le mec il disait ouais putain World of Warcraft t'as bah, j'ai limite, fait ça limite il reprenait la console après quoi. Mais non mais indirectement, même s'il t'en parle indirectement, il y pense, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a un moment il a quand même la pression, il se dit est-ce que je vais réussir à tenir cette fois-ci ou pas machin, enfin tu vois c'est vraiment psychologique, ça m'est déjà arrivé d'être rapide, ça m'est déjà arrivé de pas être rapide, mais bah, c'est à chaque fois une concentration qui est différente et à chaque fois c'est voilà, à chaque fois c'est ouais, mais voilà, mais c'est psychologique. Ça t'arrive pas tout le temps. Non, ça m'arrive pas tout le temps, encore heureux. Bah voilà, que lui oui, enfin c'était tout le temps. Ouais, enfin ouais. Voilà, il n'y a jamais eu un moment où et puis après il y a pas une fois, mais voilà quoi. Ah, donc c'est arrivé. Ah, donc c'est arrivé quand même qu'une fois il était bon. Il était moins mauvais. 5 minutes. Il a pas dépassé 5 minutes. Ah ouais, mais 5 minutes par rapport à 0, c'est quand même vachement plus, hein. Ouais. Bah oui, bah évidemment. Attends. Sûr. Bon, on va prendre l'avis de Laetitia qui est avec nous également là. Peut-être qu'elle aura une autre info là. Salut Laetitia. Salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Bon, bah ouais, bien, tranquille. Bienvenue à toi Laetitia. Alors, est-ce que toi aussi tu es tombée sur un précoce? Ah oui, un énorme. Ah, un énorme carrément. Oui. Bon, alors vas-y, on t'écoute. Bah même au bout de 2 fois par jour, ça allait pas quoi. C'est-à-dire que vous faisiez l'amour 2 fois par jour et 2 fois il était trop rapide. Ah bah oui. Ah, c'est chaud quand même. Oui, non, là, ouais. Là, évidemment, c'est un petit peu chaud, en effet, ouais. Mais, genre, par exemple, qu'est-ce que t'appelles rapide? Rapide, bah, 5-10 minutes, quoi. Non, mais c'est pas rapide, ça, Letty. Bah, c'est déjà pas mal, quoi, au bout de 2 fois par jour, quand même. Mais non, mais c'est pas rapide. Non, mais t'es pas précoce quand tu tiens 5-10 minutes? Ouais, j'ai pas 5, dit 5, ça, 5 voilà, et 5-10 minutes de lim... que lui, il veut pas, après. Attends, enfin, je vais en prie. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut pas. Mais de quoi? Qu'est-ce qu'il peut pas? Bah, voilà, et puis après il peut pas. Non mais dites les mots, c'est pas la peine de dire voilà, dites les mots, il s'en fout. Mais après il peut pas, voilà, il peut plus continuer. Oui, non mais il peut pas continuer dans la minute. Tout, Non mais si tu refais genre 1 heure après, il est pas fatigué? Oh, presque. Ah bon? Mais alors, quand tu dis 5-10 minutes, c'est 5-10 minutes de pénétration ou 5-10 minutes préliminaires et tout compris? Non, la totale. Ouais, 5 minutes, alors c'est un peu court, hein. Tout préliminaire et tout compris, d'accord, ok, peut-être. Oui, mais toi, tu veux quoi? C'est quoi ton idéal? Tu voudrais combien? 20 minutes, 5, 3 heures? Mais y a pas, je pense qu'il n'y a pas de timing, c'est non, juste qu'il faut que ce soit non, bien. Non, il n'y a pas de timing. Bah si, puisque voilà. tu dis 10 minutes, c'est pas assez, donc c'est qu'à un moment donné, tu exiges plus. Non, je pense que c'est surtout qu'après 10 minutes, en fait, il n'y a rien. Un peu plus quand même. Un peu plus que quoi? Bah, un peu plus de temps. Non mais tu veux pas du temps en fait, toi tu veux simplement prendre ton pied, après si ton voilà, pied, si tu jouis en 2 minutes, tu seras contente. Elle fait un jeu en fait, on doit découvrir ce qu'elle va dire. Ouais, c'est ça, les mots qu'elle essaye de placer. Comme j'ai l'impression que c'est des mots interdits, ouais, tu vois, tu peux pas dire jouir, éjaculer, tout ça c'est pas possible. Donc voilà, donc tu veux pas tenir plus longtemps, tu veux simplement prendre ton pied aussi. Voilà, mais ça c'est normal, mais ça y a pas de problème. Pourquoi tu lui as pas dit à ce pauvre garçon là? Ouais, faut peut-être lui dire, hein. Ah bah à la fin il me demande tu t'as pris ton pied, tu lui dis alors tu as aimé tu vas pas lui dire ça non plus. Bah si, tu peux dire non. Parce que regarde, ça c'est un autre problème si tu veux. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes pas honnête en disant non, j'ai pas pris mon pied, le mec il va se dire bon bah c'est bon comme ça, ça marche puisqu'elle prend son pied, moi aussi, donc tout va bien. Si à partir du moment où tu lui dis pas les choses, il peut pas faire marche arrière, il peut pas essayer de corriger, tu vois. Il peut pas s'améliorer le pauvre. Bah oui. Déjà qu'il était pas très bon. Bah oui, bah. Mais par contre, mais si ça fait des mois ou des années que tu lui dis que c'est génial, évidemment, là, c'est compliqué de faire marche arrière. Non. J'ai jamais dit que c'était génial, j'ai dit mouais. Ah, mais c'est pas une réponse, moi. Dis-lui, il faut dire les choses. Aide-le. Mais ouais. Il commence à te mettre des gros wads et tout, comme mais ça, non, on est bien, mais, quoi. Mais on non, le mais, par la main. Eh, dites les choses. Il faut pas avoir peur de les dire. Qu'est-ce que vous voulez que vous arrive? Ouais, mais si déjà elle arrive. J'ai réduit de dire, voilà. Mais déjà, si elle arrive pas à le dire au téléphone avec nous, ou au final on s'en fout, qu'est-ce que ça doit être avec le mec qui va peut-être hyper mal le vivre, quoi. Oui, peut-être aussi, effectivement. Peut-être qu'il écoute, hein. Bah voilà, mais tu veux pas qu'on l'appelle? Eh, s'il écoute, au moins les choses sont pliées, hein. Tu veux pas qu'on l'appelle? Et on lui dira les choses. Ah, ça va aller. Bah comme ça, on lui dit les choses, au moins, comme ça, tu vas pouvoir peut-être prendre ton pied ce soir une bonne fois pour toutes, là. Ouais, il va te faire un bon brout minou, et là, tu vas être bien. Bah oui, c'est ça. Un brout, Tof. Bon. Un brout. Bah comme tu veux en tout cas. Bon, en tout cas Laetitia, gros bisous, merci Audrey d'avoir appelé également. Bah bisous, merci. Salut les filles. Et puis Manon, dis les choses, hein, Manon. Hein. Enfin, là pour le coup t'es plus avec le mec, donc tu t'en fous. Mais quand t'auras un autre mec, faut pas hésiter à dire les choses. Hein. Non mais de toute façon je compte pas le faire maintenant. Hein. Je l'ai jamais fait. Hein. De quoi? Attends, j'ai pas compris. Bah j'ai jamais fait avec un garçon. Mais oui, juste, t'as jamais lui, couché. Dis t'as jamais mots. Couché avec un mec. Bah, mais alors qu'est-ce que tu t'en fous? Mais non. Bah je m'en fous, mais voilà, c'est gênant. Mais c'est gênant, voilà. Mais il faut pas, c'est que t'étais attirante et puis tu dois plutôt être contente. C'est lui qui est plutôt emmerdé, hein. Toi t'es tranquille, hein. En plus c'est plutôt ton mec aujourd'hui, donc au final. Mais voilà, mais tout ça pour te dire que le jour où tu vas coucher avec un mec, si ça se passe pas bien ou s'il y a un truc que t'aimes pas, un truc que t'aimes bien, faut le dire. Oui, bah oui. Voilà, là tu te prends la tête pour un truc. Mais oui, il faut dire les choses, t'inquiète. Bon allez. Gros bisous Manon. Oui. Je t'embrasse, à bientôt Manon, ciao à toi. Bon Nicolas. Oui. Bonne nouvelle, on a trouvé une femme pour toi. Oh mon Dieu. Oui. Elle a 37 ans. Oui, très bien. Ah, ça va ça? Oh, t'as senti le... Oui, très bien. Hein? 37 ans, ça te plaît Nico? Oui, tout à fait. Bon, ne bouge pas, je te la présente dans quelques minutes, d'accord? Et pourquoi pas tout de suite? Bah parce que là, on va mettre David Guetta avec Lovers on the Sun. T'as envie d'écouter un son particulier? Non. Qu'est-ce que tu veux écouter? Dis-moi n'importe non, quoi. Non mais Guetta c'est très bien hein. T'aimes bien David Guetta? Oui. Ou tu préfères Renaud? Oh non, c'est pas Renaud, je l'aime pas. T'aimes pas Renaud? Non. Oh merde, tu préfères est-ce que tu préfères peut-être, je sais pas moi, Isabelle Adjani? Isabelle Adjani, pas Johnny. Isabelle Adjani, elle ne chante pas. Ah si. Bah si, elle chante, écoute. Elle a chanté, mec. Elle chante mon petit pull bleu marine. Mais non, c'est pas elle. Bon, enfin, si c'est elle. Si c'est elle, on dit. Oh là là. Si on te le dit. Un son dance floor. Hein. Ah, on peut mettre Renaud, là, le remix. Bah, ou alors Julio Iglesias. Ou les femmes. Ah. Pour le charme. Ça te branche ça ou pas? Avec Christophe. Bon t'aimes pas non plus, t'es relou hein. Michel Delpech. Oh non. Oh non, enfin bon, Michel Fugain. C'est un bon. Bon Mike Brandt. Laisse-moi t'aimer. Alors David Guetta, c'est pas bien. Non mais on s'en fout, c'est pas bien David Guetta, nous on préfère Mike Brandt. Ou Renaud là. Ou Renaud, t'es sûr que tu veux pas? Non. Bah Renaud tiens. Chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords. Non, toujours pas, peu, on a rien. Que je crains un peu. Tu veux rien là? Quoi? Joe Dassin. Merde. Oh, j'aimais bien cette dame. C'est quoi? Jane Manson. Ouais. Quand tu sens l'amour avant de. Oh putain, toi tu veux rien. T'es pas ouvert hein, musicalement hein? Si? Bah non, ah, regarde. Maintenant, je trouve que c'est les musiques qu'on fait. Les années 80, c'était beaucoup mieux. Ah bah justement, je te propose des morceaux des années 80 et avant encore. Eddie Mitchell. Gilbert Bécaud. La solitude. Qu'est-ce qu'on fout avec ça ici? Mais c'est vraiment dans la machine ça? Ah oui, oui. Parce que je me souviens de la mec qui nous a dit tout ce qui est dans la machine, on peut le diffuser. Ah ouais, bah Herbert Léonard. Sans en attendre rien, mais pour le plaisir. Bon, tu veux pas aucun de ces morceaux-là? Non. Bon bah on va mettre David Guetta, bah tant pis alors. Hein. Ouais, on t'a proposé là. Franchement, je mets pas David Guetta avec plaisir. Hein. J'aurais préféré que tu nous choisisses un de ces morceaux là. Non, ça non plus. Nico. Non mais c'était nul ça. Ah c'est nul aussi. Oh là là, t'as vraiment aucun mais goût. Mais t'aimes rien. Bon bah tant pis, on va mettre David Guetta alors. Oui, très bien. Eh bah très bien. Très bien. Allez, David Guetta, nous vous l'avez fait découvrir hier là. Lovers on the Sun, on se levait maintenant, il est 23h22. Bienvenue sur Fun. Let's light it up, let's light it up. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. Nouveau David Guetta, Lovers on the Sun sur Fun Radio. Vous avez découvert sur Fun, c'était hier soir, il y a tout pile 24 heures, tiens. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, limite. De 20h à minuit sur Fun Radio. Et il y a Polo contre le reste du monde qui arrivera tout à l'heure. Il y a Mathis qui a envoyé son message. Il est vraiment trop bien le son là. Son de ouf. Critic Man, énorme le David Guetta comme ma bite. Salut les gars, je me régale tous les soirs. Merci beaucoup à tous les trois. Tu pourras passer le son Last Dance, Davichi, c'était Mathias. J'en ai mis un tout à l'heure, Davichi. Je te le mettrai demain si tu veux. Et YOLO, vive la France. Un petit message de bienvenue s'il te plaît. Vous êtes trop cool. C'est Antoine qui avait envoyé le message. Merci Antoine. Tu veux un message de bienvenue? Alors attends, je vais t'en caler un petit. Là. Va te faire enculer, connard. Va te faire enculer. Voilà, on est à 69e minute, toujours 0-0 pour Allemagne-Algérie. Et bon voilà, comme quoi j'avais dit 3-0. Bon, c'est encore possible, mais on y est presque. Bah non, mais c'est surtout que putain, les Allemands galèrent. Hein. Ou alors les Algériens tiennent bien, ou au contraire, les Algériens galèrent à marquer et c'est les Allemands qui tiennent bien. Donc quoi qu'il en soit, en tout cas, je suis le premier surpris à ce qu'il y ait toujours 0-0 à la 69e minute. On vous tient au courant de toute façon, je rappelle qu'il y a toujours les maillots à gagner, on donne le résultat et on appelle le gagnant ou la gagnante à minuit, donc dans 30 minutes maintenant. Quelle est l'équipe, quel est le pays qui a gagné la Coupe du Monde en 2010? Est-ce que c'était le Portugal, la France, le Brésil ou l'Espagne? Si vous avez la réponse, à vous de jouer, vous envoyez MIKL suivi de la réponse au 64 900 par SMS. On tire au sort avant minuit et bonne chance si vous voulez participer, comme là il y en a plein qui sont en train de regarder le foot. Si vous êtes derrière votre radio et que vous n'avez pas l'occasion de regarder le foot, bah dites-vous que vous avez plus de chance que d'habitude, puisqu'il y en a plein qui regardent le foot, comme je le disais justement. On récupère Nicolas qui est avec nous. T'es toujours là Nico avant de faire les appels malveillants? T'es là Nico? Oui, exactement. Très bien. Bon, Nico qui nous avait appelé parce qu'il était à la recherche d'une meuf, comme d'habitude quoi. Mais non, je suis pas à la recherche d'une meuf. Ouais, enfin, t'aimerais bien qu'on t'en présente une. Nico ? Oui. Bon, t'aimerais bien qu'on t'en présente une. Oui, pourquoi pas. Bon, bah très bien. Alors, on a justement Alexandra. Ça te plaît ce prénom, Nico ? Oui, très joli. 37 ans. Oui, très bien. Salut Alexandra. Salut, Mika. Comment ça va ? Bah oui, tranquille. Ça va, ouais. Et toi ? Bon, Alexandra, qui voulait parler, enfin qui voulait en tout cas que je vais présenter à Nicolas. Tu connais, t'as écouté un peu Alexandra ou pas? Oui, j'ai écouté, mais bon, je fais. Bon, attends, je te passe Nicolas, là. Nicolas? Oui. Bon, là, elle a une vraie voix de femme, là, ça va? Oui, exactement. Là, bon. C'est possible d'une vraie femme. Bon, bah, tu vois, comme quoi, moi, tout arrive. Bon, bah, Nicolas, je te la présente, là, séduis-la un petit peu. Tu veux que je te mette une petite musique? Bah, attends, tiens, regarde. Savoir, Depuis que j'ai vu Suzette, t'as la raison. La photographe me bouffe le fion. Bon, alors vas-y, vas-y, Nico. Voilà, je vais savoir un peu ce qui pense des femmes, ce qu'il aime dans la vie, voilà. Oui, non, mais. Est-ce que t'as entendu ce qu'est mes... Donc là, ils nous entendent pas. Hein. Là, on va quand même se taper la pire drague du monde. Oui, allô, tu t'es fait... Oui, oui. Et qu'est-ce que tu en penses? Oh putain. C'est pas bien. Quoi? Oh, cette drague. C'est quoi? Cette drague entre vieux. C'est pas bien. C'est mal. Quoi, tu l'aurais fait? Non. Ah bah, ça m'intéresse pas. Mais casse-toi. Même si tu avais trop bu? Oh bah là, tu t'as fait, tu vois, si fait voir, est-ce que tu me montes ta chatte? J'ai bu un coup, même en ayant bu, on peut avoir du respect. Oh là là, oh, il met 3 heures à répondre à chaque fois. Allô? Oui. Mais c'est pour que ça monte au cerveau. Je pense qu'elle montrait sa culotte à ses copains, et puis moi je me suis trouvé juste à faire. Non, mais c'est pas bien ça, ça c'est pas... Tu sais, après un match de foot, quand la France a gagné... C'est bien, moi je suis contente que la France ait gagné. Mais on s'en branle. Mais il faut la draguer, faut pas lui demander des informations, Nicolas. On fout. Voilà. Drague-la. Allez, drague. Elle a mollesse. Nico. Oui. Drague. Malaisie. Allô? Allô? Oui. La folie des grandes. Devine à quelle tenue je suis. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça c'est top. Putain, maintenant elle croit que Nico est off. Oh là, on va pas s'en sortir. Entre l'autre qui croit oui. pas. Devine à quelle tenue je suis. Ben dis-moi. Non mais devine. Oh là là, mais quelle bande de mongols. Ben t'es en tenue. T'es chez en toi, tenue en petite tenue légère, non, je pense. Ça veut rien dire une tenue légère. Une tenue légère. Tenue. Ben t'es tout nu. Exactement, je suis à poil. Oh, quel horreur. Oh, le bâtard. Moi, ça me dérange pas. Oh, on quel horreur. Ouais, bah, en même temps, on le voit pas. C'est-à-dire que tout à l'heure, le mec qui parle alors qu'il a poil. Et toi, est-ce que tu le ferais chez toi? Mais qu'est-ce mais que c'est? On se croirait dans le tournis-manège. Et encore. Et là, c'est en quelle tenue? Tout nu. Ah, est-ce que tu es détenu? Ouais. Et qu'est-ce que tu fais? Oh, mais eh c'est... ben j'écoute Fun Radio. Non mais qu'est-ce que tu fais à poil? Ah qu'est-ce que je fais à poil? Eh mais lui il découpe des gens dans sa casse, c'est pas possible. Plaisir. Attends, est-ce que tu peux articuler? Je n'ai rien compris. Ah ben, nous tu non parles plus. De mes plaisirs. Voilà, de tes plaisirs sexuels. Ah ben je peux me caresser avec mes mains, des mecs voilà, qui les pieds. Tranquillement. Oui, et tu te caresses quoi? Là ils nous entendent pas. Je me caresse la tête, pouf. Le clitoris et le vagin, de pas me caresser. Le vagin. Caresser la bite, tu es une femme. Elle a pas bu, elle se caresse le vagin. Non, mais c'est pour être caressé les femmes. Oui, les seins, mais tu sais, j'ai des petits seins, alors je me caresse les seins. Oui, je me tire un peu sur les tétons. Ah putain, cette conversation. Alors, on est bien. Il a ni queue ni tête comme Toff. Pardon? Ouais, je pense que j'ai plus de tête que queue quand même. J'ai bien compris. Oui, ouais, j'aime bien. Tu te caresses la chatte. Le clito surtout. Ils vont mal finir les deux là. Oui. Et quelle est ta tenue préférée quand tu es seule avec un homme? Mais c'est vraiment ton image. Quelle est ma tenue préférée quand je suis seule avec un homme? Oui, chez toi. Oh ben j'aime bien mettre des porte-artelles. Des bas, des portes jartelles, et des portes jartelles. Qu'est-ce que l'homme que te fasse? Ah ben j'aime bien qu'il me prenne en levrette. Oui. Et est-ce que tu aimes Oui, j'aime sucer. Oui. Il a dit enfin, sucer la bite. Te fais pas soucier. Je pense qu'il a des cadavres ouais. sur la. Ouais, il doit avoir des trucs pas nets. Il doit avoir des trucs bizarres. Ouais. Là, il doit découper un mec en même temps qu'il parle. Oui, peut-être. Non, mais la meuf, en fait, elle lui a jamais montré sa culotte. C'est lui qui l'a dépecé. Hein. Oui, exactement. Et toi, t'aimes être habillé comment? T'es tout nu, putain, entre les deux bourrasses, là. C'est pour ça qu'il est à poil. C'est pour aller prendre sa douche et enlever tout le sang. Quoi? Peut-être. Là, je suis en train de me caresser. Oh putain, quelle horreur. Ouais, sur un cadavre. Mais t'aimes faire quoi aux femmes? J'aime bien les tuer. J'ai envie qu'elles Je prends une goutte de jus. Mais est-ce que tu aimes faire l'amour en te faisant étrangler? Quoi aux femmes? Je prends un couteau et je les coupe en deux. J'ai envie qu'elles jouissent. Oui, mais tu parles. Parfois, il m'arrive de leur découper la peau et de la mettre sur moi. Jouissent. As-tu compris? Oui. T'as envie qu'elles jouissent? Voilà, exactement. Moi? Quoi? Oh mon dieu. Parce que tu dis, j'ai envie qu'elle jouisse. Qu'elle au pluriel. Ah. Que les femmes jouissent. Ah. Que les femmes, carrément. Que les femmes jouissent. Putain. Oui. Il y a un message de Loïc qui dit mort de rire, la pire drague du monde. Seule. Non, mais on est au-delà de ça, là. En tout cas, c'est une belle drague. Eh, ouais. Bravo, en tout cas, j'espère que vous avez fait connaissance parce que c'était magnifique. Hein. Ah, c'était beau, ouais, c'était beau. Super, vous avez fait une belle drague, là. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on vous mette en antenne pour que vous puissiez continuer. Non, Mika, c'est pas la tête. Moi, j'ai mon compagnon. Mika. Oui, mais enfin, on sait jamais. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Nicolas? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un compagnon, pas de hors antenne. Ah, pas de hors antenne s'il y a un compagnon. Attends, parce que on a Teresa qui est avec nous maintenant, là, qui est intéressée par toi, Nicolas. Là. Oui. Salut, Teresa. Mickaël. Attends, Alex. Attends, Alex, d'abord, il y a Teresa. Teresa? Oui. C'est Teresa. Allô? Non, c'est pas une vraie femme. Si, si. Eh, hey, Nico, arrête. Nico, oui. Nico, elle veut savoir si t'as une cave aménagée. Pour égorger les gens. Oui. Je rêve de me faire découper et mettre au congélateur. Non mais ça va pas. Mais n'importe Alexandra, quoi. Elle a un problème d'asthme là. Eh, prends ta ventoline, Alexandra là. Oh, vas-y, je t'en mets un gros coup là. Tiens, un bon coup de ventoline. Ah, ça va mieux là. Ça va beaucoup mieux. Et le portier algérien qui vient de sauver la nation là. Wouhou. Enfin, toujours 0-0, 80e minute là. Bon, bah Nicolas, bon bah écoute, on n'a pas trouvé de fille pour ce soir. Peut-être un autre soir, je ne désespère pas. Mais pourtant, oui, bah moi je suis là. Bon bah Teresa, non, malheureusement, il n'est pas intéressé par toi. Bon bah voilà. Attends, ça nullement. Comment? Je dis nullement intéressé par toi. Nullement, d'accord, ok. Bon bah tant pis, si vous êtes une autre femme, bien entendu, hein, et que vous voulez éventuellement peut-être discuter avec Nicolas, hein, comme vous avez pu l'entendre, il a beaucoup de conversations. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon, bah salut Nicolas. Oui, est-ce que tu peux me repasser le standard? Avec plaisir, je te repasse Sandro. En plus, elle me faisait des signes en disant surtout, dis-lui que je veux le reprendre en antenne. Je crois que t'as une touche. Nico, avant que tu t'en ailles, est-ce que ta cave est aménagée? Mais c'est pas de cave, moi. Ah, pas de cave. Le grenier. Et tu niques où, les gens? Quoi? Non, d'accord, on s'est compris. Mais oui, voilà, c'est ça. Peut-être un grenier? Ni cave, ni grenier. Ah, ni cave, ni grenier. Bon, bah tant pis. Ça marche. Bon, bah salut Nico. Oui, salut. Ciao Nico. Eh ben voilà, il retourne chez Sandro, elle a beaucoup de chance. Et Alexandra, eh ben merci d'avoir appelé. Hein. Et Mickaël, je voulais simplement te dire que vous partez le 13 et je me suis cassé le nez. Tu t'es cassé le nez? On m'a opéré, ouais. Ouais. J'ai été opéré et là j'ai tous les cadeaux que j'ai dit. Tout va être envoyé avant que vous partiez en vacances. Oh, bah c'est gentil, Alexandra. C'est cool. Eh ben, on t'appellera dès qu'on reçoit tout. Vous partez le 13. Ouais, bah on espère avant le 13 aussi, du coup, évidemment, ouais. Eh ben, c'est gentil, oui. Alexandra. Je t'ai dit, pour les filles. Et les garçons et tout le monde. Voilà, je t'avais expliqué la dernière fois. Ouais, tout à fait, je me souviens. Voilà. Eh ben, écoute, ben, merci Alexandra, on te tient au courant. On te tient au courant. Oui, bah oui, de nez, tout ça. Et j'espère que vous l'aurez. Avant le 13. Là, oui. Ouais, avant le 13, puisqu'on parle quand le 13. Même. Ouais, eh ben très bien. Eh ben écoute, tout à fait. Eh ben écoute, eh ben on se tient au courant. On se rappelle dès qu'on les sort, dès qu'on les a. Je vous fais des gros eh ben, nous bisous. Aussi. Et ta chatte. Ouais. Et santé, Alex. Hein. Merci. Allez, ben de rien, Alexandra. Gros bisous à toi. Et restez sur Fun. On écoute Martin Garrix avec Sander Van Dorn maintenant, Gold Skies. Et juste après, on se fait les derniers appels malveillants. On a pas la bourre, mais bon, vous comprenez, il y avait les urgences. Oui, hein. Oui, non, bah oui. Ah bah Nicolas, Alexandra, on ne peut pas les faire attendre. Et on est bien parti pour aller aux prolongations là, hein. Allemagne, Algérie, la 83e minute, toujours 0-0, on vous tient en jus. Allez, Sander Van Dorn à l'instant, Go Skies sur Fun Radio. Bienvenue, si vous arrivez, c'est Mickaël No Limit avec des messages. Il y a Alexane qui dit trop énorme ce soir, là, dédié à toute l'équipe et gros bisous à vous. Ah, bah, j'avoue qu'on a eu de la chance avec Nicolas et Alexandra. Loïc qui dit la pire drague du monde, mort de rire. Et puis Arthur qui voulait avoir un petit message de bienvenue. Bien sûr, Arthur, on va te mettre un petit message de bienvenue. Ta gueule, connard. Voilà. Et puis on va se faire les appels malveillants également. Là, il y a un coup franc pour l'Allemagne. Alors attention, c'est toujours 0-0. On a du monde. Et il reste 3 minutes dans le temps réglementaire. 0-0, coup franc pour l'Allemagne. Est-ce que l'Allemagne va tuer l'Algérie là maintenant, dans les dernières secondes? Ce serait injuste, mais bon. Et appel malveillant là avec Toff là, quand tu veux, hein, parce que lui il a pas mis le casque, il regarde le foot, c'est pépère. Il est allongé comme si ouais, il était couché comme si c'était dans son canapé là, pépère. Il se grattait une couille. Mais voilà. C'est ça, moi j'étais bien. Mais c'est ça, ouais, ouais. Bon, et donc du coup, les appels malveillants, on va en parler dans un instant. Les mecs, donc 22% des mecs ont décidé de tromper leur copine pendant les vacances. Voilà. Et 16% des femmes. Voilà, c'est ça. Parce qu'on fait les cochons. On fait les appels juste après le coup franc. Schweinsteiger, non. Oh, ça glisse de toutes parts, c'est du n'importe quoi. Oh, ouais, c'est n'importe quoi. Tout le monde a glissé là, au niveau du camp allemand là. Bon, et ben voilà, c'est pâté, c'est pas dedans, c'est dommage, c'est raté, c'est gâché. C'est perdu. Eh ben c'est gâché. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle du coup, bah, grâce au numéro que vous nous envoyez tous les soirs, sur le mail de Toff, toph@fanradio.fr. C'est parti, on y va. C'est une grande question vacances. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si cet été vous allez préférer tromper votre femme ou plutôt faire un plan à trois. Sa mère. Pardon ? Ta mère, je crois qu'il a dit. Ou sa mère. Ou sa mère ? Ah, bon, c'est pas faux. Il a dit ta mère. Pas, on va le rappeler, on va le rappeler. Encore ? Allez, on rappelle, il reste 2 minutes dans le temps réglementaire là. Allô ? Oui, je m'excuse, on a été coupé. Voilà. J'ai pas compris monsieur. Soul. Mais. Enfin monsieur, un peu de calme. Monsieur, c'est un petit genou là, hein. Ouais, ça a l'air, ouais. Ça a l'air d'être un doux. Bon, attends, on rappelle. C'est vrai que ça ressemble à un doux. Oui, oui, allô. Oui. Oui, bonsoir monsieur. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si cet été vous allez préférer tromper votre femme ou plutôt faire un plan à trois. Ta grand-mère. C'est quoi cette erreur? Moi, je m'appelle Toff, monsieur. C'est une erreur, monsieur. Ah non, pas du tout. Pourquoi vous dites ça, monsieur? Vous avez trompé de numéro. Mais pas du tout, monsieur. Moi, je vous appelle juste pour vous poser la question. Ah non. Ciao, vas-y, ciao, t'es mort. Ciao, vas-y, t'es mort. Bon, bah, bon. Je suis mort alors. Bah oui, bah, à ce moment-là, il est mort, hein, très bien. Bon, on fera d'autres appels tout à l'heure. Demain, pardon. Ah, oui. Demain. Ah bah oui, on arrête à minuit ce soir, hein. Je viens de rappeler, attention. Moi, hein. Je crois qu'on est jusqu'à 2h. Non, 20h minuit, encore un bel arrêt du gardien algérien là. Oh là là. Eh, franchement, les deux gardiens de but sont bons, hein, aussi bien du côté allemand que du côté algérien, ouais. Là, parce qu'ils ont déjà arrêté des missiles ce soir là. Et c'est ça qui est beau, donc, c'est que bravo, hein. C'est fort. Non, c'est fort s'ils font, les gars. Bravo à eux, ouais. Bon, allez, dans un instant, dernière ligne droite de l'émission et dernière ligne droite aussi pour repartir avec vos maillots de foot. Pour le gagner, le maillot de foot, toujours la même question, bah, on donne la réponse dans moins de 10 minutes. Ouais, dans moins d'une minute. Quel est le pays qui a gagné la Coupe du Monde 2010? Portugal, France, Brésil ou Espagne? À vous de jouer maintenant. Vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64-900. Je tire au sort dans une petite dizaine de minutes. Vous choisirez le maillot que vous voulez de l'équipe de votre choix, ou alors le ballon de foot officiel du Mondial 2014, ou alors les chaussures, les baskets avec crampons officielles que les joueurs utilisent. Hein, c'est les Puma, les Adidas ou les Nike. C'est vous qui choisissez, tout simplement. Voilà. À vous de jouer. Quel est le pays qui a gagné la Coupe du Monde en 2010? Est-ce que c'est le Portugal, la France, le Brésil ou l'Espagne? Vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64-900. 4 minutes de temps additionnel. Eh ben, on se met la pub en speed et on vous donne les résultats juste après. Ne bougez pas de là. C'est Mickaël No Limit. On est en direct jusqu'à minuit sur Fun Radio. Eh ben, on va voir comment ça va se passer, hein. Est-ce qu'il y a un petit but qui va passer ou pas? Je vous tiens en jeu juste après. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01-42-48-5000. Mickaël, No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Déchirez vos livres et vos cahiers. Pissez dans l'encrier. Coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. C'est Fun Radio, j'ai oublié de mettre au micro comme un idiot. On est là jusqu'à minuit sur Fun avec Polo contre le reste du monde qui arrive dans un instant. Il y a Antoine, ouais. Qui dit vous êtes énorme les gars là. Est-ce que je pourrais avoir un message de bienvenue? Alors ouais, je vais en mettre un bien lourd là. C'est vrai que j'ai été plutôt tes sages ce soir avec les messages de bienvenue. Oui. On aurait pu en mettre plus. Bah ouais, non mais c'est pas ça, mais j'ai surtout été gentil quoi. Voilà, j'ai pas envoyé les plus violents quoi. Eh, hey, tu fermes ta gueule, je te dis, espèce de bâtard. Si t'es pas content, tu viens en bas et je te plume la gueule avec mon 22, je te dis. Et t'arrêtes de me faire chier, t'as compris ta race? T'as compris ta race? Bon, Polo contre le reste du monde, ça va arriver, on va appeler le gagnant pour le foot aussi. Et puis, c'est donc les prolongations pour l'Allemagne face à l'Algérie. C'est ouf. Et nous récupérons donc notre spécialiste dans le domaine, Anthony, de retour après cette deuxième mi-temps, Anthony. Oui, Mickaël. Alors, oh là là, on va choupinou. Bon, bah, qu'est-ce qui va pas, Anthony, là? Bien, je suis en stress. Oh, bah alors. Bon, Anthony, qu'on l'avait eu à la première mi-temps, qui nous avait dit, ouais, voilà, soit je pleure parce qu'ils ont gagné, les Algériens, soit je pleure parce qu'ils ont perdu, mais je vais pleurer. Bah, finalement, tu pleures pas. Pince-toi une couille. Pince-toi une couille. C'est bien pour le déstressage. Non ? Non, il a pas envie. Ah, ça va mieux. Bon, bah voilà, tu vois, finalement, Polo a toujours raison. Hein. Bah, bon, évidemment. Anthony. Oui. Bon, est-ce que ce match mérite un 0-0 à la 90e minute de match? Bah, normalement, il aurait gagné, mais bon. Oui, bah ça, merci pour les règles, merci Roger. Mais. Je vois que ça bouge pas, donc oui, apparemment, c'est mérité. Ça, c'est du commentaire, les gars. Ça bouge pas, donc c'est du mérité. Bon, qu'est-ce que tu imagines là comme résultat final? Est-ce que tu crois que ça va aller aux prolongations, au pénalty, ou il va y avoir un vainqueur dans les prolongations? Bah, normalement il devrait y avoir un vainqueur, mais bon, si on va vraiment au pénalty, ça sera vraiment encore pire pour moi de tenir, parce que là je vais debout, je vais prendre la photo devant la TV quand ils vont marquer. Je vais faire ouais. Appelle la FIFA et dis-leur qu'ils arrêtent le match. Sinon t'as qu'à faire comme le président uruguayen, tu dis que c'est tous des fils de pute à la FIFA. Parce que soi-disant Suarez, celui qui est le cannibale, il a dit ouais, il a mordu personne, c'est tous des gros fils de pute à la FIFA. Le président, hein, c'est comme si Hollande disait, parce que la France a été éliminée, c'est tous des gros fils de pute. Non, mais Hollande il retourne sa veste, il dit oh, allez, vive le Brésil. Non mais attends, le mec il a mordu à sang le mec. Oui. Et ils sont tous en rire, merde. Non mais tout le monde l'appelle le cannibale depuis des années. Et là ça y est, c'est genre non il l'a jamais fait. Il y a même des mecs qui ont parié sur le fait qu'il allait mordre il allait mordre pour la monnaie, ils ont gagné 50 000 euros. Exactement. Ouais. Mais c'est de la folie ou pas ça? Le mec c'est quand même un truc de ouf, hein, c'est un truc de dingue. Bon Anthony. Oui. Bon ben merci d'avoir appelé, hein. En tout cas c'était au top là, les commentaires étaient magnifiques. C'était au top. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, c'était au top. D'accord. Bon bah écoute, allez l'Allemagne alors, hein. Non, allez l'Algérie. Ah non, allez l'Allemagne. Non, j'aime pas l'Allemagne. Mais non, la National Mannschaft. J'aime pas, je préfère l'Algérie. Bah ouais, mais enfin la National Mannschaft quand même. Non, l'Algérie. Bon. Bon, tant pis alors, c'est pas grave. Bon. À tout à l'heure. Bah à tout à l'heure si jamais c'est pas fini. Bon bah écoute, enfin nous on sera plus là, hein. On sera plus là, il y a Party Fun qui arrive là. Mais on donnera les résultats demain bien entendu, enfin on te rappellera demain pour savoir comment ça s'est passé. Hein. Bon bah si jamais je pleure, on n'en est pas donc... Mais ça ira, demain il y aura la Belgique. Ils jouent à quelle heure les Belges? À 22h. Oh bah c'est parfait, on pourra suivre le match en direct, ça va être génial. Bon on te rappelle demain, d'accord? D'accord, pas de problème. Bon allez, salut Aldois et allez l'Allemagne, hein. Allez l'Algérie. Salut Anthony, ciao à toi. Ouais. Bon, Poutine. Ouais. Bon alors, comment ça se passe? Pas trop déçu? Enfin non, parce que vous êtes encore là au final. Ah c'est vraiment chaud, je te raconte pas là. Bah on suit le match en même temps là. Poutine qui est donc en Algérie, qui est algérien et qui suit le match là en famille et donc toujours 0-0. Là c'est la prolongation, là on démarre jusqu'à 120 minutes comme hier avec la Grèce et le Costa Rica. Et puis on va voir si ça va terminer au pénalty, au tir au but ou pas. On va voir. En tout cas bravo pour l'Algérie, hein, parce que tout le monde avait misé sur une victoire et moi en premier, hein, j'avais dit 3-0 pour l'Allemagne. Putain. Comme quoi. Tout le monde avait misé sur les Allemands. Et bah les Algériens, les enculés là, ils ont quand même montré qu'ils étaient là quoi. Mais tu vois le mec a parié, il a un match nul, il a mis sa mère là, il a gagné sa race. Grave. Et si l'Algérie gagne, ils étaient à 11 ou à 12. La cote Non, parce que si t'avais misé, c'était la victoire dans le temps réglementaire. Il fallait miser pour la qualification. Donc s'il y en a qui avait misé victoire de l'Algérie, là c'est mort. Non mais qualification de l'Algérie, elle était à 12 je crois, ou même à 14. Ouais, ce qui veut dire en gros, si pour ceux qui n'ont jamais misé, que si vous avez mis 10 euros, vous prenez 14 fois la mise. Ça ouais. Ce qui est quand même fort, 140 euros en ayant mis 10 euros, c'est pas mal. Non ouais c'est... Mais il fallait avoir envie de perdre les 10 euros parce que c'était pas gagné d'avance cette affaire. Bon enfin bon. Bon, écoute Poutine, bon courage hein, et puis bonne chance à l'Algérie. Hein. Merci Jean. En plus, c'est à cause de cet enculé de taf, hein. Il y a une porte-bonheur, l'enculé. Pourquoi? Puisqu'il va repasser sa voiture en vert et tout. Ah oui, c'est vrai, il avait dit qu'il a... Non, c'est pas sa voiture, c'est l'autolib. C'est une autolib, mais il est à moitié algérien, toi. Ouais. Bah, il est à moitié algérien. En vert et blanc, mon autolib. Il vient d'Alger, hein, Tof. Enfin, il est né à Alger. Non, il vient de comment ça s'appelle, Tof? C'est de... Il vient de... De merde, je suis plus... D'Alger, non? Ouais, je crois que c'est ça, ouais. C'est d'Alger que tu viens? Bien sûr. C'est ça. Bah voilà, bien c'est sûr, ça. Ouais, il est né à Alger. Bien sûr. Il est né dans une poubelle. Voilà. Une poubelle d'Alger. Il est dans une poubelle d'Alger, exactement. Ouais. C'est pour ça qu'il garde sa double nationalité maintenant. Mais c'est-à-dire il a raison. Que demain sur Wikipédia, je vais être né à Alger. Mais oui, il faudrait que ça soit mis à jour, ça, cette affaire. Non, mais le pire, c'est ça, c'est que parfois, on a dit tellement de conneries parfois que les gens, ils les ont retranscrites sur Wikipédia. Quand je vais dans des. Je rencontre des gens, ils me font ah ouais, alors t'as fait ça. Je fais, ah non, jamais et tout. Bah ouais. Si, ouais. Si, je t'ai regardé sur Wikipédia avant qu'on se voit. Donc là, Toff est belgo algérien. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, allez, salut Poutine et bonne chance pour le match. Hein. Merci, tout à l'heure. Bon, allez, salut à toi. Oh, but pour l'Allemagne. Eh ben voilà, tiens. Avec ce but inscrit par André Schürrle sur un service. Schürrle. Müller. Ah ouais. Le premier Schürrle qui l'a marqué. De Joachim Löw qui fait la différence. Ah ben les Algériens tirent la gueule. Hein. Ben voilà, tu vois. Mais qu'on rappelle Anthony. Allez, l'Allemagne vient de mettre un but, c'est pas fini, hein. Ça fait une minute seulement là, il reste encore 29 minutes de jeu, donc tout est encore possible. Mais bon voilà, là, malheureusement, allez, c'est un but, ouais. Malheureusement là, le portier algérien n'a rien pu faire même s'il a touché le ballon, mais c'était trop violent là. Bon bah Poutine, désolé hein. Ouais, pas de soucis, normal. Anthony ? Ouais. Bon, comment ça va ma gueule ? Ça va pas. Ça va pas ? Attends, c'est non. Pas fini. Eh, c'est pas fini, il reste 29 minutes. C'est quand même foutu. Mais non, sois pas défaitiste. Ils ont mis pendant tout ce temps-là, les mecs, ils étaient déjà perdus. Mais ouais, il reste 29 minutes. Je suis sûr que ça a été arrangé. Comment ? Je suis sûr que ça a été arrangé. Non. Oh, le mauvais perdant. Eh, c'est pas fini. Il reste encore. Là, tu pourrais dire, t'étais triste, machin, s'ils avaient mis ça à la 89e. Là, c'est à. Ça fait une minute que le temps additionnel a démarré, donc t'inquiète. Enfin, que les prolongations plutôt ont démarré, donc t'inquiète. Ouais, mais bon. Ça va aller, Anthony. Allez, bah, vive. À moins qu'il ferait comme Torino, qui marquait deux goals en 2 minutes. Eh ben voilà, on sait jamais. On ne sait jamais. Toujours y croire. Ok ? Surtout okay, en foot. Bon allez, à tout à l'heure peut-être Anthony, on sait jamais. Hein. Ouais. Bon, reste quand même avec nous, on sait jamais. Bon allez, c'est parti, on va appeler maintenant le gagnant ou la gagnante pour le match de football, enfin le maillot de football. Ceux qui ont répondu correctement à la question donc, et le pays, quel est le pays qui a été champion du monde en 2010 ? C'était donc en Afrique du Sud. Est-ce que c'était le Portugal ? Est-ce que c'était le Brésil, la France ? Ou l'Espagne. Il fallait envoyer Mickaël au 64 900 avec la réponse. Et en attendant d'appeler quelqu'un dans quelques secondes, eh ben on va se faire les teubés de la télé. Eh ben oui, vous le savez, tous les soirs vers minuit, on se fait les teubés de la télé justement sur Fun Radio. Et dans mon émission préférée, c'était Confessions Intimes, on a encore un bel exemple de communication et d'amour dans un couple. Arrête de faire ta diva et occupe-toi un peu de la maison. Ta diva, bon. Tu m'as pris pour qui toi ? Je suis pas Maria Carré, moi. Non, ça c'est clair. Ça veut dire quoi ça ? Tu veux te prendre le pain au chocolat dans la gueule ? Eh bah oui, tu veux te prendre le pain au chocolat dans la gueule. Amour. Mais oui. Grave. Amour et communication, pardon. Totalement. Et puis Jean-Pierre Coff nous compare également l'écorce d'un boulot à... bah écoutez ce qu'il dit en fait, c'est mieux que si je le dis moi. Je trouve que l'écorce d'un boulot est douce comme de la peau de bite. Ouais. Voilà, et douce comme de la peau de bite. Merci Jean-Pierre. Et puis dans Slam, une candidate ne comprend pas trop la question, à vrai dire. En cache plus qu'il n'en montre. Le string ? Alors... Ça cache pas grand-chose. Le string, c'est un peu l'inverse pour moi. Hein. Ou alors on met pas les mêmes. Hein. Enfin, on met pas les mêmes. Ah bah non, mais pas les mêmes strings, je le confirme. Bon, minuit une, sur Fun Radio, on appelle maintenant... Ah oui, ça y est, hein, donc Wikipédia l'annonce officiellement. Ça y est, ça a été mis à jour. Toff est donc belgo-algérien. Néanderlecht ou Alger dans une poubelle. Attends, mais je vais essayer de l'enlever. Mais c'est des ouf, je te jure. Oh putain, c'est grave, quelle violence, c'est bon ça, ça c'est bon. Bon, allez, on appelle le gagnant foot maintenant avant de se faire polo contre le reste du monde, on est un peu à la bourre là. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du répondeur. Ça c'est bon. 52. Ah merde, bon, hop là, voilà, c'est ça, hop là, on va donc appeler un autre. À vous de jouer, hein, c'est le répondeur, tant pis, à vous de jouer, vous envoyez Mickaël maintenant et la réponse. Et on appelle quelqu'un qui s'inscrit là tout de suite. Ah bah bravo hein, pour le message, on t'appelait pour t'offrir le maillot de foot, c'est ton répondeur. Bah du coup, donc je disais, quel est donc le pays qui a gagné la Coupe du Monde en 2010 ? Vous envoyez Mickaël quelle est la réponse au 64-900 maintenant. Et j'en appelle donc j'en appelle un juste après Polo contre le reste du monde. Allez, c'est parti pour Polo contre le reste du monde, on y va. Bonne chance du coup, hein. On appelle que ceux qui s'inscrivent maintenant. Vous envoyez Amy, quelle est la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Et le maillot de foot de l'équipe de votre choix sera peut-être pour vous juste après ça. Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Vous êtes sur Fun Radio, bienvenue, c'est Polo contre le reste du monde avec Polo, puisque c'est moi qui est là. Et on en profite. La grosse, bienvenue. C'est moi qui est là, hein. Ya. Tu m'invites, on va manger un petit quick, un Burger King, un McDo, un kebab, un flunch, un KFC, un hippopotamus. C'est bon, t'as fait toute la liste là. J'ai faim. Allez, casse-toi, Steven. Ou Steven, d'où à la voix de canard. Oui. Oh, ouais, je t'écoute. Polo, dis-moi pourquoi t'en fais aussi dégueulasse. Je sais pas. Le chieur. Oui. Ouais, je t'écoute. Polo. Pourquoi t'es con ? Parce que c'est comme ça, je suis né comme ça, j'ai une maladie. La blague ! Polo. Ouais. T'es tellement con que sur... Désolé. Vas-y, continue. Je suis tellement con que... Bon, continue de rigoler. Jean-Jacques Dulac ! Ouais, Polo. Ouais. Faut qu'on se dise quelque chose. Allez, casse-toi. La douce Fada ! Oui. Bon, je t'écoute. Je suis trop deck. Pourquoi ? C'est pété d'Allemagne, là, ils ont gagné, ils ont marqué, là. Non, mais attends, c'est pas encore fini, calme-toi, rien n'est joué, d'accord ? Ouais. Allez, ciao, le fou ! Ouais, bâtard ! Ouais ! Et enculé, vous êtes à la bourre, va ! De quoi ? Ah, viens seulement de ma... Allez, casse-toi, Brian ! Ouais, je voulais te dire merci de faire tout le temps une dédicace des planchettes, hein, chaque fois que tu passes sur Fun. De rien, dédicace aux planchettes, la grosse ! Ouais, je pourrais te mettre du chocolat et de la chantier sur ta bite et je te la bouffe frais, j'ai faim. Super, on prend rendez-vous la grosse. Le doigt à la voix de canard. Oh Polo, pourquoi t'en fais aussi débile les mecs? Parce que temps. C'est une maladie, le chieur. Polo. Ouais. Est-ce que je peux participer au générique? Bien sûr, avec plaisir, la blague. Polo. Ouais. T'es tellement con que tu mets un timbre sur l'écran de ton ordi pour envoyer un courrier électronique. Très drôle, Jean-Jacques Dulac. Polo, le roi Christophe. Chie alors, la douce Fada, le retour. Oui. Ouais. Nique les Almaro. Ok. Le fou. Ouais, moi et Brian, on baise la grosse. Ok, super. On va commencer par s'en aller doucement. Alors, préparez-vous. Brian, conclusion, s'il te plaît. Oui, j'aimerais bien passer dans le générique. Ok, super. La grosse, conclusion. Je peux prendre le générique avec la bouffe. Ok, Steven, conclusion. T'en fuis plus la merde, c'est qu'un gros chien et on devrait le brûler. D'accord, merci pour ça. Le chieur. Oui. Pourquoi t'es laid, au fait? C'est pas... Bah, je sais. Et pourquoi toi, t'es con? Non, mais t'as pas le choix. Non, attends. Pourquoi non. T'es con, attends, toi, le chieur? Attends, mais ta gueule, t'as pas le choix. T'as pas le choix. De quoi? T'es laid. C'est ta mère qui t'a fait, t'es laid. T'as pas le choix. Je te remercie. T'as pas le choix. T'es gueule. Je te remercie pour ce... Mais ta gueule, t'as pas le choix. Il est bon, lui. Hey, je te remercie pour le c'est ta mère qui t'a fait. Sale doux, va. Mais ta gueule, t'as pas. C'est quoi ton prénom, le doux? Quoi? C'est quoi ton prénom? Moi c'est Alexandre. Alexandre, t'es une merde. Ah bon? Ouais. La blague, conclusion. J'ai pichoté au générique. Ok. Jean-Jacques Dulac, conclusion. Ouais, c'est pas fait tant pour que je suis dans la... Dégage d'ici, la douce Fada, conclusion. Je peux chanter au générique. Avec plaisir, le fou, conclusion. Je vais faire une petite dédie vite fait. Vas-y ma gueule. Petite dédie à Vanessa Gatiman. Allez, ciao, le chien. Ouais. Allez, on y va. Non mais ta gueule, t'inquiète pas. Non mais ta gueule. Attends, mais... Allez. Combien de fois faut que je te le dise? On y va, le chieur, nous. Conclusion. Ta gueule. Avec plaisir, merci. Ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Merci à tous ceux qui m'ont écouté et merci surtout à ceux qui... Salut, c'est Clara Morgan et vous écoutez Polo contre le reste du monde. Exactement, et tout à fait, voilà, surtout merci à eux évidemment. 100ème minute de jeu, toujours 1-0 pour les Allemands là, Allemagne-Algérie, 1-0 donc, et on va se faire le générique de fin dans quelques minutes. Avant ça, on va également récompenser comme on le fait tous les soirs, profitez-en, c'est bientôt fini, hein, bientôt la fin de la saison. Le top twitto, ceux qui auront le plus envoyé de messages avec le hashtag MIKL, 20h minuit sur Fun. Et nous allons donc, eh bien, donner le top 5. Et le numéro 1 repartira, bien entendu, avec un magnifique sextoy offert par... passagedudésir.fr. Évidemment. Allez, c'est parti. Quel est le numéro 5? Le numéro 5, c'est Corentin. Le numéro 4. Le Bosniakov. Le numéro 3. Benjamin. Le numéro 2. Mr. Steven. Et le numéro 1. Virginie 66. Qui a déjà gagné, me semble-t-il. Oh oui. Oh oui. Elle a déjà eu beaucoup de plaisir. Oui. Très bien. Avec Passage du Désir. Oui. Bon, on va donc offrir à celui qui n'a pas encore gagné, hein, ouais, qui est classé là. Donc voilà, qui repart avec un magnifique sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, et on ne salue pas malheureusement l'attaquant algérien qui vient de rater l'égalisation là. C'est passé à deux doigts du but de Neuer là. Bon, allez, minuit 8 sur Fun Radio. Et si on se faisait le générique avec Brian, avec la grosse, avec la blague, avec la douce fada, et puis avec un auditeur qui est passé nous voir également là, vous êtes tous prêts? Ouais. Eh ben ça va être chaotique. Ça va être une belle cacophonie. Ça va être chaotique ce soir, ouais, je pense. J'ai envie d'un kebab sous algérienne. Bon, allez, vous êtes prêts? Ouais. C'est parti. Eh, soyez sérieux, hein, sinon je vous raccroche au nez. On y va. Je t'aime. Oui, bah moi pas. Allez, c'est parti, on y va. Tu bouffes des bites, t'as te sucé, t'as l'enculé. Tu bouffes des bites, t'as te sucé, t'as l'enculé. On est plus un hamburger de Quick. Va te faire enculer, clochard. Prends-moi un kebab. Je ne t'offrirai pas de kebab. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Allez, soyez bon là, soyez bon, c'est la finale. Enculé, toi, oh, vous avez été mauvais. Oh là là là là, au revoir tout le monde. Oh, ah, ils l'ont salopé. Ah, on est mieux ou pas là? Ah, on est quand même vachement mieux. On est quand même mieux là, je trouve. Ah ouais, on est à la cool. Ah, là, on est à la cool là. Voilà. Ça gueule plus de partout. C'est quand même pas mal. Un petit tour du côté du match. Ah bah 103ème minute, 1-0 toujours pour l'Allemagne face à l'Algérie. Bon bah voilà, on a terminé ce soir. Merci en tout cas merci en tout cas d'avoir été là sur Fun Radio ce soir. Merci de nous avoir suivis. Évidemment, on se retrouve demain à partir de 20h. Nouvelle édition donc de l'émission Mickaël No Limites sur Fun, évidemment, en mode horaire d'été jusqu'au 13 juillet 20h minuit, avec d'autres tablettes Asus qu'on vous offrira avec... Oh non, mais je suis con, j'ai oublié d'appeler le gagnant là. Ah oui, ah bah oui. J'y pense. En disant aussi avec d'autres maillots, je me dis mais on l'a appelé, mais c'était le répondeur. J'avais dit qu'on appellerait à nouveau. Allez, c'est parti, on y va. Oh là là, suis-je bête? J'étais à la bourre, moi. Allez, c'est parti. Parce que celui qu'on a appelé tout à l'heure, ben, n'a pas décroché, malheureusement. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Johan. Salut, Johan. C'est Mickaël, t'es sur Fun Radio, là. Dis donc, t'appelles d'où? Bah là, je sais pas, en dessous danger, parce que je suis chauffeur poids lourd. Ah, t'es en dessous danger, d'accord, ok. Bon alors, dis-moi Johan, quel est le pays qui a gagné la Coupe du Monde en 2010? Alors, je suis pas très foot, mais il me semble bien que c'est l'Espagne quand même. Et oui. Qui sont plus là d'ailleurs. Et oui, qui sont plus là, effectivement, oui. Tout à fait, oh, tout pauvres, à fait. Oh, les pauvres, les pauvres. Olé. El señor de la fuente a la muerte. Si, hola, que tal? Hola, que tal? Si, señorita, patata. Eh ben voilà. Bah maintenant les joueurs jouent ça hein, pour gagner leur vie là. Bah oui, ils ont pas le choix, ils ont pas le choix. Et les Gypsy Kings. Bon bah bravo en tout cas, ça te permet de repartir avec le maillot de l'équipe de ton choix. Tu veux quel pays? Bon, la France en café. Eh ben l'équipe de France. Alors on va attendre avant de te l'envoyer que la Coupe du Monde se termine, puisque pour être sûr hein, que si jamais ils gagnent, on te met bien le maillot avec les deux étoiles. Hein. Ouais, c'est mieux. Bah tant qu'à faire pour pas avoir un maillot maillot périmé quoi. Eh bah c'est offert par Fun Radio et par Pro Direct Soccer. Bravo à toi Johan, maillot de l'équipe de France pour toi. Et puis bah tu reviens quand tu veux. Salut à toi. Merci, y a pas de souci. Allez, à bientôt, Johan. Ciao. Et puis, bah, tous les autres, à vous de jouer. Hein, si vous voulez gagner votre maillot, si vous voulez gagner votre tablette Asus, bah, ce sera demain, la Mimo Pad 10. On vous l'offrira demain à partir de 20h. Bonne soirée, bonne nuit. Merci également à tout le monde. Hein, Tof, Polo, vous allez faire quoi là? Bah, moi, je vais aller fêter la victoire. Eh ben, oui, bah, évidemment, en tant que belgo-algérien. Bah, voilà. Hein, voilà, c'est marqué sur Wikipédia. Bah écoute, je sais pas, on verra hein. Là pour l'instant c'est la fin de la, voilà, fin de la première mi-temps. On suit quand même en direct. Et puis il y aura la suite, et puis vous suivrez tout seul. Attention, attention, peut-être un but. Non, pas de but. Et oui, ce sera trop long. Voilà, c'est la fin de cette première mi-temps des prolongations. Reste 15 minutes et des éventuels tirs au but si les Algériens arrivent à mettre un but supplémentaire. Passez une excellente nuit en tout cas. Rendez-vous demain à partir de 20h. Je souhaite une bonne nuit, gros bisous. Salut tout le monde, c'est Parti Fun qui débarque. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Oh my God, Mickaël, nos limites.